Allez, pour la deuxième semaine consécutive, Avicii reste le titre le plus joué cette semaine dans tous les clubs d'Europe. En numéro 2, on avait Robin Thicke, Armin Van Buuren en 3, meilleure entrée de la semaine directement. 4e, Martin Garrix avec Animal. Et 5e, les Daft Punk avec Get Lucky. Et on note également l'entrée de Niels Van Gogh à la 22e place avec le son de Pornstar. Belle semaine, tout le monde, bon courage pour ceux qui vont aller au taf ou encore demain. Prochain classement, ça sera évidemment même heure, même punition dimanche prochain dès 18h pour l'Eurodance 25. Et pour terminer la semaine en beauté, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, tu nous as bien introduit. Bien là. Introduit, oui, c'est ça. après du boum boum et du tic-tac, exactement. Nickel jusqu'à minuit. Tu l'aimes bien celui-là ? Alors ici, c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de tic-tac. Bah, c'est ça l'Eurodance 25. Hein. Ah là, le journaliste d'investigation, j'aime. Ouais. Je rappelle qu'il avait été à Tomorrowland pour les auditeurs qui débarquent pour la première fois, donc un vrai journaliste qui sait bien de quoi il parle quoi. Ah, bon bah merci Miko là. Merci à toi. Rencard la semaine prochaine, 18-20. Exactement. Avec un nouvel Eurodance 25. Eh oui, et en replay sur playfun.fr. Playfun.fr, exactement. Je vais aller dormir, je vous embrasse. Oui c'est mieux, oui. Allez, salut hein. Salut. Ciao, et puis on est parti là, on est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez encore faire les couilles longtemps, hein. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Ouais. On va peut-être faire chier un peu longtemps, effectivement. Ouais. On est dimanche ce soir, bienvenue, on commence à 20h et ça fait du bien de vous retrouver. Ah, c'est vrai qu'on s'était manqué, je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages disant qu'on leur avait manqué. Bah, c'est pareil dans l'autre sens, rassurez-vous. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, eh bien soyez les bienvenus, moi c'est Mickaël. L'émission s'appelle Mickaël No Limit avec le petit hashtag devant et on est là jusqu'à minuit le dimanche. Et puis de 23h à 2h évidemment le reste de la semaine du lundi au jeudi. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas, hein, venez prendre le contrôle de Fun jusqu'à minuit ce soir. Il suffit de faire le 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0 et vous passerez à l'antenne hein, comme Lorenzo qui était déjà avec nous là. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir tout le monde. Alors salut, t'appelles pourquoi toi? Pardon? Tu appelles pourquoi toi? Bon, j'appelle parce que je suis rentré à l'école mercredi dernier là. Ah c'est la merde hein, toi aussi t'as eu un problème. Ouais les cours et tout, moi j'arrive à Lyon là. Ouais. J'ai un Anderlecht, à côté de Bruxelles. Ouais ouais on connaît bien, toi t'es né là-bas d'ailleurs. Ah c'est pour oui, te dire. quel bel endroit. Et alors Lorenzo? Et alors mercredi bah c'est la rentrée des classes. J'arrive ouais. Dans la classe, bon je m'assois et tout, et puis là un prof qui rentre et qui me dit ouais il y a un nouveau, bon alors lève-toi et présente-toi. Ouais. Et puis je me lève, je commence à me présenter et là mais tout le monde hurle de rire. Pourquoi? Et moi parce que j'ai un accent et personne n'a l'accent. Ouais t'es un peu là, ouais non mais encore t'as pas un accent bruxellois je trouve, on dirait que t'es plutôt suisse. J'ai un ouais, accent, non, tu vois. Et là tout le monde a explosé de rire et je ne sais quoi faire quoi. Et tout le monde disait ah t'as un accent de merde et tout. Tu rigoles, c'est pas cool hein. Bah non c'est sûr, non mais je rigole pas, tu sais, toi et moi on est belge pour le coup, même Polo, donc c'est pour te dire. Je suis français, ouais, mais je suis c'est pas ça, belge. Ouais, c'est ça. Bon écoute, on va en parler dans un instant là, reste avec nous Lorenzo. Bah voilà, si vous aussi vous avez un accent, si vous aussi vous êtes déjà foutu de la gueule de quelqu'un, que ce soit au bahut, au boulot ou au contraire, on vous s'est déjà foutu de votre gueule, n'hésitez pas à venir nous en parler. 01 42 48 5000, ce soir au standard, on a Kelly et Lilou qui sont avec nous, ça va les filles? Non. Non, mais déjà allume ton micro, Lilou, elle commence mal déjà, elle commence très mal déjà, très très mal. Attention, il y a une punition si jamais tu fais des conneries, n'oublie pas hein. J'ai attention. Très peur, j'ai très peur. Ouais, bah j'imagine bien. Voilà, donc comme Sandro est toujours malade pour le coup hein, donc c'est Lilou qui la remplace ce soir avec Kelly à ses côtés. Donc si vous voulez les joindre les filles, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Mais heureusement, aujourd'hui, Lilou est venu et ça c'est le principal ouais. Grâce à notre ami Toff qui a ouais. été la choper avec son scooter. Alors c'était comment Lilou sur le scooter de Toff? C'était génial. La classe? Mais vraiment, la classe à Dallas. Quoi? La classe à Dallas. La classe à Dallas. C'est une expression de merde. Ouais. J'avais sorti mon grand chapeau. Ouais, exactement. Toff était un peu le JR de la moto. Mais je ne sais pas qui est JR. Je connais juste l'expression en fait. Ah, non, d'accord, c'est juste l'expression. Ok, vous cherchez pas. Bon, il y a la photo d'ailleurs de Toff et sa moto. Hein. On l'a mise jeudi soir, juste avant la fin de l'émission. Là. On l'a mise vers 2h15 du matin. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. T'as été la voir toi ou pas, Lorenzo? Lorenzo? Où est-ce qu'il est? Allô Lorenzo? Lorenzo, je suis là. T'as vu la photo de Toff sur sa moto? J'ai pas vu. Oh mec, faut que t'ailles la voir, hein. c'est juste du caviar. Ah il a trop la classe. Sa moto, tu l'as déjà entendu quand même là? Ouais. Ah ouais, attends, pour ceux qui l'ont pas entendu, c'est ça sa moto. Hein. Bon et comme là c'est le début de la semaine, elle démarre facilement bien. On verra à la fin de la semaine, sera plus compliqué. Ouais. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel évidemment. Voilà donc Toff qui vient d'arriver avec Lilou sur sa moto, tout va bien. Et au taquet évidemment Toff hein. Bah toujours. Bah oui, évidemment, il va très très bien. Merde. Oui, je suis totalement prêt. Je ne sais pas ce que tu voulais faire comme ça. Je tombe un peu à l'eau, je pense. J'ai raté. Mais non, mais j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Je voulais le présenter. Mais j'ai poussé sur un mauvais bouton, ça avait effacé le P, donc il est très emmerdé. Bon, bref. Donc, Toff est là, en pleine forme, et Polo également, le pipeau est affûté. Ouais, il est affûté, sorti de sa pochette. Très bien, un petit coup de pipeau. Allons-y. Allez, je rappelle que Polo est le plus grand pipoteur de la Terre. Du monde. Exactement, écoutez ça. Voilà, merci. Tout le monde est à sa place, Lorenzo est à sa place, ouais. On va parler avec lui dans un instant. Et puis on va s'écouter du son. Tiens Lorenzo, c'est quoi ton son préféré en ce moment là? T'en as un ou pas? Mon préféré, moi c'est Papa aux têtes Stromae. Non oui. On pourrait croire que c'est pipoté. Mais c'est excellent. Vraiment le premier son que j'allais mettre. Voilà, on est en connexion. Eh, t'as vu, on est connected Lorenzo, voilà. C'est parce que tu bosses en France, t'es en cours en France et que t'es belge, un peu comme moi, tu vois. Alors on a la connexion. En plus Stromae est belge aussi, donc tu vois finalement. Voilà. Tout le monde est là pour l'autre. Eh ben on est connected, exactement. Et puis en plus on va se faire encore aussi un son. Alors c'est pas belge, c'est hollandais. On aura aussi un son que vous aimez bien d'ailleurs, vous êtes nombreux à me le demander. Alors il y en a plein qui me disent, c'est quoi le son avec du saxo? Voilà. Bakermat. C'est Bakermat, exactement. Avec Van Dijk. Van Dijk, Toff, qui veut dire aujourd'hui. Voilà. Et on vous le mettra tout à l'heure avant minuit. Et puis si vous avez des sons à proposer, n'hésitez pas. Hein. Vous faites les propositions dès maintenant, évidemment. Vous mettez le hashtag Mickaël, tout simplement, sur le Twitter. Et puis on en parle évidemment avec vous. Il n'y a pas de problème. On salue également les SBFreaks, là, qui dit Mickaël, c'est parti. Eric aussi qui dit salut la team. Antoine, c'est parti. Content de vous retrouver, bande de malades. Eh ben, merci à toi. Il y a Benjamin qui dit j'adore la moto. Et Antoine qui dit moi, j'ai un accent français pour les Belges et un accent belge pour les Français. Oh, c'est encore le truc le plus pratique à faire au final. Hein. C'est d'être un petit peu mis comme ça au milieu. C'est plus sympa, quoi. Et t'arrives pas toi à enlever ton accent Lorenzo? Pardon? T'arrives pas toi à virer ton accent ou en tout cas mettre... C'est difficile, parfois comme ça fait deux mois que j'habite à Lyon, ouais. J'arrive à plus l'avoir, mais comme à la maison c'est encore on parle, enfin il y a l'accent, bah, le lendemain dès que je reviens il y a forcément l'accent. Et t'as pas eu des problèmes avec les 70, 90, 70, 90? Bah ouais, non, c'est tout. Bah oui, j'imagine, ouais. C'est... Au début, quand t'arrives, évidemment, ça surprend toujours, hein, ça c'est clair. Voilà, mais maintenant, ça, je m'y habitue un peu. Hein. Bah oui, bah tu sais, Polo aussi a eu du mal au début, puis finalement, il s'habitue. Hein. Avec quoi? Bah avec les 70 et les 90. Ah oulala, j'ai toujours du mal d'ailleurs. Bah ouais, mais bon, là finalement, il s'habitue. Et c'est quoi le genre de vannes qu'on te fait, à part accent de merde qui sert à rien? Ouais, bah c'est même pas des vannes, c'est on me jette la cassette par terre et tout. Non comme ça. Ah, une cassette, si. Alors c'est le plumier en fait, où on met les stylos, les crayons. Et... Je fais traducteur également, hein, donc voilà. Ah, oui. Traducteur interprète de belge. Voilà, exactement. Bah écoute, on est belge avec Toff, donc bah, ouais, on peut traduire. Ouais. Donc alors évidemment, si tu sors des expressions comme ça, Lorenzo, je peux comprendre qu'il soit surpris, quoi. Quand tu dis une cassette, c'est pas une cassette, c'est un plumier. Bah oui. Oui, voilà. Voilà, non, mais une trousse. Non, mais ouais, ou une trousse, à la limite, genre, si tu veux. Que j'en perds mon latin. C'est clair. Bon, bah écoute, on va en parler en tout cas. Vous êtes tous les bienvenus ce soir. Et j'ai du lourd aussi ce soir, puisque j'ai des iPod Nano aussi, wow, à vous offrir. Ah ouais, iPod Nano, iPad Mini. Alors ça, je vais me prendre la gueule plusieurs fois dedans. Hein. iPod Nano, iPad Mini, je vais à mon avis mélanger. Ça va être un iPod Mini, un iPad Nano, un truc comme ça. Mais bon, vous connaissez le principe. iPod Nano a gagné cette semaine, des iPad Mini, des casques de DJ. Si tu gagnais un des trucs, Lorenzo, tu prendrais quoi? Moi, un iPad mini, franchement, ce serait nickel. Un iPad mini, c'est ça? Ouais. Ah, j'imagine que ce serait nickel. Et Gaëtan également, qui est avec nous, là, Clermont-Ferrand, là. Salut Gaëtan. Salut. Oula, Gaëtan, est-ce que tu as quelque chose entre les jambes? Pardon? Est-ce que tu as quelque chose entre les jambes? Non. Non, ah, ah bon, tu es sûr que tu t'appelles Gaëtan, alors, non? Oui, oui. D'accord, ok, très bien, écoute, pas de problème. Bon, Gaëtan, si tu pouvais gagner, toi, tu prendrais quoi? iPod Nano, iPad mini, casque iPad de DJ mini. iPad mini, bah ça tombe bien, tu vas jouer pour un iPod Nano. Ouais, tant mieux. Non mais c'est bien aussi après hein. Bon, on va se faire petite colle Gaëtan là hein. Ouais. Bon bah c'est parti alors hein, je te rappelle le principe. Et je rappelle le principe à tout le monde d'ailleurs aussi. Vous allez devoir écouter la colle de Gaëtan. Si vous avez la bonne réponse, il va falloir y répondre. Répondre sur le Facebook de l'émission en tapant facebook.com/mikaelofficiel. Et puis bah vous laissez un commentaire. Vous laissez tout simplement la réponse sous commentaire. Et si vous êtes tiré au sort tout à l'heure à 21h30, eh bien vous repartirez avec votre iPod Nano ce soir. Gaëtan? Oui. Fais péter la colle. Alors, je suis partout au Canada. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Très bien. Si vous avez la bonne réponse, l'iPod Nano est à vous. Il suffit de venir jouer. facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous n'avez pas internet, on pense à vous aussi. Vous pouvez jouer par SMS également en envoyant Mikaël et la réponse au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. Voilà. Bon, Gaëtan. Ouais. Répète encore un coup. Je suis partout au Canada. Ouais. Et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Très bien. Allez, bonne chance tout le monde. On va se faire ça dans quelques instants sur Fun Radio. La réponse donc à donner maintenant sur le Facebook de l'émission. Dans 30 secondes, je vous mets la question et de la colle donc sur le Facebook de l'émission avec l'iPod Nano. Vous allez voir une petite photo avec l'iPod Nano. Vous laissez votre commentaire avec la réponse et puis si vous êtes tiré au sort, à vous donc. Bonne chance. Gaëtan, on te récupère tout à l'heure. Très bien, et Lorenzo, bon, on va te récupérer dans un instant également. On va se faire d'ailleurs se faire un petit battle d'accent là. Qu'est-ce que vous allez faire comme accent vous? Alors moi je vais faire l'accent en belge une fois. Ah non, justement, tu sais pas le faire. Si, non. Ah non, je t'assure. Voilà. Si, je fais bien Tof. Magnifique, c'est le meilleur accent que j'ai jamais entendu, c'est un vrai pote. Ah moi je vais faire l'accent canadien mais il faut me lancer. Attends, tabernacle. Ah ben tabernacle, effectivement, on va revenir dans quelques instants. Dans quelques instants avec... Ah vas-y, tu sais le faire, toi, vas-y, dis-moi, dis donc. Y'a pas de soucis, mettez la musique, nous on va entendre la musique, on veut swinguer, hein. On dirait un africain. On dirait un créole. Oh là là là là là. Bon, allez, dites-nous si vous avez des idées là en termes d'accent. Est-ce que vous savez imiter des accents bien ou mal, hein? Peu importe, on va voir. On posera la question à Lilou aussi dans un instant. Je pense qu'elle doit être douée dans le domaine. Turn on. Je connais pas. Tu sais faire comme accent ouais. L'accent allemand, je crois. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lilou. Bon, allez, restez sur Fun Radio. On va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous en direct. 01 42 48 5000 pour prendre le contrôle de Fun. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Vous l'avez compris, on parle d'accent ce soir. On fait ça dans un instant. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu là. Oh, il était lourd celui de la semaine dernière. Il était très très lourd. Je vais t'enculer, toi. Voilà, c'est à base de ça. On en parle dans un instant sur Fun. Restez là. Bonne soirée, bonne fin de week-end avec Fun Radio. C'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Exactement, on est ensemble sur Fun Radio jusqu'à minuit ce soir, on est en direct. Et ouais, venez balancer vos messages 01 42 48 5000, le numéro du standard avec Kelly et Lilou qui décrochent. Lilou, c'est Lilou de Love Fun évidemment. Hein. Mais oui. Bah ouais, mais comme elle se faisait chier là. La célèbre. Voilà, c'est ça, du coup elle est venue chez nous quoi. Oui. Elle a insisté, hein. Ah, elle a insisté. Mais je suis amoureuse de Polo, c'est pour ça. Oh merde, alors qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Bon, bah venez nous parler, donc on parle d'accent ce soir. Est-ce que vous avez un accent? Est-ce que vous arrivez à imiter les accents? 01 42 48 9 79. Arrête ton cinéma. Bon. 01 42 48 5000, venez nous parler, n'hésitez pas. Et puis je rappelle également qu'il y a la colle ce soir, là, la colle qui est disponible sur le Facebook de l'émission pour gagner votre iPod Nano. Vous allez sur facebook.com/Mickaël officiel, il y a une petite photo avec l'iPod Nano, vous répondez à la question. Et si vous êtes tiré au sort à 21h30, c'est gagné. On s'écoute un bel justement, c'est Stromae et c'est Papa Outé maintenant sur Fun Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Le son de Stromae sur Fun Radio avec Papa Outé et attention parce que j'avais fait une vanne également. Je remercie un auditeur, j'ai plus son prénom malheureusement parce que j'ai vu ça quand j'étais dans la voiture, mais un auditeur qui m'a envoyé après le Papa Outé, Papa est là, avec la paella en photo, je trouve ça tellement naze. Ouais. Mais je l'ai quand même posté sur le Facebook et visiblement vous avez bien aimé parce que vous avez été combien à liker cette connerie? Vous avez été plus de 1300 là, à liker et à partager cette connerie, donc vous pouvez aller la voir, hein, cette belle paella avec après Papa Outé, Papa est là, donc facebook.com/Mickaël officiel. Surtout, n'hésitez pas. On aura le chéri, je peux te faire cocu aussi dans quelques instants. Il avait cartonné hein, celui de la semaine dernière. Alors écoutez bien. Voilà, c'était Toulousain qui avait joué, joué avec nous justement. Et puis en parlant de Toulousain et d'accent justement, nous avons avec nous toujours Lorenzo là qui nous avait appelé en début d'émission là, 18 ans de Lyon, ex-bruxellois. C'est bien ça? Exactement, très bien. Et donc tu nous avais appelé parce que comme t'as déménagé de Bruxelles, enfin d'Anderlecht pour être précis, vers Lyon, du coup quand t'es rentré en cours la mercredi, il y en a plein qui se sont foutus de ta gueule parce que t'as un accent. Et je trouve que t'as pas l'accent le plus prononcé, non, loin de là. Hein. Ah bah c'est peut-être avec le téléphone, je sais pas. Ah non, bah attends, je suis né à Bruxelles aussi, je peux te dire que... non mais c'est vrai, il a pas un accent exceptionnel. Non, on a connu des plus violents. Parce que vous êtes là-bas, alors eux ils connaissent pas, c'est pour ça. Mais non, bah attends, je te dis, j'ai toujours vécu à Bruxelles, Lorenzo, donc je connais l'accent. Oui mais... les Lyonnais, ils connaissent. Ah ouais, non mais d'accord, mais même, enfin je sais pas... Mais même Polo, tu vois, même Polo qui lui est français, il a pas vu, enfin c'est pas grave cet accent-là, t'entends rien à part quelques petites notes. C'est vers la fin, il est léger, mais ou quelques petits mots éventuellement quand tu dis cassette à la place de dire plumier par exemple, tout ça, tu vois. J'en ai connu violents. Hein. Ah, on en a connu des violents. Ah, bah attends, on a aussi Mickaël avec nous là, 24 ans là. Ça, attends, on va faire un jeu. Je regarde pas le standard. Mickaël, tu es là? Oui, je suis là. Alors, tu vas imiter un accent ou tu as un accent et il faut le deviner? Pour moi, j'ai l'accent, voilà, j'ai vraiment l'accent aigu. Tous mes collègues de boulot me le disent, n'importe où c'est que je vais. Ah bon non, moi, je vois pas l'accent. Ah bon. Moi, j'aurais plutôt dit un accent. Ouais. Lille, quoi. Moi, je suis, ouais, je suis clairement du sud, moi, je suis. Non. Vas-y, parle un peu pour voir, là, qu'on regarde. Comment ? Vas-y, parle un peu, là, dis-nous ce que t'as fait aujourd'hui pour qu'on se rende bien compte. Ben voilà. En fait, non, je peux vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais par exemple à Angoulême au travail, ouais, à la mairie. Et, dès que je suis rentré, là, le monsieur qui était à l'appui du tourisme, dès que j'ai commencé à parler pour demander un hôtel, il s'est mis à rigoler et il s'est moqué de moi pour avoir un accent, quoi, pendant deux fois. Bah pourtant, t'as un accent neutre. Hein. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Eh, moi non plus, je vois pas pourquoi tu dis ça. Hein. Non, c'est vrai que t'as un accent qui est un petit peu du sud, mais enfin, en même temps, quand t'es dans le sud, ça va, t'habites où là? Moi je suis d'Agen, mais après je suis d'Agen pour le travail, mais après je suis vraiment à côté des Landes, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, t'es pas dans la bonne région, quoi, effectivement, avec l'accent, forcément. Ah, il y a le prince Nadia aussi qui dit « Petit Panda n'est jamais venu apporter son gâteau, finalement, l'équipe ». Bah non, en fait, jamais, plus de nouvelles de Petit Panda. Hein. Nous sommes pas tristes. Ouais, il y a Colia aussi qui dit « Il faudrait réchauffer le scooter », là, on va le reprendre dans un instant. Et puis aussi Colia qui dit « Tu n'as pas l'accent québécois, Mickaël, mais pas du tout ». Bah si, j'ai l'accent québécois, je te raconte. Bien sûr que si. Je suis pas québécois, non, c'est... Non, pas toi, c'est moi qui avais imité l'accent l'accent du Québec. Salut, c'est Céline Dion. Céline Dion va écouter le nouveau single dans quelques instants. Ça, c'est un petit peu non, comme non. Bah si, un peu quand même. Ça passe. Il y a un fond, quoi. Il y a un peu quand même. Lilou, est-ce que j'ai l'accent québécois? Ah bah totalement, oui. Ah, tu vois, ça qui est bien. Non mais voilà, il faut écouter Lilou, elle a raison. Il y a le prince Nadia qui dit clairement, Mickaël a raison, l'auditeur n'a absolument pas l'accent belge. Bah, je suis assez d'accord, effectivement. Ouais. Attends, on a aussi Albert qui est avec nous de Bruxelles. Salut Albert. Ouais, bonjour. Ça va? Salut Albert. Bah ça va. Bon. Je suis en plein cours de conduite, hein. Je l'explique, j'envoie le message, mais je suis en plein cours de conduite, hein. Je suis en train d'apprendre à ma copine. Ah c'est bien, t'envoies un message pendant que t'es en train. C'est bien, comme ça tu lui apprends directement les bonnes choses à faire, quoi. Mais la deuxième, avant son embrayage. T'es un bon Albert. T'es bon Albert. Bon Albert, tu nous appelais pourquoi toi? Pour l'accent? Bah ouais, parce que c'est pas j'ai un accent. Non, vraiment pas, non. Tu vois la différence, Lorenzo? Ouais, j'entends. Voilà, t'entends la différence. Mais t'entends quoi? Moi je trouve que vous avez un accent, moi je trouve que j'ai pas l'accent. Bon, c'est toi mon gars qui a un accent. Tu vas dans l'herbe. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es où là? Il va dans l'herbe, il dit. Attention, dis à ta copine qu'elle fasse attention. Ouais, qu'elle fasse. Bah, arrêtez-vous là, c'est peut-être mieux là, parce que déjà que. Bah déjà t'es bon au moins en conduite ou pas? Parce que c'est bien beau d'apprendre à rouler, mais. Ça va quoi? Ça va. Je suis pas mauvais. C'était pas mauvais, que c'est le principal. Mais attends, t'es le premier chemin, je comprends pas là. Non mais attends, mais t'es sérieux? L'embrayage. Hey, Albert. Ouais. T'es sérieux là quand tu dis que tu te rends pas compte que t'as un accent? Bah ouais, je trouve. Je sais pas. Je trouve. Non bah déjà il y a un V, tu vois, à trouve. C'est pas un F. Ah bon? Ouais. Donc quoi, il y a un peu. Attends, on va demander à Mickaël. T'es là Mickaël encore? Oui, je sais, bien sûr, oui. Bon, est-ce que tu trouves qu'Albert a l'accent bruxellois? Oui, peut-être un peu, oui. Ah peut-être un peu. Ah non, bah c'est peut-être nous alors. Bon Lorenzo, toi t'es d'accord, hein, il a l'accent bruxellois. Ouais, bah, j'entends bien. Bon bah très bien. Bah moi j'aimerais bien avoir les accents de filles également là. Si vous êtes là les filles et que vous avez un accent, que ce soit un accent bruxellois, ouais, parisien, du sud, de Lille, etc. Oh mais on peut appeler comment elle s'appelait encore là, notre lilloise préférée? Ah là. Oui. Véronique, ah, non, Virginie. Virginie. Elle a pas d'accent du coup. Comme ça, Virginie. On va essayer de l'appeler, tiens, on va encore l'appeler dans un instant là. Oh, allez vous faire enculer. C'est son mot préféré, c'est pour ça. Bon bah écoute, merci en tout cas Albert d'être passé et t'as pas d'accent, c'est vrai hein. Ah bah merci, ça me rassure. Bah écoute, je t'en prie, écoute, avec plaisir. Non vraiment, quand les gens disent que t'as un accent, franchement, dis-leur, non arrête, c'est pas vrai. Voilà. Je peux passer une petite dédicace? Ouais mais vas-y, il y a une seule personne, hein, tu connais la règle. Enfin tu la connais pas, je t'ai dit. Je passe une dédicace à mon frangin, il m'écoute sûrement, donc voilà. Bon bah très bien, il a le même accent ou pas lui? C'est pire je crois. Ah c'est moi je pire. De quoi? Je trouve que lui il a un accent donc je crois que c'est pire. Attends, et essaye un peu d'imiter parce que ça j'aime bien pour le coup. C'est tu sais quand t'as les Bruxellois avec un accent comme toi a priori Albert qui essaye d'imiter l'accent parisien. Vas-y, t'as vu, moi je suis de Paris là. J'habite dans le 16ème là. Les mecs qui habitent dans le 16ème ne parlent pas comme ça. Non. Là t'es dans le 9-3. Dans le 9-3 là, t'as vu, vas-y, on va aller sur les champs là, t'as vu? Ouais. Oh, qu'il est mauvais. Bon Albert, bah merci d'être passé, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci à vous. Allez, salut. Et fais attention à ta copine, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anaïs. T'as la radio là allumée ou pas? Non. Allume la radio un peu là. Mets un peu de son. Attends. Vas-y. Attends. Vas-y. Tu veux du son ou tu veux vous entendre à vous? Ouais, à nous entendre à nous, ça veut dire quoi? Oh là là là là, Albert quoi. Ça veut dire quoi? Tu veux vous entendre à l'école, Albert? Attends, c'est quoi, ça veut dire quoi, tu veux vous entendre à vous? Attends, parce que sinon vous allez avoir des échos là, mais il y a la mi-fun. Là non, c'est pas fun, ça, espèce de mongol. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bon, qui entendra vous, je sais pas ce que ça veut dire, en face what. Bon, écoute, dis à ta copine de se méfier de toi, parce que en termes de d'apprendre à rouler, je suis pas convaincu que tu la tiennes bien, la voiture. Mais enfin bon. T'inquiète, on est bon là. On est dans la zone, il y a personne, donc on est bon. Bon, très bien. Allez, bonne soirée à toi, Albert. Bonjour à ta copine et puis à bientôt. Hein. Merci, à bientôt. Hein. Salut, Albert. Ciao, Albert. Ciao à toi. Ce sera la phrase du soir. Hein. Tu vas lui apprendre à vous. Oui. Donc tu veux t'entendre à vous. Ah oui, tu veux t'entendre à vous. Non seulement il a un accent, mais il faut qu'il prenne des cours. Hein. Bon, si vous voulez vous entendre à vous, eh bien, vous pouvez nous appeler. Je sais pas ce que je viens de dire, mais je l'ai dit. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Lorenzo et Mickaël. Alors Lorenzo qui donc lui est bruxellois, mais il a déménagé à Lyon. C'est pour ça qu'il est, y a des mecs dans son bahut qui se foutent de sa gueule. Il y a Mickaël qui a l'accent du sud. Et puis nous avons avec nous aussi quelqu'un qui a priori n'a pas vraiment l'accent. Hein. C'est Virginie. Oui. Ça va ou quoi? Pas trop, mais ça avec. Non, mais t'as l'accent un petit peu, parce qu'on parlait des accents là ce soir, Virginie, là. Non, mais... Non, pas d'accent chez toi, Virginie. Non, t'as pas d'accent. Tu viens d'où, toi? T'es né où, Virginie? Dans le 59. Dans le 59, voilà, c'est ça, exactement. Bah ouais. Exactement. Et Virginie, qu'on a vu toute la semaine dernière, d'ailleurs, pour cette histoire, on devait appeler son mec qu'on a jamais eu, etc., etc. Et il y avait qui? Comment elle s'appelait, ta copine, encore, là? Amandine, ouais, voilà, c'est ça. Et donc Amandine qui était là. Elle est encore là aussi, Amandine, ou pas? C'est qui celle-là? Ah, d'accord, ok, très bien, c'est la guerre. Ok. C'est pour ça que ça va mal, alors, Virginie, très bien. Ah, tu m'as déçu, là, Virginie, hein. T'as moins l'accent que d'habitude. Bah, j'ai pas la forme, hein, croyez-vous. Bah, oui, mais bon, c'est la chose qui arrive. Hein. Bon, on te rappellera dans une demi-heure, comme ça, t'auras plus la forme. Bien sûr, c'est ça. Bah, on fait. Ah non, mais allez, Virginie, pas de ça entre nous, hein. Hein, Virginie? Ah là là. Oh là là. Bon, Virginie, à tout à l'heure. Il y a pas une petite insulte là? Bah non, pas d'insulte ce soir. Je suis très déçu. Hein. Oh. Non, bah. Faut peut-être grossir. Bon, bah, non, grossir, surtout pas toi. Non, Virginie, t'as pas envie de nous dire un petit va te faire enculer? Oh là là, c'est pas bien. Allez, vas-y, dis-nous, allez, dis-nous, va te faire enculer. Petite fessée, hein. Non, dis-nous, va aller, connard. Non, je suis pas comme ça de nature, c'est pas comme ça. Non. Elle est pas comme ça de nature. Non, mais vas-y, dis un petit connard. Enfin, c'est gratuit. Vas-y, dis-le gratuitement. Non, c'est hors de question. Vas-y. Non. Virginie. Vas-y. Allez. On te fait un petit tour de scout. Allez, petit coup de pipeau, petit coup de scout. Allez, Virginie. Connard, bon. On l'a eu? Non. Tu parlais de faire foot? C'est pas vrai. Oh, elle est pas motivée, Virginie. Elle nous a tué d'eau, c'est pas grave. Non. Je suis déçu. Bon, Virginie, on te rappelle tout à l'heure pour te saouler un peu, d'accord? Comme ça, tu nous sortiras un petit connard. Mais bien sûr, c'est ça. Parfait. Bon, à tout à l'heure, Virginie. Et on appellera ta copine en même temps. Je crois qu'elle est avec un mec. T'es avec un mec? T'es avec un mec. Elle est grincheuse, la petite, hein. Ah, ben ouais, un petit peu, Lorenzo, t'as remarqué aussi, toi. Hein. Ouais, mais il faut savoir comment la prendre, hein. Y'a que Tof qui arrive à faire ça, mais bon. Ouais. Ben ouais. Bon, Virginie, salut à toi, hein. D'accord. Oh là là là là là là là là là, d'autres temps ce soir, Virginie, là. Bon, Mickaël, merci à toi d'être passé également, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci beaucoup. Et à bientôt. Et on embrasse tout le monde à Jean et dans le sud également. À bientôt, Mickaël. Bonne soirée à toi également. Là. Salut. Et puis Lorenzo reste avec nous. On va continuer à parler des accents dans un instant. Tof, t'arrives à faire un accent, toi? Non, pas du tout. Okay. Vas-y, Tof. Qu'est-ce que tu veux comme accent? L'anglais. L'anglais. Avec la patate chaude. In English, hein. L'accent de la colo. C'est quoi l'accent de la colo? L'accent de la colo, c'est quoi ça? Ah, avec c'est le slip. Ah, avec le slip, avec le caca, ouais. Bien sûr. Ah, voilà, il l'a fait, voilà, c'est ça l'accent de la colo, tiens, il vient de la faire là à l'instant, tiens, bel accent là, hein. Oui, j'aime bien, c'est mon meilleur d'ailleurs. Oui, je suis assez d'accord. Parce que caca, fais-nous l'accent anglais. L'accent anglais, l'anglais, il parle comme ça. Mais non, Tof. Ah, pardon. Mais non. Bon, dites-nous si vous savez faire des accents là, venez balancer tout ça là, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, prenez contrôle de l'émission. On est là jusqu'à minuit tous les dimanches et du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Dans un instant, le chéri, je peux te faire cocu. Ah. On va se refaire la colle également, tiens, avec Gaëtan qui est avec nous. Toujours là, Gaëtan? Ouais. Allez, parfait, je suis trompé. Alors, Gaëtan, vas-y, répète la colle pour que les auditeurs puissent éventuellement aller répondre sur le Facebook de l'émission, on t'écoute? Ouais, je suis partout au Canada. Ouais. Sans moi, Paris serait pris. Ouais. Qui suis-je? Ouais. Voilà, donc je suis partout au Canada et sans moi Paris serait pris. Qui suis-je? Sujet, pause caca. Oui? Non, pas de... C'est Toff. Ah, c'est la réponse. C'est Toff, la réponse. Non. Pardon? Est-ce que c'est Toff la réponse ou pose caca? Non. Non, c'est pas ça. Non. Bon, tant pis, d'accord. Si vous avez la bonne réponse, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez voir la petite photo avec l'iPod de Nano. Eh bien, vous cliquez dessus, vous répondez, vous laissez un commentaire, en fait, tout simplement. Et on tirera au sort parmi les commentaires. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez. Si vous avez la mauvaise réponse, c'est Gaëtan qui gagne, Gaëtan. On va croiser les doigts pour toi, hein. Ouais. Gaëtan. Ouais. Ah, on va croiser les doigts pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une latence avec les auditeurs en standard. Je sais pas pourquoi. À tout de suite, Gaëtan. Et coupe bien ta radio, là. Comme ça, ça en évitera les latences, justement. Bon, il est 20h29 sur Fun. On est en direct ce soir, hein, comme tous les dimanches soirs de 20h à minuit sur Fun Radio. Avec un message d'Antoine qui dit ça fait un peu SM. Vas-y, Virginie, insulte-moi. Oui, c'est vrai, Antoine. Romain aussi qui dit un petit tour de scout. Bah, si tu veux. Ouais, allez, bon, alors, mets ton casque. Est-ce que le. Bah, alors, mets ton casque. Vas-y, mets ton casque. Attention. On démarre, Romain, là. Attention. Eh ben voilà, Élise aussi qui nous a envoyé message. J'ai trop honte de vous avoir laissé pendant une semaine. Ouais. Vous m'aviez manqué. Bah toi aussi tu nous as manqué, Élise. T'es même pas là, là, quand même. Ouais. Tout ce que tu mérites, c'est un coup de pelle dans la tronche. Tiens, voilà. Voilà, c'est tout ce que tu méritais, Élise. Et Clem qui dit je suis pas comme ça de nature. Tu m'étonnes. Par rapport à notre amie Virginie qui dit qu'elle n'insulte pas les gens et qu'elle n'est pas comme ça. Olivia qui dit l'accent du Nord c'est le plus drôle. Et alors qu'est-ce qu'il y a aussi de Miss of 67 qui dit j'ai l'accent alsacien, c'est pénible. Elle est ton numéro ou appelle le 01 42 48 5000 de Miss of 67 là qu'on écoute ça un petit peu. On te donnera notre avis avec plaisir dans un instant. Donc la suite avec la colle avec Gaëtan. On aura Hugo également qui voulait réagir à Lorenzo et puis on écoute le son de Backer Matt maintenant. Écoutez bien, vous êtes nombreux à nous le demander, vous l'avez découvert sur Fun la semaine dernière, c'est hollandais, ça s'appelle Vanda et on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Backer Matt, pour tous ceux qui se posent la question là, c'était Vanda, vous avez découvert ça la semaine dernière, il y en a plein d'ailleurs qui envoient des messages en disant c'est quoi le morceau avec le saxo? Ben voilà, comme ça vous venez de l'entendre, hein. Backer Matt avec Vanda et puis restez bien là aussi, puisque il y a c'était Véronique je crois que j'avais vu tout à l'heure là sur le Twitter qui avait demandé le son de Muttonheads. Ben on va vous le passer évidemment avec plaisir, Snow White. Je vous le calerai tout à l'heure si vous avez envie d'écouter un son particulier, hashtag MIKL, vous demandez hein, sur le Twitter, n'hésitez pas. Et puis bonne nouvelle également pour ceux qui viennent de débarquer là, je vous mettrai dans 10 minutes, voilà, 10 minutes grand max. Je vous cale le chéri, je peux te faire cocu, on avait fait ça lundi dernier. C'était juste du caviar. Pour ceux qui n'étaient pas là, je peux vous dire qu'attention, ça va partir dans tous les sens dans quelques instants. Donc restez bien là. Il y a Cookie aussi qui a envoyé un message, qu'il y a un petit coup de lance-flamme dans la gueule de Virginie avec plaisir. Voilà, Virginie, c'était donc l'auditrice du Nord hein, qui veut pas nous insulter. Virginie ! Merde ! Ah ! Je t'en remets un, Virginie, là. Je vais pas me concerter. Je t'ai mis un coup de lance-flamme dans la gueule, Virginie. Ouais, c'est bien. Ah bah voilà. On est des connards ou pas ? Non. On va y arriver. Hein. Ah bah t'inquiète pas qu'on va y arriver avant ce soir, là. Avant ce soir, tu vas nous traiter de connards, tu vas voir. Tu vas nous insulter, Virginie. Ça vaut pas la tête, ouais. Si, parce que t'es comme ça, toi, t'es comme ça. On sait que t'es comme ça. De quoi ? Non, on sait que t'es comme ça, on sait que t'es comme ça. Bon, Virginie, on te reprend tout à l'heure, bouge pas. Elle répond pas, hein. Ça qui est bien avec Virginie, ça qui est cool. Lorenzo qui est de retour maintenant avec son mode accent, tiens. Dis-moi, Lorenzo. Oui ? Est-ce que t'as déjà demandé un service à un pote, il a tout foiré ? Non, pas vraiment. Non, parce que à Lyon, il y a un mec qui a demandé à un de ses potes, en fait, de passer le permis de conduire à sa place parce qu'il avait peur de le rater. Et son pote a très très bien fait puisque, bah, en fait, il l'a raté deux fois. Hein. Donc, c'est bon, donc, ça. Ouais, donc je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de rendre service et de tout foirer. Donc venez nous raconter, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors le pire dans l'histoire encore, c'est quand tu dis à un pote, vas-y, écoute, allez, je te rends service, je vais le faire. Alors que le pote t'a rien demandé. Hein. Donc c'est toi qui insistes pour lui rendre service et après tu foires le truc. Là je pense que c'est ça fout la merde quoi parce que au final tu demandes rien et au final le pote va absolument prendre service et il foire tout. Donc si jamais ce genre de situation vous est déjà arrivé, venez nous en parler, on va en parler dans un instant justement. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Ludivine qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit Bakermat Van Dyke, j'adore ce son. Et ben c'est pour ça qu'on te le met. Mathias aussi qui dit passe-nous un petit bouillin là pour qu'on se mette bien et un petit coup de lance-flamme pour Toff, c'est gratos. Bah on va se le mettre tout à l'heure, tiens, avant minuit, le son de bouillin et le lance-flamme dans la gueule de Toff. T'es d'accord Lorenzo pour le lance-flamme dans la gueule de Toff? Carrément d'accord moi. Allez. Voilà, comme ça c'est fait. Mathilde qui dit salut l'équipe, moi j'ai l'accent du Nord. Et Mélie qui dit aussi, moi j'adore l'accent québécois et je trouve que Mickaël le fait super bien. Merci Mélie. Voilà, enfin quelqu'un qui n'a pas de la merde dans les oreilles. Il n'aura pas de cadeau. Hein. Mais peut-être, mais c'est pas grave. Bon, Hugo est avec nous maintenant de Lyon, tiens aussi. Comment ça va Hugo? Ouais, bien et vous? Eh ben ça va tranquille. Tiens, tu connais toi un pote ou t'as déjà peut-être eu l'occasion de rendre service à quelqu'un en foirant ou au contraire quelqu'un t'a voulu te rendre service et il a foiré, non? Non, pas vraiment. Pas comme ça, non. Bon, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors, Toff, ça lui est déjà arrivé plein de fois, ça, de rendre service et puis ça foire et puis c'est sur sa tête que ça tombe. Bah, je témoigne que Toff passe sa vie à rendre service et ça foire. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye toujours d'être bonne âme, d'être charitable, et en fait, chaque fois, c'est la catastrophe. Voilà, chaque fois, il se prend les pieds dedans. Enfin bref, on en parlera dans un instant. Plus j'essaye de rendre service, plus c'est la merde. Exactement. Moralité. Mais j'en rends plus service. Bah voilà, c'est mieux. Bon, Hugo, attendez, parce qu'il y a Lilou et Kelly qui sont en train de faire une fête au standard, mais on n'est pas invité apparemment. Ça gueule. Donc, on fait une fête, on peut avoir un petit verre ou ça se passe comment? Ouais, mais en fait, on se demandait plus si demain on allait porter un vernis rouge ou un vernis bleu en fait. Ok, je comprends. Question existentielle. Exactement. Bon, dites-nous si vous pensez qu'elle doit venir avec un vernis blanc, rouge ou. C'est ça? Blanc, bleu, rouge. Ouais. Blanc, rouge ou bleu? Oui, on sait pas. Bah, trop. Tu fais les trois, comme ça, c'est la couleur de la France. C'est pas con, on y avait pas pensé. Eh ben, essaye de faire, tiens, et Kelly fera les couleurs de la Belgique, comme ça, on fera le battle. C'est une bonne idée. Ah bah, on va être bien avec tout ça. On va éclater. Wouhou. Apporte tout, on fera ça demain, tu vas voir. On va te mettre la couleur sur la tranche, tu vas voir. Bon, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour nous rejoindre. Alors, Hugo, toi, tu nous appelais par rapport aux accents. Ouais, non, mais en fait, je vous appelle parce que je suis dans la classe de Lorenzo. Non, c'est cool. Enfin, c'est cool, je sais pas. Est-ce que c'est toi qui l'insulte ou est-ce que c'est toi qui le protège? Ouais, bah, un peu des deux, tu vois. Non, mais franchement, c'est un cas vachement spécial, ce gars. Enfin, mais pourquoi, Hugo? Sincèrement, il débarque, machin et tout, et... Enfin, c'est un mec, il est un peu déplacé par rapport aux autres, quoi. Enfin, mais comment ça, c'est-à-dire? Je comprends pas, déplacé par rapport aux autres. Il a des cheveux chelous, il a les cheveux dégueulasses, et après, il se plaint qu'on le fasse chier, et le mec, déjà, il nous prend de haut tout le temps quand on essaye d'aller lui parler et tout, il nous prend de haut. Après, moi, j'ai rien contre ce gars, franchement, il a l'air grave cool et tout. Ah oui, il est cool, mais il est dégueulasse, etc. Un mytho. Bon, Lorenzo, tu te reconnais là-dedans, les cheveux gras, non, tout non, ça, non? Non, pas du tout. C'est un pauvre con, il dit ça, c'est un pauvre con. Ah, il y a l'accent qui ressort, là. Un petit peu quand on s'énerve toujours. Hein. Est-ce que t'as, le mec, il a un bras dans le bandeau et il parle avec moi, non mais. Un bras dans le bandeau. Non mais oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, j'ai une opération de l'épaule, mais rien à voir. C'est juste que le mec, il nous prend tous de haut. Et franchement, moi, il n'y a pas de problème, Lorenzo. Viens me voir et tout. Demain, viens me caler à côté de moi. Il n'y a aucun problème. Connard, tu crois que je vais m'installer à côté d'un connard? T'es fou, toi, hein? Ouais, et voilà. Oh, vous avez l'exemple parfait, là. Franchement. Non mais bah oui. Pourquoi tu l'agresses comme ça, Lorenzo? Bras, tu vas voir, je vais te le casser moi le deuxième bras. Tu iras pas te plaindre après. Hein. Je t'aurais prévenu mon gars. Lorenzo. Fais attention, on est équipé. Mais pourquoi tu l'agresses? Le mec, il m'énerve. Un mec bon sur un tabouret et ça, il me critique comme ça devant la France entière. Mais c'est dégueulasse. Il a Belgique aussi, Lorenzo. Fais gaffe. Mais Belgique nous écoute. Mais ouais, c'est ça. Non mais pourquoi tu l'agresses comme ça? Il est plutôt cool là, non? Il essaie de faire un pas vers toi. Parce qu'il est à la radio, il veut se la péter, il fait le mec cool, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un imposteur. Un imposteur. Eh, hey, Hugo. Là, hein, vous avez l'exemple concret, franchement, il a un problème dans sa tête, le gars. Bon, on va enquêter. Toi va mettre l'imperméable de Colombo. Je pars immédiatement. Et il va immédiatement enquêter. Mais ce serait bien d'avoir l'avis d'autres personnes dans la classe, la bonté d'enquête. Ouais, non, mais grave. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui écoutent Fun. Mais tant mieux, vous êtes dans quelle école, Lorenzo Hugo? Blaise Pascal, Charbonnière. Très bien. Bon, si vous êtes à cette école-là, appelez-nous au 01 42 48 5000 pour qu'on puisse faire l'enquête. Voilà. Bon, Lorenzo, reste avec nous. Hugo, du coup, tant que t'es là, reste avec nous également. Virginie, un truc à ajouter par rapport à ça? Faut donner un coup de lance-flamme? Dans ta gueule alors. Aussi, c'est pas vous qui insulte, hein. Elle va arriver à nous insulter avant la fin de la soirée, moi je vous le dis. Ouais. Virginie, reste avec nous tant que t'es là. On va se refaire la colle dans un instant avec Gaëtan. On peut la faire maintenant, on a un peu de temps là. T'es avec nous là? Merde, je sais pas, je me vois. Bon, Gaëtan est un homme, hein, je tiens à le préciser quand même. Non, au cas où, c'est vrai que ça saute pas aux yeux, aux oreilles en tout cas à première vue. Ouais. Mais Gaëtan est un homme. C'est bien ça, Gaëtan? Ouais, ouais, c'est parfait. Bien ça. Bon, Gaëtan, fais péter la colle. Je suis partout au Canada. Ouais. Et sans moi, Paris serait pris. Voilà, je suis partout au Canada et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer dès maintenant. Vous balancez votre réponse sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Ouais. Il y a la photo avec un iPod Nano dernière génération qui est dessus. Il suffit simplement de laisser un commentaire en mettant votre réponse. Et si vous êtes tiré au sort, c'est gagné. Tiens, il y a Clem qui proposait un imposteur, Gaëtan, c'est pas ça? De quoi? On proposait un imposteur... Non. Ah bon, tant pis. Nickel. Ouais, vous me rappellerez à 21h30. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on va faire ça dans un instant. On ne bouge pas de là, Gaëtan, on va te rappeler, il n'y a pas de problème. Mignon, j'aime bien moi. Mais oui, on va le rappeler. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Si vous voulez choper votre iPod Nano, rendez-vous sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Muttonet dans un instant qui va débarquer. Ce sera Snow White sur Fun Radio. C'est Mikael No Limit jusqu'à minuit. Un truc à dire. Mikael. Appelez Mikael. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Arrête de me faire chier. Mikael, Mikael No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct dans toute la France, comme tous les soirs, 01 42 48 5000. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Il se passe quelque chose le dimanche soir. Ben, venez, profitez-en justement, venez nous en parler. Et venez nous parler de ce que vous avez fait ce week-end, par exemple. Si vous avez fait des trucs sympas, si vous êtes sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Venez tout nous dire, 01 42 48 5000. On va récupérer dans un instant Lorenzo dans son bahut avec Hugo qui est dans la même classe que Lorenzo. On a réussi à trouver une fille aussi dans la classe de Lorenzo. Donc on va en parler dans un instant. On parle également des accents. Et puis venez nous rejoindre également sur le Twitter et l'Instagram de l'émission. Vous tapez MIKAEL officiel, on est plus de 10 000. C'est bien pour une émission qui a un mois et demi, c'est pas mal. Vous venez nous rejoindre, vous tapez MIKAEL officiel sur Instagram et sur Twitter. Et si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. Voilà, je vous attends et je vous follow là pendant le titre qui arrive, là pendant le son de Muttonet, ce qu'on va écouter maintenant. Donc vous tapez MIKAEL officiel sur Instagram, sur Twitter. Venez de plus en plus nombreux, je compte sur vous. Et puis bah le son comme promis, le son de Muttonet maintenant. C'était Véronique sur le Twitter qui l'avait demandé avec le hashtag Mikael. C'est Snow White sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Muttonet à l'instant. C'était Snow White. Oui. Bah venez, hein, venez choisir le prochain son qu'on va mettre sur Fun Radio. Si vous voulez choisir votre son là, hashtag Mikael, vous mettez ça sur le Twitter évidemment. Et venez nous rejoindre également là sur le Twitter. Hein, vous tapez Mikael officiel sur Twitter pour venir nous rejoindre et sur Instagram également. Si vous me faites un follow, moi-même je ferai un follow juste après. Il y a DJ Brubru qui dit boulot en discothèque, on a envoyé du lourd, mais à la fin de la soirée, ça a été mouvementé. Je me suis pris un coup de boule par un client. Ah sympa ça. Je vous ai demandé ce que vous aviez fait du week-end. Bah, venez encore nous en parler, tiens. Bah, bravo, c'est bien DJ Bobreux là. Clem aussi qui dit ma mère se fout de ma gueule parce que je fais la conne depuis que je vous écoute, trop excité la fille. Bah, un petit peu. Hein. Et puis Bill Gates qui me dit vous me faites délirer. Ah, ça fait plaisir de faire délirer Bill Gates. Ah, c'est cool. Non, vraiment bien. Et alors, Let's Be Freaks. Bah, je ne sais pas. Let's Be Freaks qui dit Mikael No Limit, Twitter et Coca Zero, c'est la base. Ouais, et en parlant de ça, Let's Be Freaks, je vous rappelle également que depuis 20h, il y a le top tweetos également. Hein, depuis 20h jusqu'à minuit. À minuit, eh bien, on officialisera le top tweetos du soir. Quel sera l'auditeur le plus influent avec le hashtag Mikael? Pour l'instant, on a démarré le jeu mardi dernier c'est Let's Be Freaks qui a gagné 3 fois d'affilée. Donc, et là, comme c'est dimanche, justement, c'est un peu plus tôt. Est-ce que vous serez le top tweetos ce soir à minuit? Est-ce que vous aurez été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mikael? En gros, c'est celui qui poste le plus de messages avec le hashtag Mikael, avec des amis, en discutant de l'émission, bref, n'importe où. Tant que vous mettez le hashtag Mikael tout simplement. Donc voilà, à vous de jouer si vous voulez être le top tweetos ce soir à minuit. Je vous souhaite bonne chance. Il y a Maina aussi qui dit mettez le feu pour ce soir, j'ai pas envie d'aller à l'école. Bisous à toute l'équipe, merci à vous, vous êtes au top comme d'hab. Merci Maina et puis bon courage demain à tous ceux qui reprennent le boulot, tous ceux qui vont au bahut également. Et puis attention, on va passer du bon temps là, écoutez. Je peux vous le dire, le chéri, je peux te faire cocu. Bah ouais, avant de reparler bahut avec Lorenzo, Virginie, Jordan, Hugo et tout le monde là, nous allons nous faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant. C'était celui de lundi dernier, il était tellement énorme que je devais vous le remettre. Écoutez bien ça, on rejouera demain avec des cadeaux à la clé évidemment. Si d'ailleurs vous voulez vous inscrire au chéri, je peux te faire cocu de demain, vous pouvez appeler Lilou et Kelly au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Écoutez ça, c'était lundi dernier dans Mikael No Limit sur Fun. Non, parce qu'il y a déjà qui sont arrivés. Chérie, allô, c'est un drame. Allô, mon cas? Oui. Hein? Oui, ça va, ça. Oui, il y a beaucoup moins dans un instant. Mais vous faites quoi? Mais rien, je suis en train de me vendre. En fait, je t'appelle pour te demander un truc. Oui.

Ta gueule, t'as pas savoir comment je m'appelle parce que je te le dirai en face quand j'appelle. Maïva, Maïva, comment il s'appelle ton mec? Nicolas. Ah Nicolas, tu vois c'est pas compliqué, je, hein. Bon, ta gueule, ça... ferme ta gueule. Eh, hey, hey, Nini. Ouais, ouais, toi. Oh, c'est rien, Coco, là, t'inquiète pas, ouais, là, c'est... Tu vas vite oublier, tu vas vite oublier. Mais tu veux le dire en face, toi, espèce de PD, c'est un homme qui le dira en face, tu vas prendre un coup de boule. Oh, Nini, reste calme, c'est rien, ouais, là, ouais, oh là là. Eh, tu sais quoi? Eh, pour me faire pardonner, je vais te filer la PlayStation que j'ai chez moi, la PS3, comme ça, tu l'as. Mais j'en ai pas besoin, ta PS3, là, de merde, c'est rien, tu vas faire... D'accord, alors ça, je note. Ça, je note pour plus tard. Ouais, ouais. S'en fout de la PS3. Voilà, je mettais FIFA aussi, pas bon. Ouais, ouais, les petits que j'ai pas rejoué. Tu joues à FIFA ou pas, toi? Ta gueule, je peux pas te parler, faut pas se mettre ensemble. Ah, parce que sinon, on aurait pu faire un petit battle, j'aurais pu jouer ensemble, on aurait joué en ligne. Ouais, ouais. Hein, si je me connecte maintenant, on peut jouer ou pas? T'inquiète, mais oui, t'inquiète, de toute manière, tu pourras plus parler, tellement t'auras plus besoin. Ouais, bah tant que tu me laisses mes doigts après, c'est le principal. Comme ça, je peux les utiliser avec Maïva. Ouais, ouais, t'inquiète, tu vas l'utiliser avec Maïva. Bon, Maïva! Qu'est-ce que tu fais? Je te le repasse. Je te le repasse. Bon bah dis-lui que c'est trop tard quoi. Allô Christian, dépêche-toi de monter, j'ai pété un câble, je me tape une. Attends ça. De manière je vais monter, je vais monter à la voiture. Ouais mais d'abord je sais ce que j'ai à faire et après. Oh Nico, Nico, hey Nico, hey regarde, hey j'ai mon lance-flamme, je te le mets dans la gueule. Tiens. Quoi, tiens, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un lance-flamme et j'ai même prévu un fouet pour Maïva. Lance-flamme, espèce de grosse merde, c'est sûr, tu veux même pas te battre avec les poings, hein. Ah non, moi je prends les fouets, je préfère. Ah ouais, prends les fouets, mais t'inquiète, mon pote, mais je vais te crever, mais un truc de malade. Bon, moi je vais regarder la télé, hein. Tu me connais pas, c'est sûr que tu me connais pas. Ah ouais, c'est vrai, ouais, vas-y, fais le malin. T'inquiète, je vais monter à tout le monde, mon pote, je vais te trouver, je te le dis, direct. Non, je me calme pas, qu'est-ce que tu dis de me calmer? Mais si, tu vas dire... Alors, hey, alors Nico avec... Oh, ta Nico gueule, oh ta gueule, putain, ta gueule, putain, ferme ta gueule. Putain. Arrête de gueuler, espèce de connard, là, passe-moi ensemble. Hey, Nico, bon, hey, je vais te dire un truc. Mais oui, ferme ta gueule, mais non. Toi, allez. Je vais te dire un truc, hey, d'abord, allez, Nico, Nico, excuse-toi. Non, on va m'excuser, mais c'est à moi de m'excuser, mais il est sérieux, lui, il est fou. Vas-y, bon, excuse-toi et je te dis un truc qui va te faire plaisir. Ouais, c'est pas, fous-le au cul, sérieux. Mais non, mais excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Excusez de quoi? Mais va te faire foutre, toi. Excuse-toi. Passe-moi ensemble. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Passe-moi ensemble, dépêche-toi. Ça va être dur. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Passe-moi ensemble, dépêche-toi, là. Il est malade, on ne connaît pas. Arrête de gueuler, qui t'a mis de gueuler là? Bah non, mais je veux que tu t'excuses. Mais m'excuser de quoi? J'ai à quoi m'excuser? Bah dis juste, je m'excuse. Dis juste, je m'excuse. Non, toi tu t'excuses déjà de moi, c'est ma mère, espèce de groupe pédé. C'est pas moi. Et de deux après, je vais monter à Toulouse, je vais t'enculer, toi. Ça te fait bizarre, je t'avais dit. Donc t'as des problèmes avec ça, hein. Bon, bon, Maïva, bah dis-le lui, puisque à moi il veut pas m'écouter. Bon, bah, c'est pas vrai tout ça. Quoi, c'est pas vrai? Je suis fan radio. Ouais, ça va. Hey Nico, c'est Mickaël, t'es sur fan radio. Ouais, maintenant, foiré, quoi. Bon, par contre, c'est toi qui insultes ta mère, hein. Si tu veux venir lui péter la gueule, vas-y. Voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu de lundi, là. Attention, si vous voulez faire plus lourd encore demain, là, à vous de jouer, vous vous inscrivez dès maintenant. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Je compte sur vous, évidemment. Plein de messages sont arrivés. Ça fait plaisir, ça. Alice sur le Twitter qui dit, il a mis du temps à démarrer, mais une fois énervé, il était au top, le mec. Il y a Gwen qui dit, énorme, le chéri, je peux te faire cocu. Alice sur Twitter qui dit, tu rajoutes aux petites phrases habituelles le fait que Mickaël parle mal à la meuf et le mec est complètement dingue. C'est clair. Il y a Clem aussi qui dit, je vous laisse, moi je vais rater une putain de soirée, un coup de pelle pour me faire pardonner. Ah bah ouais, si tu te casses là maintenant, je peux te dire que tu t'en prends une belle de coup de pelle, hein, Clem. Hein. Kevin qui dit, est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Ben je sais pas s'il s'en rend compte, justement. Cédric qui dit, chérie, je peux te faire cocu, juste énorme, je suis plié pour Steven sur Twitter. Trop bon aussi pour Danny sur Facebook, à pleurer de rire pour Gomar aussi sur Twitter, pareil. Et Bill Gates qui dit, c'est hoche là, mort de rire, ça y va les insultes. Ah ouais, il était au taquet lui, hein, ça c'est clair et net. Et Raphaël aussi sur Facebook, il dit, chérie, je peux te faire cocu, est magnifique, vous déchirez toutes et tous. Pardon, merci, j'ai tellement ri que j'en pleure. J'adore votre émission. Merci Raphaël, sois le bienvenu. Et puis n'oublie pas aussi de prévenir tes potes qu'on est là tous les dimanches de 20h à minuit. Et tous les lundis, jeudi, du lundi au jeudi, pardon, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et Mathias qui dit, ce chéri, je peux te faire cocu, je crois le plus légendaire que j'ai entendu. Ah, on a eu du lourd également. À l'occasion, on vous les remettra si vous voulez. Hein. Bon, bah, demain, ouais, j'espère qu'il sera aussi lourd que celui-là. Et restez là, puisque dans quelques instants sur Fun Radio, alors déjà, on va récupérer Lorenzo, Jordan, Hugo, également Alexandre, également Séverine, pour parler avec Lorenzo, donc qui est dans son bahut. Tout le monde se fout de sa gueule et on a plein de gens de sa classe qui vont venir parler dans quelques instants sur Fun. Et puis, on va revenir donc avec du son également, le son de. Le son de Carolina Marquez sur Fun Radio. Je rappelle que si vous voulez choisir un titre ce soir, allez-y, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter. Et dans un instant, en parlant de chansons, je vous cale un nouveau son aussi, un truc improbable. Alors c'est pas un son qu'on vous passe sur Fun, hein, c'est juste que je dis improbable parce que c'est un son qui est complètement barré. Mais je vous le fais découvrir dans quelques secondes. Restez là surtout, ne bougez pas de là pour prendre le contrôle de Fun, Mickaël, No Limit jusqu'à minuit. C'est comme ça que ça se passe. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, balancez tous vos messages 01 42 48 5000 en direct dans toute la France. On est là, 21h13, en direct avec vous. On passe la fin du week-end ensemble jusqu'à minuit. Profitez d'ailleurs de la fin du week-end. Bon courage à ceux qui vont reprendre le bahut demain, évidemment. Et puis bah, ceux qui vont reprendre le boulot dans l'absolu après le week-end. Venez nous parler d'ailleurs de ce que vous avez fait ce week-end. Si vous voulez, n'hésitez pas, prenez le contrôle de Fun. 01 42 48 5000. Et Brandon qui dit aussi sur le Twitter, qui disait Mickaël, simplement une émission de dingue. Votre émission, ça me fait marrer tous les soirs. Merci Brandon. Et Gwendoline qui dit coucou, s'il te plaît, possible d'avoir le son de Maître Gims avec Bella. Eh, écoute, je vais chercher ça, mais pourquoi pas, dès que je l'ai, je te le passe avec plaisir. Gwendoline, les autres, allez-y, hein, continuez à faire vos demandes là, hashtag et Mickaël, et on écoute les sons que vous proposez ce soir. Évidemment, j'ai pas de la place pour tout le monde, mais les meilleurs seront sélectionnés, bien sûr. Dans quelques instants, retour avec le bordel à la Dallas, là, la série, là, dans un instant avec Lorenzo le retour. Et puis on va s'écouter le son de Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio. Carolina Marquez avec Sing La La La. C'est Mickaël, No Limit, on est là jusqu'à minuit. Bonne soirée avec Fun. C'est Fun Radio avec le son de Carolina Marquez à l'instant et Sing La La La. Et puis qui c'est qui avait demandé le son de Maître Gims là? Ah oui, c'est Gwendoline qui avait demandé Maître Gims avec Bella. Et ben bonne nouvelle, on a fouillé et nous l'avons. Et on va te le mettre surtout dans un instant, voilà, comme ça au moins tu vois, t'as demandé, on te le passe. Et j'ai quand même vous expliquer, j'ai des gouttes qui coulent. C'est-à-dire que j'ai dû retourner tout le studio là. Il y a des auditeurs qui sont venus, vous êtes témoins là, rapprochez-vous du micro là, on va vous l'allumer là dans un instant là. Bon, vous êtes témoins que j'ai couru comme un fou pour avoir le son. Hein. Hein, que je suis pas arrivé juste en mettant un son comme ça vite fait. Il a fallu que je cours comme un ouf. Bon, comment ça va les gars? Bah approchez-vous juste du plus près du micro, sinon on vous entend mal. Les deux m'ont dit on fait de la radio. Hein. Il faut qu'on le mange, non? C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Vous faites quasiment une pipe au micro, voilà, c'est parfait. Fait comme ça. Bah bon, ouais, attends, dire les choses. On n'a pas le retour, donc c'est pas. Non, ça va. Ah bon. Heures, mais bon. Bah ouais, bon, deux auditeurs, vous appelez comment? Parce qu'il y en a qui sont actifs là sur Facebook, j'ai entendu. Là. Ouais, il y a. Il y a Gaylord, c'est ouais, ça? C'est Gaylord, lui. Ah. Et moi, c'est Martial. Martial et Gaylord, très bien. Bah voilà, comme ça, si vous discutez avec eux de temps en temps sur le Facebook ou le Twitter, eh bien au moins vous savez qu'ils sont là ce soir. Voilà. Et en plus, ils ne sont pas venus les mains vides, et ça, c'est parfait. C'est très très beau. Et ça, c'est très très bien. Voilà. Bon, on te le mettra, Gwendoline, le son, il n'y a pas de problème. Avant de reparler avec Lorenzo, Virginie, Jordan, Hugo et Alexandre, tout ce qui est dans le standard, vous êtes là tout le monde ? Oui. Parfait. Bon, et j'ai une chanson à vous faire découvrir. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà peut-être, mais ça s'appelle Ilvis. Vous connaissez ou pas ? Non. Non. Elvis, je connais, mais pas Elvis. Non, Elvis avec un Y. Et le titre de la chanson, c'est The Fox. Non. Ça vous parle pas? Alors, non, je l'ai découverte hier, je l'ai mis sur le Facebook, j'ai mis le clip là tout à l'heure sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et alors, ça donne ça, écoutez bien. Alors, je vous la mettre, allez. Voilà. Donc, jusque-là, vous dites, ouais, bon, pourquoi pas. Mais alors, écoutez les paroles. C'est en anglais, mais on fera les traducs, hein. Donc le chat fait waf, le chien fait waf, le chat fait miaou, la souris fait. Ah, j'en ai entendu parler. Ah putain, mais c'est un truc de fou, hein. Et l'éléphant fait enfin bref, le bruit de l'éléphant, quoi. Voilà, le canard fait coin coin. le poisson fait gloop. Et attention, là c'est le refrain. Mais que fait le renard de Fox? Voilà. Et le renard fait gring gring gring gring. Voilà, donc il cherche ce que fait le renard hein, de Fox. Donc si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, on va leur filer un coup de main. Non, je vous passe la chanson parce que là, en 24 heures, si vous voulez, elle a fait quand même 9 millions de vues. Wow. Et depuis que je l'ai vue ce matin, où il y avait 8 millions, il y a 1 million de plus, déjà juste en une matinée, si vous voulez. Donc si vous voulez qu'on vous la mette tout à l'heure, là, la chanson de Ilvis avec de Fox, demandez un hashtag et Mickaël. Vous aimez bien, vous, ou pas, dans ce standard, là? Non, c'est de la merde. Non. C'est pourri cette chanson. Ah ben, au moins Lorenzo et Hugo, vous êtes d'accord avec une chose, Hugo et Lorenzo, c'est déjà ça de prix, hein. Ouais, mec. On commence à s'entendre. c'est déjà ça de prix, effectivement. Bon, ben, les autres, j'attends vos avis maintenant. Mika. Ouais. Il y a Séverine. Ouais, Séverine est là, t'inquiète pas, elle est avec Séverine, nous. Séverine, comment va? Elle est avec nous. Alors attendez, Hugo et Séverine, je vais juste rappeler pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, Lorenzo nous avait appelé en début d'émission pour nous dire que tout le monde se moquait de son accent parce que il venait de Bruxelles, il habite maintenant à Lyon, etc. Et donc, il nous avait dit que tout le monde se foutait de son accent juste pour ça. On a eu ensuite Hugo qui nous a appelé, qui nous a dit qu'en fait, tout le monde se foutait de sa gueule, y compris lui, parce que il avait les cheveux dégueulasses, qu'il parlait mal, etc. C'est dégueulasse. On a pu s'en rendre compte justement puisque Lorenzo aussi t'a agressé. Après, on ne connaît pas évidemment le détail là-dedans. La vérité qui fâche. Mais attends Hugo, et on aura Jordan dans un instant qui va donner son avis également. Mais avant cela, donc Séverine, est-ce que tu es là, Séverine? Oui, je suis là. Donc moi, je voulais appeler. Donc je voulais dire que Hugo avait raison, mais finalement, je voulais quand même passer un petit message. C'est que le petit Belge qui est arrivé, il est quand même très mignon et je pense qu'il va faire craquer plus vite. Donc Hugo, tu devrais te méfier. Mais il est dégueulasse. T'as vu, en fait, Hugo, c'est un vieux jaloux, en fait. Ouais, t'as cru que j'allais être jaloux d'un belge, moi. Donc Séverine, t'es en kiff sur Lorenzo en fait, en vrai? Non, je suis pas en kiff, ça va. Avec putain, y'a pas quoi, putain, parce que le nombre de meufs qui le taillent... Non mais attends, franchement, moi, Toff, il aimerait bien qu'il y ait plein de meufs qui le taillent. Grave, moi, si les meufs le taillent, c'est toujours plaisir. À la limite, qui se lave les cheveux, ok. Mais là, c'est du gel. Faut juste le mettre à la mode lyonnaise et ce sera bon. Bah voilà, parce que ils sont dégueulasses. Là il est en mode Nirvana, Kurt Cobain, alors c'est pour ça évidemment ça pose un problème. Ça, c'est limite ça, hein. Mais après, juste un truc, Séverine, tu dis avec son accent de merde, mais sincèrement, je trouve pas qu'il a un accent. Moi-même, je suis belge et bruxellois et je trouve ça me frappe pas, quoi. Ouais, mais avec le téléphone, ça brouille un peu, mais en vrai, c'est pas grand. Si. En vrai, c'est puissant. Hein. Ouais, mais quand on a entendu quand il s'énerve. Ouais, c'est vrai. Non, quand il s'énerve, effectivement, il l'a peut-être un peu plus. Ouais. Attends, on a Jordan aussi qui est avec nous là. Ils sont tous les quatre dans le même bahut, hein, comme ça au moins c'est fait. Jordan, alors tu voulais aussi donner ton avis, toi. Alors qu'est-ce que tu penses de Séverine et d'Hugo d'abord? Bah moi je pense qu'ils sont vraiment... c'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce que Lorenzo, bon, c'est vrai, il est pas très beau, il met des sandales chaussettes et il a un accent, mais... Des sandales. Attends, t'es sérieux de Lorenzo, là? Attendez, un seul à la fois. C'est vrai, Lorenzo, là, les sandales chaussettes? Je te promets que non. Je t'envoie une photo tout à l'heure de mes pompes. Ouais, non, mais ça, je peux t'envoyer n'importe quoi, ça m'empêchera pas que t'as aussi des sandales chaussettes sur le côté. C'est un mytho. Non, mais vous vous focalisez sur le physique, vous, à chaque fois. Ah oui, mais c'est normal. Mais trop pas, il nous prend de haut. Non, je suis désolé, on est tous égaux, les gars. Hein. Bon, et Virginie, il faut juste qu'il change de chaussettes et ce sera bon. Bon, Virginie, t'en penses quoi, toi? Arrêtez de passer à ta voix, s'il vous plaît. Ta gueule, Virginie, tu vas te calmer. Oh putain, je pensais qu'elles auraient insulté derrière, mais non. Décidément, elle est vraiment... On t'aura, Virginie. Elle est plus calme, on t'aura, Virginie, tu vas voir. Bon, bah très bien, donc Séverine, donc concrètement, donc toi tu trouves que Lorenzo, bah, finalement, il est pas trop mal, il a juste un accent quand il commence à gueuler, mais dans l'absolu, il est pas méchant. Voilà, et puis bon, il faut qu'il change un peu de trois de ses habits, mais il faut juste qu'il se mette à la mode. D'accord, ouais, Hugo... Voilà, elle a raison. Voilà, Hugo, toi par contre, toi t'es jaloux, non, t'es jaloux ça, toi. C'est pas ça, c'est que moi je suis ouvert, y a pas de problème, et je suis d'accord avec Jojo. Je suis d'accord qu'on est tous égaux, etc. Mais le seul délire, c'est que lui, il veut pas être égaux à nous. Et il est en train de nous prendre de haut et tout, il se fout qu'il se calme. Et vous êtes foutus de moi. Ouais, non, je suis désolé. Franchement, moi, je suis avec vous tous les jours et... vous l'appelez le petit belge, ça envoie les blagues belges. Même les profs s'y mettent à cause de vous maintenant. Ouais, et lui, il nous envoie les blagues de français, hein, donc... Ouais, mais en même temps, c'est facile, hein, il suffit de remplacer belge par français, ça marche dans exactement, les deux sens, hein, donc, exactement, donc vous emmerdez pas. Mais pourquoi vous n'allez pas boire un verre tranquille, pépère, là, au lieu de vous prendre mais la tête, ouais, moi, je lui ai proposé de boire à côté. Oh là là, il parle en même temps, on comprend plus rien. Ouais, Séverine, comme t'es la seule fille, honneur à toi. Pour qu'on aille boire une petite binge. Bah, exactement, ouais. Pourquoi pas, je pense qu'on dit pinch, mais petite... je ne voudrais pas. Ouais, c'est vrai, une pinch, hein. C'est une bière. Oui, c'est voilà. Et si elle me trouve si mignon que ça, moi je veux bien aller boire une petite bière avec la petite Séverine. Bah avec plaisir, demain 17h. Ça c'est bon ça. Bon vas-y, j'ai une autre proposition moi. Qu'est-ce qu'il y a Hugo? Vas-y, viens t'asseoir à côté de moi demain à 8h. Mais Hugo, t'es trop petit toi, t'es trop petit, t'as 17 ans et tout le monde a 18 là. Ouais, j'ai 18 ans dans une semaine. Ah bah ouais, mais en attendant, l'an standard, il y a marqué 17. Hein. Ouais, mais ah j'ai ouais. dit dans une semaine, j'avais 18. Ouais, je sais bien, 17. Mais là, aujourd'hui, t'as 17, là. Donc aujourd'hui, il y a 17, mon gars. Ah, Séverine, toi tu préfères les mecs mûrs, Séverine. Ouais, plutôt, ouais. Mais bah, bon, Hugo, je le connais depuis plus longtemps, donc c'est différent. Ah, d'accord, c'est vas-y, c'est un peu ma besta, tu vois. C'est l'ami. Attends, Séverine, il y a Toff qui a une question pour toi, là. Non, c'est Pose Caca qui veut faire un... Oui, c'est Pose Caca, pardon. Alors, combien mesures-tu, Séverine? 1m60, un peu moins. 1m57. Ouh là là. Pour moi, tu vas te calmer, hein. Alors, quel est ton tour de poitrine? Attends, Lorenzo. Ah non, je ne dis pas. Mais vas-y. Alors, tour de poitrine. 85D. Wow. Ah, D comme Denise, alors. Ah ouais, mais elle est chère bonne. Hein. Combien tu pèses, Séverine? 50 kilos. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 34. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va. On y est pas, elle a un putain de poule, hein. Scooter, on y va. Ah bah attends, et Toff, il prend le scooter direct, là. Allez, on y va, là. Eh voilà, il pète sur le scooter, c'est pour ça, c'est comme dans le film, c'est la nitro, tu vois. C'est pour accélérer plus vite, là. Et ça, il est sur le scooter. Et puis, quand il veut aller beaucoup plus vite... Et hop là, il va plus vite. Ouais, c'est Fast and Furious, mais en scooter, effectivement. Ah, là, c'est bon, ouais, mais moi, je voudrais dire quelque chose. Vas-y, Lorenzo. Moi, je voudrais dire que demain à 17h, c'est quand même moi qui vais boire une bière avec elle. Alors, les gars, c'est vrai. Je suis au-dessus de vue, hein. Eh, bravo, Lorenzo, c'est bien. En tout cas, Séverine, effectivement, tu as l'air charmante. Hugo, bah, c'est ce qu'on appelle dans le cul. Et puis Jordan Hugo aussi. Hugo, un peu moins charmant. Bah, ouais, là, ouais. Mais non, moi, c'est juste ma meilleure pote, hein. T'as cru y aller voir et autre chose. On sait jamais. Oh, de ouais, toute non, façon, vous êtes moche. C'est complexé, Hugo. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple ouais, que ça. Voilà, j'ai une épaule dans le plâtre et tout. Ah, en plus, putain, en plus, il est cassé, Hugo. Voilà, laisse tomber. Ouais. Oh là là, laisse tomber. Bon, ben bah, merci à vous, en tout cas, d'être passé, Lorenzo, Jordan, Hugo, et puis Séverine. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Ouais, et vous restez là. Séverine, je peux avoir confiance en toi? Oui, bien sûr. Sûr, hein? Toujours. Bon, alors tu vas nous filer tes coordonnées, on va t'envoyer plein de les nouveaux stickers de l'émission, comme ça tu pourras distribuer au bahut. Ok, super. Bon. Très bien. Allez, vas-y, Hugo. À une seule personne, hein, vas-y. À Julie et Manon Chapuis, à Arthur, à ouais, à une seule personne. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne, Hugo? Un. Vas-y, Séverine. Moi, j'ai une petite dédicace à Cyprien en Istanbul. Très bien. Moi, je passe une dédicace. Allez, vas-y, Jordan, à une seule personne, ça fera 4 en total. Moi, je passe une grosse dédicace à Gilles Simon. Très bien. Et Lorenzo, tant qu'à faire, hein, t'es là aussi. Et Lorenzo, il passe une dédicace au quartier. Eh bien, Lorenzo. Bon, ben ça marche. Allez, gros bisous tout le monde. En tout cas, merci d'être passé sur Fun Radio. Et puis, bref, prévenez le bahut. Hein. Je compte sur toi aussi, Séverine. Hein. Ouais, pas de soucis. On est là tous les dimanches de 20h à minuit, merci. Et la semaine de 23h à 2h, évidemment. Gros bisous, super. Séverine. Salut. Ciao à merci, toi. Ah, Toff, il va mal dormir là maintenant. Hein. Oh là là, oui. Oh, ça, ce 34 de pantalon là. Oh là là. Vas-y, lâche-toi, Toff. Oh, je suis fou. Vas-y. Ah bah voilà. Ah oh, voilà, il s'est lâché. Bon, 21h28, là, dans 2 minutes, la réponse à la colle. Gaëtan, est-ce que tu peux rappeler la colle, s'il te plaît? Vas-y maintenant, attention, c'est parti. Je suis partout au Canada. Ils sont en Paris, j'aurais pris. Voilà, je suis partout au Canada et sans moi, Paris serait pris. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Il vous reste 2-3 minutes là pour vous rendre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous avez la bonne réponse, bah, vous cliquez sur là où il y a la petite photo avec l'iPod. Vous cliquez dessus, vous mettez la réponse en commentaire, quoi. Et on fait un tirage au sort dans quelques secondes maintenant. Donc à vous de jouer. On répète la petite question. Je suis partout au Canada et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Voilà, c'est pas compliqué. Vous envoyez votre réponse maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Vous cliquez sur l'iPod Nano, vous répondez. Dans quelques instants, je vous tire au sort, tout simplement. Aussi, on tire au sort, on vous demande votre numéro de téléphone. Donc, guettez bien vos messages privés. Dans autre. dans autres par exemple aussi, ouais, si on n'est pas si vous n'êtes pas amis directement. Donc faites attention aux messages privés parce qu'on vous demande votre numéro de téléphone. Donc si vous ne répondez pas, bah forcément c'est perdu. Il y a Dédé qui dit Tof alias pose caca prend son scooter et nous on aimerait bien avoir une photo de Séverine. Bah oui j'imagine, mais on va laisser. Séverine ? Oui. Tu cherches un mec ou pas toi Séverine ? Non, j'ai déjà un mec. Ah merde, tant pis, bah tu vois, donc ça sert à rien. Désolée. Parce que les auditeurs sont en kiff, hein, ils voulaient avoir une photo de toi, tout ça. tant pis. Désolé. Imaginez, c'est mieux. Bah ouais, puis sinon, il y a une photo de Lilou aussi sur le Facebook, là, vous pouvez aller voir. Ouais. Hein, vous êtes déjà plus de 50 000 à être passé dessus sur la photo. Hein. Sa sœur est beaucoup plus belle, là. Ah, écoute, paraît-il, je n'ai pas eu cette chance, je n'ai pas vu la sœur de Lilou. Mais donc, si vous voulez aller la voir, à quoi elle ressemble, là, Lilou, ce soir, qui remplace Sandro pendant qu'elle est malade, facebook.com/MikaelOfficiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et Mathias qui dit le questionnaire de pose caca est juste énorme. Bah ouais, ça. Quoi. Et au taquet, là, Mathias qui dit tof, c'est chiasse and furious. Chiasse and furious, ça c'est bon ça Mathias. Et puis demain ça va être la guérilla dans la classe. Là il y a Romain, tu m'étonnes, ça va être le bordel sans nom. Gomard qui dit faites la paire, voilà quel truc de gamin. Et puis Anaïs qui dit j'imagine bien demain en classe le bordel que ça va être. Oui, ça risque d'être effectivement un petit peu tendu, mais au moins ils penseront à nous et ça c'est le principal. Mathias également qui dit balance la chanson, elle est énorme. Martin qui dit énorme cette chanson, mais là en entier s'il te plaît, dédicace à Thibaut du lycée Syntex à Blagnat. La traduction de ouf, Thibaut, ouais bah, je l'ai traduite en direct live aussi. Hein. Kevin qui dit c'est quoi cette chanson. Il y a Welcome to Jamrock qui dit cette chanson est juste horrible. Comment dire, c'est spécial, c'est Anaïs. Et puis Brandon qui dit Mickaël, j'ai entendu la zik que tu vas passer. Pas trop mal comme son, juste l'arrière-son, les paroles sont à chier par contre. Bon voilà, c'est la chanson qui voulait savoir qui est le que fait le renard. Donc dans la chanson, ils disent bah le chien fait waf, le chat fait miaou, l'oiseau fait le bruit de l'oiseau, enfin c'est comme saoulé. Cui-cui, voilà, c'est ça. Et que fait le renard, donc c'est ça en fait le concept de la chanson. Et j'ai mis le clip sur le Facebook si vous voulez aller le voir. Je l'ai mis cet après-midi, hein, donc allez fouiller dans les posts. Facebook.com/MikaelOfficiel. Bon, Gaëtan, on se laisse le temps de mettre Gims pour prendre la réponse à la colle. Allez, c'est cool, allez, c'est parfait. Bon, Gaëtan, bouge pas de là, on aura Alexandra pour parler des accents également dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis, bah vous, en direct, hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. On va se faire péter un son que c'était Gwendoline qui nous l'avait demandé, tiens, tout à l'heure. Bah voilà, elle a demandé, je lui mets, hein. Pas de problème, moi aussi je peux rendre service. Maître Gims qu'on écoute maintenant, elle avait fait un petit hashtag sur le Twitter de l'émission. Et puis, elle avait demandé le son de Maître Gims avec Bella. C'est parti, c'est Fun Radio, Mickaël, nos limites. Bienvenue si vous venez débarquer. On est ensemble et en direct jusqu'à minuit. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Les gens me disaient méfie-toi cette fille là. Elise qui dit tiens il est cool le son là à l'instant. Et puis Gwendoline qui dit merci pour le Maître Gims. Avec plaisir Gwendoline qui l'a demandé en tapant le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Pas de problème si vous voulez aussi choisir vos sons là. N'hésitez pas évidemment. Et puis grosse info là, hein. Ouais. Bienvenue. Très grosse info là, de 21h35. Le journal présenté par Mickaël. Voilà, l'heure de l'actu n'attend pas évidemment puisque on vient d'apprendre que Kelly et Lilou auront leur règle en même temps. Et je pense que c'est quand même une information qui méritait d'être partagée. Voilà, non, parce que pas à soutenir ces deux enfants. Je vous explique, on était en train d'écouter Maître Gims relativement fort et puis on entend ouais en train de gueuler, on aurait dit deux poules. Ouais. Et on s'est mais qu'est-ce qu'il y a. Oh, on aura nos règles en même temps, c'est génial. Voilà, voilà. C'est okay. Dur, c'est très dur. Voilà. Non mais pour l'échange de tampons, t'imagines même pas, c'est génial. Ah bah ouais, c'est top là. Ah bah, on est content, on se rend pas bien compte comme Lilou ça là, mais. Cette information. Merci Lilou. Crucial. Voilà, t'en as d'autres des infos comme ça ou pas? Bah pareil pour les serviettes hygiéniques, ça sera cool aussi, mais c'est plus pour la nuit, tu vois, donc on verra. Ouais, d'accord. Après l'émission quoi. Oui, oui, bah bien sûr, évidemment. Voilà, si vous voulez parler tampons, serviettes hygiéniques, n'hésitez pas avec Lilou, elle est là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Mathias qui dit heureusement que vous êtes là le soir, hein, parce que sinon je me ferais chier. Ah bah nous aussi en même temps. Hein. Brandon qui dit Mickaël, simplement une émission de dingue, votre émission. Merci Brandon. Qu'est-ce qu'il y a aussi Jason qui dit après tu pourras mettre Bouya. Ouais ouais je l'ai calé tout à l'heure là, je l'ai calé pour vous, il arrivera, où est-ce qu'il est, il est là. On l'avait demandé aussi là, on l'a fait découvrir il y a plus d'une semaine là, on l'a mis 4 fois d'affilée. Tellement on l'aime bien le son de Showtech. Voilà, le nouveau ce sera Bouya. Jason qui dit Bouya Bouya Bouya, bah il arrera tout à l'heure. Et puis Ludivine qui demandait aussi le son d'Avicii, eh ben pas de problème, il arrivera aussi. faudra me rappeler tout ça parce que je vais tout oublier, vous me connaissez. Évidemment. Voilà, Vichy, je vous le cadrerai aussi, je le cadrerai pour toi Ludivine, rien que pour toi sur Twitter. Et voilà. Bah, c'est cool. Avec plaisir. Et puis Amour Sucré qui dit Mickaël, merci pour le follow, vous êtes extra. Bah, de rien, merci à toi aussi, puisque bah, si je te follow, c'est que tu m'as follow aussi, donc je te remercie également. Et Martin également qui dit première fois que j'écoute et j'adore. Merci Martin, c'est gentil, sois le bienvenu. Et puis n'oublie pas de prévenir tes potes également, hein, si tu kiffes, là qu'on est là tous les dimanches soirs de 20h à minuit et tout, la semaine également, du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et Brandon qui dit Lilou, elle est trop belle. Oh. Ouais, mais sa sœur est beaucoup plus belle qu'elle. Ouais, mais c'est surtout que quand tu remarques, maintenant vous allez voir la photo de Lilou, on l'a mis sur le Facebook, ouais. Là, il y a plus de presque 60 000 personnes qui sont passées dessus, hein, sur la photo. Dingue, ouais. Donc facebook.com/Mickaël officiel, et là vous allez imaginer que bah, Lilou. C'est quand tes règles, Lilou, du coup alors Alors, je sais pas trop si ça arrive mardi dans la nuit ou mercredi matin. Ah, donc, ça veut dire que mercredi, on est sûr que tu vas être chiante. Ouais. Non, d'accord. Je suis super cool, moi. Quand j'ai mes règles, ça me met de bonne humeur. C'est précis. Ah bon, non, j'adore. En fait, Lilou, c'est dommage, c'est l'inverse des autres. C'est des autres meufs, elles sont super cool pendant 25 jours et relou le reste du temps. Elle, c'est l'inverse, tu vois. L'année, elle est cool pendant les règles et puis pendant 25 jours, elle est casse-couille. C'est ça? C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, vous pouvez aller voir à quoi elle ressemble et vous saurez comme ça que mardi, la série, que vous arriverez à partager quelque chose de fort avec elle et ça, c'est bon. Mais ouais. Il y a Jérémy qui dit super l'émission, merci. Et puis Ilan qui dit salut Mickaël et toute l'équipe pour la colle de ce soir, ce serait peut-être la neige. Bah, je sais pas, t'en penses quoi toi, Gaëtan? Ce serait la neige ou pas la colle? Non. Non, c'est pas ça. Bah, justement, on va donner la réponse maintenant, attention. Et on appelle maintenant quelqu'un qui a peut-être la bonne réponse, Gaëtan. Si il ou elle a la bonne réponse, celui ou celle qu'on va appeler, eh ben tu perds évidemment, et lui ou elle partir avec l'iPod Nano. Si jamais il ou elle n'a pas la bonne réponse, ou alors que elle, ça ne décroche pas, tu gagnes, Gaëtan, on y va? Oui. Allez Gaëtan, c'est parti. Tu peux arriver à me faire une voix grave, une voix d'homme? Une voix d'homme. Essaye. Fais une voix grave. Salut. Salut. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Je suis Coralie. Salut Coralie, ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt bien, t'es dans quelle ville Coralie? Je suis à côté de Beaune. À côté de Beaune, très bien. Bon, Coralie, est-ce que tu as la réponse à la colle que Gaëtan va te reposer maintenant? Gaëtan, t'écoute. Je suis partout au Canada, sans moi Paris serait pris, qui suis-je? Alors Coralie? La lettre A. Gaëtan? Non. Bah c'est pas oh. Ça? Si, si, c'est la bonne. Oh, eh ben bravo Coralie, ouais. Félicitations. Bon Gaëtan, par contre tu repars les mains vides. Les mains vides, hein. Ah bah ouais, là c'est un peu récent pour toi. Ah bah c'est la galère, hein. C'est la galère totale. Mais qu'est-ce que tu veux? Quoi? Bah tu feras mieux la prochaine fois, tu rejoues avec nous quand tu veux Gaëtan. D'accord. Bon, je te fais des bisous. Bon, au revoir. Salut Gaëtan, et bravo à toi hein, Coralie hein. Merci. Toutes mes félicitations Coralie, je te fais des gros bisous, tu restes au standard, on va prendre toutes tes coordonnées également pour t'envoyer ton iPod Nano. Salut. Allez vas-y, dis-moi, à une personne. Alors, une Coralie. Hein. Je fais une dédicace à notre groupe de super DJ qui sont passés sur Fun Radio il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Burgundy's. Ok, d'accord, pas de problème, on salue les DJ, pas de problème. Salut Coralie. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et je rappelle qu'il y a des stickers aussi, hein, on en avait parlé il y a une semaine là. Il en reste hein, des stickers, on a envoyé la première chier là et la seconde qui vient d'arriver. Donc si vous voulez choper vos stickers, Lilou, ça s'écrit O-U ou O-O ton prénom? O-U. Voilà, donc si vous voulez les stickers, n'hésitez pas à vous envoyer un mail à Lilou, ça va lui pourrir sa boîte mail. Voilà. Attention, mettez votre adresse. Voilà, mettez votre adresse, on vous enverra des stickers. Donc Lilou, Lilou, @funradio.fr. Je me suis trompé, c'est Leelou. Non. Et n'hésitez pas à doubler les mails parce que des fois, elle reçoit pas le premier. Parfois, elle reçoit mal. Il faut renvoyer le deuxième. Voilà, donc je compte sur vous, Leelou@funradio.fr. Demandez-lui les stickers pendant que Sandro est pas là. Et il se fera un plaisir de vous envoyer ça. On peut te compter sur ton professionnalisme, Lilou. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, t'as vu ça, elle dit ça avec le sourire et tout, c'est magnifique. Donc elle est belle. Voilà, Lilou@funradio.fr si vous voulez les stickers de l'émission. Vous laissez votre, n'oubliez pas de mettre votre adresse dans le mail évidemment. Il y a Mathias qui dit Mickaël, n'oublie pas le bouillin hein, sinon coup de bazooka dans ta gueule. Et celle de Toff parce que lui aussi sera fautif de toute façon. Évidemment. Dans Toff ouais. Je peux le mettre. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Bon, dans un instant sur Fun Radio, eh bien on va reprendre Virginie aussi. On aura Alexandre pour les accents et puis on aura Ameline. Salut Ameline. Ameline ou Ameline, comment on dit? Salut tout le monde. Salut. On dit Ameline ou Ameline? Ameline. Ameline, très bien. Bah écoute, sois la bienvenue, Ameline. Dis-moi, tu nous appelles pourquoi, Ameline? Pour discuter, comme ça. Mais tu fais bien, sois la bienvenue. C'est juste pour vous faire partager, pas vraiment une passion, mais quelque chose que j'aime beaucoup. Qui est? Tout simplement, mon voyer en l'air. Ah, bah écoute, c'est sympa. Bah écoute, c'est bien résumé. Hein, c'est bien. En plus, t'es à Paris. Parlons peu, parlons bien. Okay, bah voilà. Eh ben, parlons tour du propriétaire. Combien mesures-tu? Je fais 1m65. Combien pèses-tu? Il va péter, attention. Je fais 50 kilos. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? Je fais un 85D. Ah oui, quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oh, ça, ah ça, oui, ça, oh là ça là l'excite là. Oh là là, oh là, là, là, là, là, là. Attention, attention, il va immédiatement prendre son scooter et c'est parti. Mais on sait pas où il est, son pari. Je fais le tour du périph' pour rien. Bah oui. Ouais. Bon, Ameline, reste avec nous. On va reparler avec Virginie dans un instant. On va parler des accents encore avec Alexandre. Et puis on va aussi parler des de rendre service. Là, on fait ça dans un instant avec notamment Martial et Gaylord qui sont passés nous voir ce soir. Vous êtes toujours là, les gars, en pleine forme. Hein. Toujours. Toujours. Et bien, tant mieux. Allez, bougez pas. On revient dans un instant. Je vous cale le son de Calvin Harris avec I Need Your Love dans un instant. Il y aura aussi Martin Garrix. Martin Garrix avec Animals, et restez bien là puisque j'ai un truc énormissime à propos de Martin Garrix. Pour tous les obsédés, vous allez kiffer. Je vous mets ça sur Facebook dans un instant, restez là. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio. No limit. Mickaël, no limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, et oui, on est là en direct sur Fun de 20h à minuit tous les dimanches et bien évidemment tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous en direct avec Joséphine qui dit Mickaël et Gaylord, buvez un coup à ma santé. Bah t'inquiète pas là, on va faire ça dans un instant. Angelo qui dit vive Fun Radio, vive Mickaël et vive le lance-flamme. Bah oui Angelo, merci. Attends, le lance-flamme il va revenir dans un instant, je suis en train de le recharger là, il va revenir. Oui. Il va revenir. Oh, la gueule de Toff. Bon, dans un instant, Ameline de Paris là qui bah juste envie de parler de sa passion, c'est-à-dire s'envoyer en l'air. Donc si vous avez la même passion, noble les mecs et les filles, passion, moi je trouve. C'est très belle passion, c'est vrai. Si vous avez la même passion, les mecs et les filles, là, venez nous en parler là. Prenez le contrôle de Fun, 01 42 48 5000. Et venez également nous suivre sur le Twitter et l'Instagram de l'émission, twitter.com. Vous tapez Mickaël officiel et puis bah vous venez, on discute ensemble évidemment. Et si vous me faites un follow, je vous fais un follow également. Ce sera dans un instant sur Fun Radio. Et puis je vous ai parlé aussi d'une chanson de Martin Garrix avec Animals et d'un clip avec une meuf qui a une paire de seins assez improbable. Je viens de la mettre sur le Facebook. Allez voir, c'est à mourir de rire. En fait, elle fait bouger ses seins en fonction de la musique de Martin Garrix. Donc écoutez et regardez en même temps sur facebook.com/Mickaël officiel. C'était le son de Martin Garrix à l'instant avec Animals. Et donc j'ai mis la vidéo là, la vidéo avec le Animal Boobs. Alors Boobs ça veut dire sein en anglais pour ceux qui connaissent pas. Et donc je viens de la mettre sur le Facebook. Il y a déjà plus de 150 personnes qui ont fait un like. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Donc en gros l'image si vous voulez c'est que sur la vidéo il y a une meuf qui a poitrine généreuse. Très généreuse. Mais il n'y a rien de dégueulasse hein. Elle est habillée, non, tout ça, il n'y a vraiment rien, elle a juste un beau décolleté, c'est tout. Et en fait elle fait. Il faut le faire quand même. Elle arrive à faire bouger ses seins en fonction de la musique, en rapport avec la musique. Donc quand ça fait tout doudoudoudoun tout doudoun. Bah elle bouge ses seins en fonction en fait, sans les mains, c'est ça qui est très fort. Ouais. On t'entend mal, Polo. C'est parce que j'ai un problème. T'as pas allumé ton micro, c'est tout. Arrête de nous la faire oh, à l'envers. Balance. Ouais, je balance et après. Non, mais pose caca, il peut le faire avec de la musique aussi. Hein. Bien sûr, faire, ouais. Son... bien sûr, mais c'est plus crado quand je le fais. Ouais, bah ouais mais voilà, c'est ça. Attends, il va essayer de faire Martin Garrix là voilà. En version paix. Alors montre-lui déjà en version pipo comment faire. Ok, on y va. Alors Martin Garrix pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Donc allez, vas-y. Bouge ses seins, donc ouais. La vidéo sur le Facebook de l'émission, là maintenant, facebook.com/Mickaël officiel. Allez la voir et partagez, hein, je compte sur vous. Et donc, maintenant, la version pipo, alors de Polo, et écoutez. J'y vais, je sens. Quel talent, oh là là. Qu'est-ce que t'es fort. Merci, et alors, Toff, maintenant, version P hein, de Martin Garrix, est-ce que tu y arrives? Alors ah, attention. Faut que je me mette en position, hein, c'est pas. Alors, vas-y. Voilà. Attends, voilà, c'est bon. Vas-y, pose caca. Ah ça ressemble hein. Quel on peut demander aux auditeurs qui sont avec nous là, qu'est-ce que vous avez pensé là. Un talent quand même hein. C'est pire qu'un talent là. Bah les deux ont un grand talent quand même. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, aussi bien Polo que Toff, hein, ça c'est évident. Je propose qu'on essaye de jouer ensemble. Oui, vous pouvez. Bon, vous voulez refaire Martin Garrix en version pay et pipo. Parce que là, on est chaud. Bon alors attention. 3. Attends, je me remets. Vous êtes prêts? 3, 4. Ouais. Ah, Polo a plus de souffle que toi. Il est un peu meilleur à ce niveau-là. Il est plus fort, Polo. Ah bah ouais. Anaïs qui dit Polo, un coup de pipeau, là, on n'a pas eu ce soir. Bah voilà, t'en as eu deux pour le même prix, Anaïs. Il y a Simog aussi sur le Twitter qui dit un coup de pelle pour moi, car je vous écoute à moitié. Ah bah bravo. Bien, de ce que tu mérites. Antonin aussi qui dit salut Mickaël, tu peux mettre des gifles à toute l'équipe s'il te plaît. Bon, si tu veux, écoute, pas de problème. Polo, t'en la joue. Vas-y. Voilà, Tof, t'en la joue. Voilà. Voilà. Léo. Oui. Mets ton casque déjà. Ça y est, c'est fait. Non, il n'est pas mis ton casque. Si, c'est fait. Voilà, t'en la joue. Vas-y. Voilà, c'est ce que tu mérites. Et Kelly également. Hop. Ah voilà, mais enfin, elle, c'est le travail. Puis les auditeurs aussi, tiens. Vas-y, vas-y. Aïe. Voilà, aïe. Les deux. Et moi, j'en mets une aussi, tiens. Vas-y. Voilà. Mais moi, je ne sens rien car je suis un homme. C'est normal. Je suis un vrai. C'est un dur. Un vrai de vrai. Guillaume qui dit si des filles ont la même passion qu'Ameline sur Metz, j'aimerais bien les rencontrer car ma connaissance, ça n'existe pas, mort de rire. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça s'entend. On entend ça plutôt rarement, effectivement. Bon, avant de prendre Ameline, là, qui a comme passion, donc, s'envoyer en l'air, ce qui est une belle passion, nous avons Alexandre avec nous, là, de Draven. Dans le 91. Salut Alexandre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Salut. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah salut. Écoute, tranquille, hein, tranquille. Alors toi, tu nous appelais parce que t'as un accent ou tu arrives à les imiter, les accents? J'arrive à imiter un accent. Ouh. Alors vas-y, parce qu'attention, il y a du lourd également avec Martial, un auditeur qui est passé nous voir ce soir, qui apparemment lui aussi pourrait imiter les accents. On verra. D'abord à toi, vas-y Alex. Bonsoir tout le monde, je suis Angela Merkel. Oh t'es nul. Ah ouais putain. Oh t'es médiocre. Est-ce qu'on peut lui mettre un coup de pelle en pleine gueule? Allez merci. Aïe. Ah oui mais mec, Alex, tu t'essayais de faire l'accent allemand donc? Oui. D'accord, ouais, on ouais, aurait ouais. dit un vieil Alsacien, mais ouais, ouais, ouais. À la limite, bonjour, ouais. Je suis Angela Merkel. Ouais. Tu peux faire autre chose Alex ou pas? Oh là là. Oh peut-être le chinois mais bon je sais pas trop. Bon essaye toujours, allez vas-y, vas-y, vas-y. Bonjour, on est chinois. Oh putain, t'es mauvais, Alex. Attends, Alex, ouais. Oh mec, Alex, t'es mauvais. Hein. L'imitation n'est pas ton truc, Alex. Bon, attends, on va demander à Martial, auditeur qui est passé nous voir ce soir, là. Qu'est-ce que tu sais faire comme accent, toi, Martial? Le québécois. Bah alors, vas-y. Bonsoir, ce c'est les Dio. Ah non, je peux pas décider ça. Tu prends tes bouteilles, tu prends tes trucs, tu dégages. Bah déjà, t'as mal dit le Dion, parce que les Québécois. Un coup de l'enflamme. Ouais, un coup, exactement. Vas-y, vas-y. Hop dans ta gueule. Voilà, c'est plutôt bonsoir, c'est Céline Dion avec le Dion. Ouais. Tu vois, si je puis me permettre, juste comme ça, je pense que l'accent allemand était quand même meilleur que l'accent canadien. C'est pas faux. Ah, merci, non, mais merci. Surtout qu'Alex Sorrentaine nous disait pendant le son de Martin Garrix là, qu'il dit oui, moi j'arrive à faire des accents. On lui dit mais t'es sûr? Oui, oui, oui, oui, oui. Et c'est quoi cette horreur là? Tu sais faire autre chose ou pas? T'as pu oser là? Je sais même pas. Non mais il a oublié. D'habitude ouais, je suis chaud. Quand là, t'as, chaud, là, t'as peur là? Non, c'est la fin de soirée. C'est la fin de oui, bah c'est ça. C'est ouais. La fin de week-end donc. Oh, c'est la fin de soirée, 21h57. T'es ouais, sérieux ouais, là? Bon, il y a un message qui est arrivé de Mickaël qui a tapé tuf sur le scooter. Ah, attends, parce que là on économise l'essence parce qu'il doit partir bientôt rejoindre Ameline là donc. Mickaël. Tuf, ouais. Ouais, Alex. J'aimerais te poser une question, j'ai un problème en fait. Que se passe-t-il? Dis-moi tout. En fait, j'aimerais me faire une nana qui est dans ma classe, donc elle est assez bonne et tout, mais je sais pas comment l'aborder en fait. Ah bah c'est une bonne question ça, je vais te passer Tof, hein. Tof qui est un grand grand dragueur professionnel. Bah, emmène-moi sur ton scooter, vas-y. Bien sûr. Viens, va faire un tour de scooter. Merde, il démarre plus, attends. Attends, j'en redémarre, attends. Ah, démarreur, il déconne là. Bah ouais, mais remets un coup de kick, Polo là. Attends, j'y vais, vas-y. Allez. Ah non, ça va pas là. Mais quoi le bordel, merde. Allez, ça démarre pas là, ça démarre pas. Alors attends. Ah bah voilà. Il fallait une vraie pression. Ouais voilà, non, c'est ça. On entend bien le bruit de la cartouche bidalo. Mais c'est ça. C'est ça qui le fait avancer. Bon Alex, ah ouais. Non mais toi t'as un problème avec ta meuf. Enfin c'est pas ta meuf, t'as une meuf non. En vue, tu sais pas comment l'aborder, c'est ça? Ouais c'est ça en fait. Et comment tu fais? Tu n'as jamais été l'aborder? Non jamais, mais je lui parle, hein. On s'envoie des SMS, bon voilà, et on a un c'est peu près de compassion à peu près, voilà, le même niveau. Bah c'est bien et déjà bon, là. Je sais pas comment faire pour l'aborder quand tu en fait j'ai. Par les cheveux. Non, c'est une mauvaise idée. La colle dans le tableau et tu lui dis ouais, voilà, ensemble. Non, c'est pour la gueule de Polo. Ouais, avec plaisir. Voilà. Ça me réchauffe. Non mais oui, enfin écoute, laisse faire les choses aller au fur et à mesure. C'est-à-dire oui. Que c'est bien déjà si tu discutes avec elle, si vous avez déjà des passions communes. Ouais, voilà. Bah ouais, attends, on va demander à Lilou qui est une grande spécialiste également de la drague. Lilou ! Lilou, il y a Alexandre là qui a besoin de conseils là. Ouais. Il veut savoir comment faire pour draguer une meuf. Alors Alex ! Ouais. Alors imagine que Lilou est ta meuf, enfin la meuf que t'aimerais bien avoir. Oui, faut imaginer hein. D'accord. Ouais, faut vraiment imaginer. Hein. Bon, quel enculé. Bon, et donc discute avec elle, fais comme si voilà, voilà, discute avec elle, on te donnera tes points, les points positifs et les points négatifs. Vas-y. Vas-y. Vous voulez que je vous mette une petite musique d'ambiance ? Non mais tu me fasses quoi en fait ? Bah tu discutes, tu la dragues un petit peu. Je vous mets une musique. Okay. Je vous mets une musique d'ambiance. Attends, je te présente. Eh, hey, salut. Je te présente Lilou. Only... Vas-y. Oh, only, only. Oh, c'est beau, c'est beau. Vas-y, lance-toi. Bah, salut Lilou. Non, c'est pas Zizou. Ça va et toi? Attends, stop. T'as mort. Hop, hop, hop. Mais il a dit Lilou, t'as dit Lilou. Non, il a dit Zizou. Lilou. Non, ah, non, c'est toi qui es fan de foot, arrête en cinéma. Mais je la connais, hein. Attends, je la connais, la libre antenne de Karel, tu sais. Bah, voilà, elle était là, exactement. Bon, vas-y. Bon, Alex, allez, vas-y. Salut Lilou, comment ça va? Bah, ça va et toi? Très bien, comment, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah je te parle au moment même où je te parle. Super. Il est mauvais, 1, 0. Non mais c'est vrai, elle est con ta question. Mais non mais Lilou, mais ça y est pas la meuf qui casse le délire directement. Oh, là. Lilou, tu fais quoi dans la vie? Bah je me fais chier, casse-toi. Ok, ouais. Bon bah ça non, c'est mais fait. Il hein. est trop mignon, il est touchant. Lilou, imagine un beau gosse blindé qui te parle. Et Bon, imagine, je te parle, voilà, regarde. Voilà. Ça faudrait... Un beau gosse blindé. Ouais. Non mais t'as David Beckham qui arrive. Ouais. Hey Lilou, dis, tu fais how are you? Tu vas lui répondre ça? Bah je réponds même pas, je l'embrasse direct. Oh c'est David Beckham. Bah attends, ça va, David Beckham, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Bah alors, comment vous expliquez ça? Ça risque d'être long en fait. Donc, Il a des tatouages. Mais il est ultra bien golasse, il est magnifique. Ouais, et alors? Ça va, vite fait quoi. Mais moi j'en suis sûr qu'Alexandre est magnifique. Mais oui, certainement Alexandre. Mais tout à fait, il a une voix d'homme. Non mais sérieux, Alexandre, bon, on a pu quand même te filer un gros coup de main grâce à Lilou, qu'on ne remerciera jamais assez. Ouais. Mais c'est surtôt que non, mais écoute. Je vais lui offrir un paquet de Tampax, j'ai déjà. Bah bonne idée, tiens. Et bah là, je te dis oui pour voilà. sortir avec toi. T'es bien généreux Alexandre, même trop limite hein, je pense. Hein. Ah ouais, mais je sais. Attends, c'est le cadeau top tendance, hein, le bouquet de Tampax. Exactement, d'ailleurs mardi prochain. Et attends, je vais offrir pour Top, je vais lui offrir un nouveau scooter parce que le sien il marde un peu. Non mais il est bien son scoot, il est cool son scoot. Comment ça essayer de draguer la meuf là, après tu viendras nous offrir voilà. des choses. Bon, Alex. Ouais. Bon, écoute, continue à discuter avec elle. Et puis voilà, si vous avez des passions communes, ça va se faire un moment ou un autre, t'inquiète. Hein. Ouais, mais brusque pas les choses, t'es à la cool, profite de ce moment, ouais, justement. Ouais, tranquille. Et tiens-nous au jus, d'accord? Ok, ça marche. Bon, je compte sur toi. Salut Alex, à bientôt. Hein. Ouais, super votre émission. Merci bravo. Beaucoup, ciao à toi. Et ciao, tiens, il y a encore Martial qui a un autre 23 ans là, d'Agen. Salut Martial. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Bah ça va nickel, écoute, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je reprends tout demain. Eh bah, et bon anniversaire, tu veux la musique de l'anniversaire? Ouais, vas-y, allez. Allez, spécial pour toi là, écoute. Oh, voilà. Oui. Ah, je kiffe. Mais oui. Et nous aussi on kiffe. Il y avait un message de Mathias sur le Twitter qui dit Mickaël est plus bueno que Beckham. Merci Mathias, toi au moins tu vois clair. Voilà, bah, bon anniversaire Martial. Bon, oui, merci, toi apparemment tu arrives à imiter des accents toi. Ouais, bon après je sais pas si j'arrive à bien les imiter, c'est pas ne pas me manger un coupel mais... Bah écoute, non, vas-y toujours, on verra après. Il peut te faire l'accent russe facilement. Oh là là, mais il est né en Belgique ton russe non? Non, en France. Belgique, il répond né en Belgique. On dirait Homer Simpson. Non, ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est non, Martial, là, oh, t'exagères là, avec Homer Simpson. Encore le russe, passez encore, tu vois, si vite fait comme ouais, ça. Mais là, parce que là, c'est au téléphone, c'est pour ça. Ah, mais ouais, oui. Ouais. Le problème vient de là. Ah, et on voit qu'il y a de mauvaise foi, Martial, puisqu'on a un autre Martial qui, lui, n'est pas au téléphone, il est devant nous, c'est un autre auditeur. Et malgré qu'on soit pas au téléphone, son accent canadien était mauvais. Oui. Voilà, tu vois, c'est... Si tu le dis, oui. Bah oui, je suis désolé. Moi aussi, je le dis, hein. Voilà, on est tous là, la majorité totale. Voilà. Bon, mais Martial, tu sais faire autre chose que l'accent russe? Après, je peux te faire l'accent un petit peu italien. Oh, putain! Qu'est-ce qu'il est mauvais? Ma, toi, est mauvais! Toi, est mauvais! Alors que Toff, il arrive à imiter l'accent brésilien, lui. Hein. Ma oui, mais que c'est possible que je fais l'accent brésilien, que ça va bien, que c'est magnifique. Que j'adore ça. Voilà, tu vois, ça c'est l'accent brésilien, ça, du Brésil. C'est du Brésil, ma oui. Voilà, c'est tout le temps. C'est le café, c'est les coups qui dépassent là, de les plages. Là, les silicones qui dépassent du petit string que tu tires dessus, ça fait de la musique. Exactement, tout à fait, oui. Bon, Martial. Ouais. T'as dit un truc? Ah, j'ai dit que chez nous, on mange pas des strings, on porte des bananes. C'est quoi cet accent là? Ah, espèce de deviner. On dirait non, l'autre, le comédien là. Qu'est-ce que c'est une... Un mauvais, non? Ça dépend. Je ne jugerai pas. Non, mais je sais pas. Je pose la question. Je connais pas. Donc Michel Leeb. Ah, Michel. Ah oui, voilà, oui, oui. Dans son imitation. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, Martial. J'ai un truc à te proposer. Tu veux pas collectionner les timbres plutôt que de. C'est une idée, ouais. Passion. Bon, Martial. Que je collectionne les timbres en plus. Martial, tu as été mauvais. Et est-ce que t'as le Marianne Vert de 1982? Parce que je le cherche depuis un moment. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, salut Martial. Alors, merci d'être passé en tout cas. Hein. Et à bientôt. Salut. Ciao à toi. Bye bye. Bon, on va récupérer Ameline là maintenant. Là. Ameline, t'es là? Oui, je suis toujours là. Bon, très bien. Alors, est-ce que t'accepterais que quelqu'un vienne te masser les seins? Si c'est toi, oui. Non, mais c'est gentil, Ameline. Oh, non. Écoute, t'as vu un peu quelle classe. Mais c'est ça, tu vois, moi contrairement à toi, je dois pas pleurer après. Tu vois, j'arrive pas, t'es un chien avec une langue jusque par terre. J'avais une question. Est-ce que tu partages la même passion que moi? Parce que si oui, ça m'intéresse. Oui, mais alors justement, mais en fait, je suis là. En même temps, oui, Polo est disponible. Hein. Mais même si c'est préventif pour un cancer du sein, par exemple, tu vois, c'est l'idée. En fait, on a vu ça dans. Oui, dans... Bah, pas de souci. Même si c'est mon médecin traitant, il y a pas. Mais de oui, mais moi-même, je suis un petit peu doc à mes heures perdues. En fait, c'est un nouveau service qui vient de voir le jour aux États-Unis. C'est des masseurs qui viennent à la maison pour prévenir le cancer du sein. Ça part d'un bon sentiment. Et pour le moment, ce n'est qu'à l'état de test, justement. Donc, Toff s'est évidemment proposé tout à l'heure d'aller justement faire des massages de seins afin d'aider les gens. Je suis excellent masseur, mais c'est d'ailleurs une de mes grandes qualités, donc je me dis qu'évidemment je peux importer cette technique en Europe. Voilà, c'est une bonne France, idée quoi. Et en Belgique, et voilà. Voilà, c'est énorme. Je peux y aller. Vraiment, ouais. Bah écoute Ameline, donc toi justement, ce serait bien une petite vérification quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est mais, médical. J'ai commencé par follow sur Twitter et puis tu pourras me... Mais oui, mais de toute façon, mais pas de problème. Tu me fais un follow, Ameline, et je te followerai avec plaisir, Ameline. Attends, il y a Hugo aussi qui dit Toff, c'est meilleur dans tout. Ouais, bah t'emballes pas non plus. Hein. Oui, merci Hugo, moi je t'aime. Hugo. Tu l'as pas encore vu se taper une meuf, hein, parce que au retour des meufs, c'est pas le meilleur à ce niveau-là, quoi. Grosse merde. Elle. Ouais, c'est pas le meilleur à ce niveau-là. Hein, paraît-il. Bah écoute, je ne dirai rien. Ouais, on a eu nous. Bon, en attendant, donnez vos numéros de téléphone là, pour que Toff puisse éventuellement appeler si vous connaissez des gens qui sont encore debout là, à 22h. Là, balancez vos numéros de téléphone. Dès maintenant, vous appelez Lilou et Kelly au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Ameline, on va parler avec toi dans un instant. Ne bouge pas. Et avant ça, est-ce que tu étais à l'écoute la semaine dernière là, de Pause Caca, de l'émission? Non. Après, on va croire que c'est le nom de l'émission. Hein, non, c'est Mickaël No Limit. Mais il y avait Toff en mode Pause Caca. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ça donnait ça. Alors, donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Mais je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Oh bah, c'était donc, sa petite histoire. J'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas, Grâce? Ah non, pas du tout. Hein. D'accord. Ah, bon. Et donc tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle. C'est que il y a pas de toilettes. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les exactement. Mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Pas que c'est ça. Et donc donc finalement au bout d'un moment, il fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je suis dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fils. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, là, t'es pas saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Ah putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'il y avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà, c'était la semaine dernière quand on parlait des pires rondes. Comme ça vous voyez d'où vient le pose caca, le scooter et tout ce qui va avec. Ouh. Bon Ableen, tu restes avec nous. Il y a Fanny d'ailleurs, attention, elle est sur le dos aussi. Fanny qui dit ah, je suis overpreneuse d'un massage, tout dépendra de la gueule du masseur. C'est bah, moi. Oui, il faut voir. Mais non, mais c'est un massage des seins, attention Fanny, hein, si jamais tu l'as pas entendu. Ouais. Thibaut qui dit Mickaël, quelle belle anecdote. Ah bah oui, ça c'est clair. Et Hugo qui dit pose caca, tu es dégueu là. Bah oui, mais en même temps ça vient de là le pose caca. Tu restes avec nous Ableen. Bon ben reste là, on va récupérer Virginie, il y aura la Yanis dans un instant, Romain également, qui est apparemment chaud pour toi, t'es là Romain? Oui je suis là. Intéressé par Ameline? Oh bien sûr. Mais oui, très bien, il ne bouge pas de là. Nous allons en parler dans un instant, Romain, ne bouge pas de là. Et puis je vous rappelle également qu'il y a toujours la vidéo de Martin Garrix avec la version Animal Boops. Donc c'est une fille qui fait bouger ses seins. Il n'y a rien de dégueulasse, hein. La meuf elle a juste une belle poitrine et un surtout beau décolleté. Et donc vous pouvez voir comment est-ce qu'elle fait bouger ses seins en rythme avec le son de Martin Garrix. Si vous voulez voir ça, ça se passe sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Je vous l'ai promis tout à l'heure aussi, il arrive. Le son de Calvin Harris sur Fun Radio avec I Need Your Love. C'est Mickaël, No Limits. On est là tous les dimanches soirs de 20h à minuit et toute la semaine également du lundi au jeudi de 23h à 2h. Faites passer le message sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, No Limits, 20h minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio de 20h à minuit et merci à tous ceux qui sont sur le Twitter là en train de taper le hashtag et Mickaël. On verra tout à l'heure qui sera le top tweetos ce soir, quel auditeur sera donc le plus influent sur le Twitter de l'émission en tapant le hashtag et Mickaël. Et puis merci également parce qu'on est en top tweet ce soir là, c'est très gentil de votre part. Et merci également à tous les nouveaux, il y a Manon là à qui je viens de faire un follow et qui met en attente. Alors valide-moi Manon là, me fais pas passer pour un con là, je compte sur toi. Nicolas également que je viens de follower également, Corentin, il y a Lucas également, il y a le Fayot, il y a Nicolas également, il y a Emilien, etc. à qui je viens de faire une demande de follow. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle que si vous me faites un follow sur le Twitter, eh bien je vous fais un follow également. Voilà, tout simplement, je vous follow back comme on dit. Pareil sur l'Instagram, vous tapez Mickaël officiel tout simplement. Pour prendre le contrôle de Fun Radio, un seul numéro, allez-y, il y a Lilo et Kelly au standard. 01 42 48 5000, appelez-nous puisqu'il y a Ameline dans un instant qui a une passion, c'est de s'envoyer en l'air. On va faire ça dans un instant. Et puis on va appeler Toff également puisque. On va appeler des meufs avec Toff dans un instant. Pour proposer un massage des seins. Bah allons-y. Attention, c'est médical. On fait ça après Calvin Harris maintenant sur Fun Radio. C'est I Need Your Love, c'est Mickaël, No Limits jusqu'à minuit. I need your love, I need your time. Calvin Harris sur Fun Radio avec I Need Your Love. Et qu'est-ce que vous êtes une bande de pervers quand même. Oh là là, ah, je dis pas ça par rapport à Ameline, mais quand je sais qu'on est quasiment. Vous avez été plus de 100, presque 100 000 pour l'instant. Et à mon avis, plus de 100 000 avant la fin de l'émission. Allez voir la vidéo avec. Tu l'as vu toi, Ameline, la vidéo du clip de Martin Garrix, la version Animal Boobs? Oui, je l'ai vu. Ah ouais, donc quand t'as la meuf qui a une belle poitrine, hein, je pense qu'on peut dire les choses. Voilà, qui donc est couchée, donc il fait bouger ses seins sans les mains, hein, donc il fait bouger ses seins sur le rythme de Martin Garrix avec Animals. Et donc, voilà, allez voir, hein, mais vous avez compris, puisque vous êtes déjà plus de 100 000 à être passé dessus, sur la vidéo, bien évidemment, et non pas sur cette femme-là, bien entendu. Bon, donc du coup, allez voir, facebook.com/mickaël officiel. Bon, évidemment, toi, tu peux pas, Ameline, toi, tu peux faire ça ou pas, toi? Si, moi, j'aimerais bien la faire, mais faudrait que tu filmes. Bah, il faudrait que quoi problème, viens. Il faudrait que je filme. Oui. Viens, bah, ça GoPro, c'est pas. On pourra faire au-dessus, en dessous. Toff, il se sent plus là. Viens, on a tout ce qu'il faut, viens. T'inquiète pas, on est équipé, on a 5 caméras au plafond aussi là, si tu veux. Allô, t'inquiète pas. Voilà. Ah bah attends, Réo. Je vais te mettre. Je vais faire la maquilleuse. Oui, voilà, c'est ça, il fera la maquilleuse. Il va préparer les seins. Il y a Mathias aussi qui dit repasse-nous un petit coup de la chanson avec le renard là, c'était énorme. Ah bah oui, attends une seconde, la chanson avec le renard, c'est celle-là, écoutez bien. En fait c'est pas avec le renard hein. C'est une chanson qui dit le chien fait waf, le chat fait miaou, l'oiseau fait couicoui, mais que fait le renard? Et puis après ça part en sucette hein. Alors on va vous le remettre dans le refrain là, ce sera peut-être plus simple. Voilà, le cheval fait u. Bon, ils font ça en anglais évidemment. Voilà, et que fait le renard? Et ils sont habillés en renard. Je vous ai mis le clip sur le Facebook de l'émission. Étrangement, ça marche un peu moins bien que les boobs. Hein. Bizarre, bizarre. Étonnant. Vous êtes moins excité à aller voir un mec habillé en renard que de voir une meuf en train de bouger ses seins sur le son de Martin Garrix. C'est normal, non? Étonnant, étonnant. Voilà, si vous voulez qu'on la passe tout à l'heure, hein, vous nous demandez, sinon elle est dispo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et quand vous voyez le grand-père en train de faire ouh, je pense que ça peut faire très peur. Bon, Ameline, alors toi tu nous avais appelé parce que donc toi ton kiff c'est t'envoyer en l'air. Et c'est bien. Voilà. C'est et ça, c'est très bien. C'est un choix. C'est un très bon choix, tout à fait. Et d'où vient ce kiff justement? Alors là, c'est une bonne question. Bah, vas-y, dis-moi. De ma première fois, certainement. Ok. Et c'était quand la première fois? Je devais avoir 16 ans. D'accord. Presque 17. Ouais, non, mais bon. Il y a 4-5 ans. D'accord. Et depuis, mais quand tu dis c'est envoyé en l'air, c'est-à-dire avec le premier venu ou tu cherches quand même, non, une fois que t'as non, un mec, non, tu. Non, tu... mais. Bah, pour vous dire, j'en suis à presque. Bah, j'ai eu une relation d'un an et demi à mes débuts, mais là, ça fait 3 ans, j'ai enchaîné plus de 50 mecs. Ah ouais, ça va, c'est raisonnable, ça fait un mec par semaine sur une année, c'est pas non plus. Ouais, bah, c'est bien. 51ème, sérieux. Je pense que ça s'adresse à toi. Attends, tu m'as parlé, Ameline, c'est ça? C'est à moi ou c'est à toi que tu parles? Je te proposais d'être le 51ème. Oh, écoute, c'est gentil, Ameline. Allez, vas-y, viens, Ameline, on va s'occuper de toi. Ouais, voilà, c'est ça, moi je suis un con, moi je suis fidèle. Un peu comme le 51ème état des États-Unis, mais qu'est-ce que tu peux refuser? Je suis un peu Hawaï. Voilà. Oh, tromper, c'est que quand ça se sait. C'est oui, c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi, Ameline, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, il y a que les imbéciles. Qu'est-ce qu'il est bien, ce Mickaël. Aïe, merde, je me suis pincé donc avec la chaise là. Putain, je me suis fait un mal de chien. Il faut appeler l'ambulance là. Je pense que je vais saigner. Ouais. Faut faire attention avec ces conneries. En fait, c'est ta copine qui te rappelle à l'ordre. Ouais, je pense, ouais, il doit y avoir de ça. Il doit y avoir de ça, à mon avis. Non, mais écoute, c'est vrai que la proposition est alléchante. Mais par contre, moi, je veux bien y lécher, hein, si ça va. Contrairement, t'es honnête, tiens. Message aussi qui est arrivé, il y a Jeanne Decor aussi sur le Twitter qui dit: je m'amuse avec un briquet dans mon lit en vous écoutant. Ça mérite un coup de pelle? Non. Ouais. Par contre, un coup de lance-flamme. Voilà, et Dédé qui dit: je veux bien masser les demoiselles, hein, si elles sont mignonnes, bien entendu, et évidemment. Ah oui, mais il y en a plein d'ailleurs. Il y en a plein qui doivent être en train de m'insulter, là, hein, Ameline, hein, à cause de toi. Ouais, mais je pense que Polo, il est chaud, il est disponible. Hein. Non, je dis, il y en a plein qui doivent être en train de m'insulter alors que tu m'invites comme ça et moi qui refuse, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il refuse pas, c'est un ami, il sait que je suis bouillant, voilà. Il m'offre le cadeau. C'est ça. Bon, voilà. Attends, il y a Romain qui est là. Salut Romain. Salut. Comment ça va? Très bien. Bon, bah tant mieux, hein, 26 ans Romain, toi. Tu voulais réagir par rapport à Ameline? Oui, avant, il y a Boobsman aussi, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, non, mais c'est qui? C'est un mec qui se déguise et qui s'amuse à toucher les poitrines aux États-Unis. Non! Je t'ai envoyé sur Twitter le lien de la vidéo sur YouTube. Tu me l'as envoyé en message privé, je vais le mettre. Non, en public, hein. Ah ouais, mais attends, parce que mec, comme... tu peux me l'envoyer par mail, parce qu'il y a tellement de messages, je les lis après l'émission, enfin, on les lit pendant. As-tu là, toi? Bien évidemment. Ah bon, c'est bon, alors très bien, bah t'en fais dessus, alors pas de problème. Bon, on va la mettre sur le Facebook, évidemment, avec plaisir, ouais. Très bien. Boobsman, parfait. Toff va faire Boobsman en. Écoute, j'aime beaucoup son costume. Ouais, sans déconner. Bon, il ressemble à quoi le costume? Bah, en fait, c'est un mec qui habille tout en rouge avec un masque, genre, tu vois, enfin, qui lui couvre tout le visage. Il a juste deux petits trous pour ses yeux. Et en fait, il a deux faux seins, genre, tu sais, pour fermer sa ceinture. Ouais. Et effectivement, il plotte des meufs. Voilà. Sympa. Les seins, c'est le meilleur, c'est ce qu'il dit. Bah, écoute, il a raison. Bon, Romain, toi, t'étais intéressé par Ameline, toi? Ah oui, surtout que moi, je veux bien partager sa passion, vu que je n'ai jamais pratiqué encore. Ah, toi, t'es puceau! Eh, hey, tu sais que c'est mon prochain fantasme, ça? Non! Non, je vous jure. Parce que toi, t'es puceau aussi, hein? Oui, moi, je n'ai jamais pratiqué. Moi aussi. Je ne sais pas à quoi ressemble une femme. Mais comment ça se fait que t'es encore puceau à 26 ans? Parce que bon, il n'y a pas d'âge, mais enfin, 26, c'est un peu tard quand même, non? Ah, ça t'est fait pas penser des choses, mais déjà, je commence à m'inscrire dans des clubs de sport pour aller près des gens. Je commence à aller mieux, moi. Ouais, mais est-ce que ne le prends pas mal, c'est une question, vraiment une question, hein, mais t'as un physique pas facile? Normal, je suis pas non plus un playboy, mais je suis pas non plus Quasimodo. Ah, je sais pas, mais non, tu sais, comme tu dis, voilà, écoute, c'est un peu par la force des choses que t'es puceau, donc je me dis, bah, peut-être qu'il a un physique pas facile, j'en sais rien, c'était une question comme une autre. Non, moi, je me considère comme normal. Mes amis filles, je leur ai demandé, elles me disent, t'es normal. Oh, ouais. Ameline? On peut la faire à la Mickaël, tu mesures combien? Non, c'est à la Toff, hein. C'est Toff qui pose ces questions, pas moi. À la Toff, ouais, mais c'est généralisé. Mais on peut la faire. 1m75. Tu pèses combien? 85. D'accord. Bon, on va garder la... On parlera en privé de tes mensurations. Non, moi je veux savoir. Bah non, oui, moi je veux bien savoir, je veux bien savoir aussi. Donc on t'écoute. Je passe pas trop mon temps à la mesurer. Non, non mais à peu près, tu vois, tu sais si ça fait plus 18 ou 15. Quoi, tu vois. Bah oui, tout le monde a mesuré. 15 quand même, parce que faut pas être menteur quand même. Non, ouais, c'est raisonnable, 15 c'est pas mal. Bon, t'inquiète, hein, chez moi elle fait 6, on s'en va bien, hein, 5, 6, ça va. Ok, sinon, tu m'enverras genre une photo et. Ouais, ça, en privé. Okay. Ah non, t'es chaud comme la braise, hein. N'importe quoi, tout va bien. Oui, bah oui. Non, mais t'as raison après, hein. Voilà, quand vous sortez couvert, tout va bien. Bah, il y a la 51ème place à prendre. Hein. Bah, et c'est ça exactement, Tof qui s'est fait jeter apparemment, donc. Bah, ouais, je suis assez déçu. Non, bah, ouais. Tof, t'inquiète. T'inquiète, mais je te garde une place en or, Tof, je te garde le 60. Eh ben, écoute, avec plaisir. 69. 69, je prends 69, avec plaisir. Bon, bah voilà, t'es pas venu pour rien, Romain. Hein. Ah bah oui, c'est cool. Hein. Bah voilà, très bien. Bon, reste avec nous, Ameline. Merci Romain, je te repasse Ameline en antenne, d'accord ? D'accord. Salut, à bientôt. À bientôt. Ciao. Eh, hey, Virginie ? Ouais ? Tu veux pas que Toff, il te fasse un massage des seins, toi ? Bonjour. Sors pas trop. Allez, attention, c'est uniquement pour ton bien-être personnel. Hein. Allez, c'est Virginie. Médical, hein. C'est médical. Rien de sexuel là-dedans, Virginie. Non merci, ça va. Oh, Virginie ! J'y mettrai du cœur, j'y en prendrai soin. Voilà. Que t'as posé la bouche pleine ? Ah, on est ravis de l'apprendre. Bon, bon appétit alors. Ouais, c'est ça, bon appétit. Bon, ben Virginie, bouge pas de là. Hein. Ameline, on va appeler des gens là maintenant pour voir si, comme toi, ils seraient ouverts à se faire masser les seins, hein, médicalement ouais, parlant, bien entendu. Hein. Nous sommes bien d'accord. Bon. Allons-y. Ah ben, on peut participer aussi. Hein. Bah oui, oui, bien sûr. Non, mais masser les seins quand c'est médical, ça c'est pas un problème. Hein. Bon, on y va, on appelle maintenant. Toff, t'es prêt ? Je suis prêt. Allez, suis c'est parti. Taquet. Bouge pas de là, Ameline, on va pas te perdre. Là, il y a Vic dans un instant qui voulait réagir. C'est parti, vérification maintenant donc de ce massage. Est-ce que ça intéresse les gens que Toff propose de masser gratuitement, bien évidemment, à titre médical. Allô. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à ta maman? Allô. Oui, allô. Ah. Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, voilà, en fait je vous appelle parce que je souhaiterais venir vous masser les seins. Non mais, vous êtes qui? Moi je suis Toff, madame. Et vous, qui êtes-vous? Mais je vais pas vous le dire, c'est quoi cette blague là? Ah, c'est pas une blague madame, en fait c'est une technique américaine qui va vous permettre de vous raffermir les seins, hein, donc ça va... Bien, ça va pas bien, on est dimanche soir, d'appeler les gens pour dire ce genre de truc, Ah non madame, mais attention, rien de sexuel là-dedans, hein, c'est vraiment juste pour vous aider à raffermir vos seins, à vous sentir mieux dans votre corps. Sûr, hein, donc d'accord. Voilà, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Non mais... Ah non, on peut pas prendre rendez-vous apparemment, non, mais c'est pas grave. Oui, non mais on va rappeler. Allons-y. Allez, c'est parti. Retour donc chez cette charmante dame qui ne veut pas se servir, je comprends pas pourquoi. C'est bien dommage. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Merde. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, et alors ? Ben en fait, je voulais voir comment on faisait pour le rendez-vous, pour le massage de ses seins. Elle est bonne, ta blague. Mais c'est pas une blague, monsieur, c'est une technique américaine. Mmh. Hein ? Et la technique de mon poing dans ta gueule ? Ben, enfin, monsieur, moi, je vous appelle pour vous proposer une technique américaine. Non, mais ou sinon, ma main dans ta gueule aussi. Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. C'est moi. Tu choisis, c'est ma main ou mon poing ? Alors maintenant, t'arrêtes ta comédie et tu rappelles pas. Bonne soirée. Il fait peur, lui. Hein. Un peu, quand même. Il est pas très sympa. Mais il fait un peu peur. Hein. Bon, Ameline. Oui. Bon, tout le monde n'est pas ouvert, apparemment. Hein. Comme tu peux le remarquer. Bon, ne bouge pas de là. On va reparler avec toi dans un instant. On va faire d'autres appels aussi dans quelques instants. Dites-nous si vous seriez intéressé éventuellement et si vous avez des numéros de personnes qu'on peut appeler dans un instant. On parlera aussi de films X. Tu t'y connais un peu ou pas dans les films X, Ameline? Ouais. Ouais, bon bah très bien. Bah, on va en parler dans un instant. Il y a Maxime aussi qui vient d'envoyer un message sur le Facebook. Je veux bien être le 51ème. Mais comme beaucoup à mon avis, hein, Maxime, hein, t'inquiète pas. Bon, on se fait Tapo et Raya, tu connais Ameline ? Comment ? Tapo et Raya, c'est ça. Avec Quit at el top. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Bon, on va se faire. Écoutez bien la chanson parce que moi j'ai l'impression qu'il dit Mickaël en plein milieu. Ah bon ? Bien sûr. Ouais. Ouais. Bon, on va écouter, on va voir ça juste après. 22h28, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun. Bonne soirée. Ouais. J'ai beau écouter, à quel moment j'entends Mickaël moi dans cette chanson là. Je sais pas si toi tu avais pris des substances illicites à un moment ou à un autre. Mais moi j'entends pas Mickaël en tout cas, c'est bizarre. Ah, il y a un message de Mickaël qui dit moi j'entends vraiment Mickaël, c'est bizarre. Ouais, bon bah d'accord. Aussi, hein. Ah, peut-être qu'il y en a qui a peut-être une autre oreille, je sais pas. En tout cas, ce que je vois c'est que vous êtes des gros pervers hein, avec la vidéo de Martin Garrix à la version boobs, puisque c'est une fille en fait qui a un beau décolleté qui fait bouger ses seins, mais sans les mains, sans rien. Elle fait bouger ses seins en fonction de l'air de la musique de Martin Garrix. Je vous ai mis la petite vidéo qui doit faire 30 secondes là, sur le Facebook de l'émission. Vous êtes déjà plus de 110 000 à être tombé dessus. Donc, enfin, être tombé, pas par hasard, on est d'accord. Hein. Facebook.com/Mickaël officiel. N'hésitez pas à aller voir, partager, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vous rappelle également que tout à l'heure, on aura le top tweetos, c'est-à-dire l'auditeur qui aura été le plus influent sur la page de l'émission ce soir. Si vous voulez venir nous rejoindre, eh bien, vous tapez Mickaël officiel sur Twitter. Vous me faites un follow. Moi aussi, je vous followerai avec plaisir. Je viens en follower une bonne cinquantaine là d'un coup. Vous faites pareil. Et puis, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël et celui qui sera le plus influent sera donc élu top tweetos tout à l'heure un petit peu avant minuit pour remplacer peut-être Let's Be Freaks hein, qui est quand même première depuis mardi hein. Mardi elle a gagné tous les jours en fait depuis mardi. On en est à le cinquième, c'est qui là? Je suis en train de faire un refresh là, mais enfin Let's Be Freaks c'est toujours Ouais, mais il reste une heure et demie d'émission. Ouais, mais pendant ce temps-là elle continue à tweeter hein, ouais, mais peut-être elle dormit, on sait jamais. Bon, Let's bref, Be Freaks va dormir. Bon, et numéro 5 c'est qui alors? Il y a encore 25% à charger. Ah ouais, il reste 25%. Bon, en attendant, il y a Mathias qui dit ouais, le mec dit Mickaël. Vous êtes sûr qu'il dit pas Quito del Top? Je sais pas quoi. Non, moi j'ai vraiment l'impression qu'il dit Mickaël. Hein. Bon, peut-être, je sais pas. Écoute, peut-être que ça me frappera la prochaine fois que j'écouterai le son, on sait jamais. Bon, Les Bill Freaks, il dit Polo est chaud là pour être le 51ème, il a pas peur. Il y a le Prince Indien qui dit Mickaël, hâte d'entendre l'appel que Top va faire pour proposer ses services en tant que masseur professionnel, ça va être bon ça. Bah oui, ça l'a été, il s'est fait raccrocher au nez comme d'habitude. Ouais, et puis Romain qui... Top. Ah ouais, Romain qui dit aussi tu peux mettre un coup de pelle à Lilou s'il te plaît. Écoute, avec plaisir. Hop. Voilà, dans sa tronche, comme ça c'est fait, Lilou qui est au standard et qui remplace Sandro pour l'instant. Pour la joindre et prendre le contrôle de Fun, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On a le numéro 5 là des top tweetos. Oui, j'ai parlé un peu vite au dernier refresh. Effectivement, elle avait beaucoup d'avance, mais il y en a un qui rattrape bien. D'accord, et numéro 5 c'est qui? Le numéro 5 c'est Kevin LR17. Kevin LR17, numéro 4 DJ Sick Boss. DJ Sick Boss, d'accord, ok, très bien. Bon, ben, à vous de jouer. Si vous voulez être le top tweetos ce soir, vous mettez le hashtag Mickaël un petit peu partout dans tous les tweets que vous allez faire ce soir. Et si vous êtes élu top tweetos, ce sera tout à l'heure un petit peu avant minuit sur Fun Radio. Qu'est-ce que j'allais dire? On a Yanis également dans un instant. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment vas-tu? Bah, ça va et vous? Bah, écoute, tranquille, hein, nous on est bien là, on est en mode TPR. Hein. Bon, ouais, ouais. Alors, t'appelles de l'Isère, toi, c'est ça? Ouais, Frontenat. Frontenat, très bien, ça se passe bien là-bas. Il y a quoi à faire à Frontenat? Oh, on boit l'apéro, beaucoup. Ah, putain, bel endroit. Hein. Ouais, ouais, bien sympa. Faudrait que je passe à l'occasion, moi, à Frontenat, si on boit l'apéro. Bah, j'imagine, c'est gentil en tout cas, Yanis. Bon, 20 ans, toi, tu nous appelles pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 20 ans, j'ai ma copine qui a peur de mon sexe. Qui a peur de ton sexe, c'est-à-dire? Ouais, bah en fait. Il est déguisé? J'atteins 19 cm et elle ose pas, elle a peur. Ça va, c'est pas... Bah, ça va, c'est pas non plus comme si on faisait 25 ou 30, quoi. Ouais, mais bon, enfin, elle est épaisse, mais je sais pas, elle a peur. Elle est épaisse. Elle a beaucoup de peau au bout. Ouais, voilà. Pardon? Non, mais qu'est-ce que t'appelles épais? Enfin, ouais, c'est plutôt une canette de Coca ou une canette de Red Bull? Coca. Oh, mec, attends, bah, t'es arrête, sérieux, là, c'est pas un tuyau. Non, mais peut-être pas, non, mais ouais, voilà, bah, oui. Ma copine a la peur, et donc... Mais est-ce que c'est pas parce que t'as la grosse veine qui fait le tour, là? Ah, ouais. Non. Ah, parce que dans... De... Ah, et là, c'est pas dans mes expériences de film de boule, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Même pas, parce que j'ai 20 ans et je suis encore plus haut. Ouais, mais ça change rien. Ça change... À toi aussi, décidément, c'est la soirée, hein. Bah, ouais. Ah non, mais enfin, je vais pas dire que c'est bien ou mal, hein, peu importe, mais bon. Mais il y avait un acteur, il avait une de ses veines, mais c'est-à-dire qu'elle était limite plus grosse que son gland. Ah non, c'était... Il dit n'importe quoi. Non, si, c'est pas possible. Non, mais sinon, elle était énorme. Fais attention au poste quelqu'un. Bon, allez voir, effectivement, ouais. Ah, il voulait s'exprimer, ça y est, c'est fait. Non, bon, ça m'a fait du bien, j'étais un peu content. Ameline, toi qui as déjà eu beaucoup de mecs, là, est-ce que t'es déjà tombé sur quelqu'un qui avait effectivement une grosse bite, en fait, tout simplement? Est-ce que t'en as eu peur? Est-ce que t'étais plutôt contente? Moi, je suis tombée sur de tout. Oui, j'étais contente. Genre le record. La plus grande, grosso modo. Hein. Je sais pas, j'ai pas calculé, mais je sais que c'était assez impressionnant et c'était désagréable parce qu'il savait pas du tout. Ça va juste. Mais c'est-à-dire parce que c'est nul. On fait comment pour s'en servir? Parce qu'une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. On sert de marteau, c'est ça? Non, mais il y a s'en servir et s'en servir. Je veux dire, le gars qui fait pas gaffe à la meuf et qui en a une grosse, je lui dis tout de suite, c'est pas agréable du tout. C'est... Oui, parce que le mec, il est persuadé que comme elle est grosse, justement, ça va lui faire plaisir. Ouais, voilà, fait alors, il se transforme en marteau-piqueur et puis au final, ça fait chier tout le monde. Ça pilonne, ça pilonne. Exactement, et c'est une horreur. Comme quoi, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a des gars qui n'en avaient pas une très très grosse et pourtant ils savaient s'en servir. Bah voilà. Mieux vaut une petite qui sait gérer qu'une grosse qui fait n'importe quoi. Petite, il faut se calmer. Donc voilà. Ouais, il faut que ça frotte les parois quoi. Un minimum. Bon. Voilà. Et Yanis, toi tu nous disais que t'étais puceau, mais ta meuf elle est puceau aussi? Enfin, elle est vierge? Non, pas elle. D'accord, ok. Bah écoute, à un moment, c'est à elle de prendre les devants. Enfin, moi après, je sais pas, hein, si ça vous est déjà arrivé, les filles, là, venez nous en parler. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Virginie ? Ouais, c'est toujours. T'es déjà tombé sur un mec, toi, qui avait un gros sexe ? Oh. Oh putain, ouais. Oh, ya. Genre combien, Virginie ? Franchement, j'ai horreur de mentir. Il a fait 21. Ah ouais, 21 centimètres, ouais. Ouais, mais c'est bien chez toi, parce que comme il y a un peu plus de distance avant l'entrée... Oh putain! Il est content, il a fait sa vanne, hein, Posiaka, ça y est, c'est fait. Hein. Voilà. Y a Mathias sur le Twitter qui dit Posiaka qui se chie dessus rien qu'à l'image, ça me fait kiffer. Et Mickaël qui dit Nick Toff avec ton lance-flamme, d'accord. Voilà, un bon coup dans la tronche, tiens, effectivement. Bon, Yanis, reste avec nous, on va demander aux filles, là, les mesdemoiselles, là, j'attends vos appels maintenant, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Tu disais, Virginie? Demandez à ma triste répondre à amie Amandine, elle parle tout elle aussi. Ouais mais c'est plus ta copine Amandine, non? C'est aller sur ma ligne de tir, la grosse la fille. J'entends rien, tu mets ton kit main libre, on comprend rien Virginie. Un instant s'il vous plaît. Et pourquoi tu fais pas depuis le début alors? Vas-y. Un instant s'il vous plaît. Oh là. Demande à Amandine. Pff, ok alors, remets plutôt le kit main libre. Amandine, Virginie. Oui. Bon, donc c'est plus ta copine Amandine. Mais ça ne l'a pas été de toute façon. Bah attends, vous étiez les meilleurs amis du monde, arrête en cinéma là. Vous vouliez partager un homme. Si, jeudi on vous a eu au téléphone, vous étiez les deux meilleurs amis du monde et vous vouliez faire un plan à trois avec Ludo. Et vous rêviez de coucher ensemble, toi. Exactement. Et Amandine. Mais c'était des conneries. C'est l'info. Parce que c'est l'info qui a été sur Twitter tout le week-end. Apparemment, c'était Virginie et Amandine, Love for la vie. Même Obama, il a reçu ce tweet. Ouais, Obama aussi, il a reçu le tweet, effectivement. Ouais. Bon, Yanis, reste avec nous. On va demander l'avis des filles dans un instant. Et puis, il y a également Vic qui est là. Salut, Vic. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquillement ouais, t'as 18 ans toi, t'appelles du 54? Ouais j'appelle du 54 ouais. Très bien, alors qu'est-ce qui t'amène? T'appelles pourquoi Vic? Ah pour faire un petit massage hein. Ah très bien, tu veux faire un massage à qui, à Toff? Avec plaisir, je prépare mes seins Vic. Non bah je préfère tes couilles alors hein. Oh écoute je les pose sur la table. Quelle classe. Oh y'a pas grand chose Toff hein. Ah non, on n'existe jamais hein. Merde. Oh, bah, oh là là c'est ridicule. On est deux petites noisettes. Bon et donc tu veux faire un massage à qui? À Emeline. Ameline, d'accord. Ameline, ah bah ouais. Oui, ah bah t'as du succès Ameline là ce soir hein. Bah écoute. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a Romain là qui est là, on va lui donner ton numéro de téléphone dans un instant. Et Vic, bah toi t'as pas un salon de massage toi, c'est juste comme ça, c'est gratuit, tu vas rendre service. C'est gratuit, quoi. Mais je peux faire un petit salon de massage, y'a pas de soucis, j'appelle des potes. Bah très bien, on va faire ça. Bon on va vous mettre en antenne et puis vous allez gérer ça alors hein. Ouais voilà, je peux faire une petite dédicace. Allez vas-y, à une seule personne, vas-y. À une seule personne, bah à mon frère Baptiste. Très bien, eh ben le message est passé, y a pas de problème. Salut Vic. Salut Romain, et restez au standard, hein. Puis bah voilà Ameline, tu vois, t'es pas venu pour rien, on t'a trouvé de quoi faire le 51ème, 52 et 53ème là. Bah c'est pas mal. Bah voilà, bientôt est à mon tour là. Moi je suis le premier hein. Ouais t'inquiète pas Vic. Non t'es pas vraiment le premier. Bah t'es pas vraiment le premier, mais de cette série là oui on va dire ouais. Bon bah gros bisous Ameline hein. Ouais, je suis dédié à Frankie Vincent, Zoom, Échec. Très bien, les messages sont passés. Salut Ameline. Bisous à tout le monde. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis on va encore faire quelques appels dans un instant avec Toff. Hein. Bah oui, allons-y. Bah oui, c'est parfait. Bah, on appelle encore maintenant là pour vérifier pour le massage des seins. Allons-y. Voilà, je rappelle qu'on est tombé sur une info qui disait qu'il fallait se faire masser les seins. C'était médical pour voir si on n'avait pas de problème. Je vais masser Toff après. Voilà, donc Toff a proposé de masser les seins de femmes. Mais oui, bon, avec grand plaisir. Ben j'imagine. Allez, c'est parti. Attends, on va rappeler, on va s'écouter Duxos aussi dans quelques instants sur Fun Radio. Et c'est parti. On appelle maintenant quelque part donc pour proposer encore une fois ce petit massage. Allez. Et allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voudrais vous proposer mes services. Là, ça commence à suffire. Pourquoi vous me dites ça? Non, mais vous arrêtez pas d'appeler, ça fait la quatrième ou cinquième fois là que vous appelez, il va falloir arrêter tout de suite. Ah non, pas toujours, enfin, pourquoi vous, c'est la première fois que je vous appelle? Non, non, c'est pas la première fois. Ah si. Moi, je vous appelle juste... Non, non, vous avez eu mon mari, là, entre-temps. Là, il va falloir arrêter tout de suite parce que c'est la police qu'on a appelé. Enfin, pourquoi, je comprends pas pourquoi vous dites ça, madame. Vraiment, je... Non, mais c'est quoi la blague, là? Mais c'est pas une blague, en fait. Je vous appelle parce que je veux vous masser les seins. Vous avez pas autre chose à foutre? Que de masser des seins, non, c'est mon métier. Ouais, d'accord. Vous avez un super métier, hein. Bah, je trouve aussi... Il y a beaucoup de gens, ouais, qui doivent vous faire confiance aussi. Bah, en plus, oui. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, oui, c'est un peu ma marque de fabrique. Non, non, mais il va falloir arrêter tout de suite, je vous le dis. Il va falloir arrêter d'appeler. Ah, d'appeler, mais je vais pas arrêter mon métier. Non, vous arrêtez pas votre métier, j'en ai rien à foutre de votre métier, mais vous arrêtez d'appeler, là. Bah oui, mais enfin, c'est pas très gentil. Non, mais vous arrêtez d'appeler, de déranger les gens, à cette heure-ci, un dimanche. Non, mais enfin, madame, soyez gentille. Non, non, non, ça me fait pas rire, c'est pas le bonjour. Bah, je suis pas là pour rire, madame, moi, je suis là pour qu'on puisse trouver un peu de travail ensemble. Ouais, mais bien sûr, j'ai que ça à foutre. Bah, si vous avez que ça à foutre en plus, alors. Ouais, bah bien sûr. Bon, bah on prend rendez-vous quand alors? Jamais. Oh, elle est désagréable! Mais en fait, on a rappelé la même là tout à l'heure, celle qu'on avait déjà appelée deux fois là. Ouais. Oh merde! Bon, bah, je comprends qu'elle soit un peu énervée. Mais tout de suite, dure 4-5 fois, faut quand même pas exagérer. Quel abus, on a appelé 3. Bah oui, voilà, grand maximum. Allez, restez sur Fun Radio dans un instant, on fera d'autres appels. Si vous avez des numéros à proposer, 01 42 48 5000, vous les proposez évidemment maintenant sur Fun Radio au standard, hein, et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et on va s'écouter dans un instant le son de Duck Sauce avec It's You. Et je vais vous mettre un post aussi sur le Facebook pour le meilleur film porno, titre de film porno que vous avez inventé ou que vous avez trouvé, voilà, des remix de films existants en version film porno. On en parle dans un instant sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Fun Radio. No limites. Mickaël, no limites. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, allez hop, venez balancer vos messages. Je viens de vous mettre la vidéo de Boopsman là, hein. On vient d'en parler à l'antenne là il y a quelques minutes. Boopsman donc qui est donc le mec qui passe son temps aux États-Unis à toucher les filles. C'est un petit peu le dieu de Toff. Grave, hein, on peut grave, voir ça comme ça. Je vais pouvoir faire ça aussi. Tu m'étonnes. Donc allez-y les filles, dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Boopsman justement? Enfin à la place des filles plutôt. Est-ce que vous lui mettriez une bonne claque dans la gueule ou pas? Comment ça se passe? Bah ouais, venez nous en parler. Et vous les mecs, est-ce que vous feriez pareil que Boopsman? Eh bien vous, je vous donne rendez-vous maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Pendant ce temps-là, vous êtes plus de 120 000 maintenant à avoir vu la vidéo que je vous ai postée là où il y a une meuf qui fait bouger ses seins sur le rythme de Martin Garrix avec Animals. Ça a donné Animals Boobs. Voilà, vous pouvez aller voir ça, on vous l'a mis sur le Facebook là, allez-y, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis bah, on va s'écouter le son également de Duck Sauce maintenant avec It's You. Juste après je vous cale aussi le son de Showtech sur Fun Radio. On l'avait demandé sur le Twitter tout à l'heure avec le hashtag Mikael. On fait péter ça maintenant, c'est Duck Sauce sur Fun Radio, c'est parti. Voilà Duck Sauce à l'instant sur Fun Radio. Et enfin ça y est, on va pouvoir le passer dans un instant. Ah, vous avez été nombreux à nous le demander là, le son de Showtech avec Booyah. Bon ben ça va arriver tout à l'heure, ça va rester bien là. Il y a Gangam Totor aussi sur le Facebook qui dit Mickaël, j'ai un titre si tu veux, c'est la vérité si je bande. Il est pas mal. Et Luc aussi qui dit j'ai déjà un nom de film, c'est Star Trek. C'est pas mal aussi. En film de cul, c'est Alexandre BBS qui dit en film de cul, il y a Joséphine Ange Catin. Fuck Fiction également pour Alenko, Yaku aussi. Vous me donnez le sourire au travail, merci Fun, balancez plus de son là. C'est François qui avait envoyé le message. Bah ouais, t'inquiète, Showtech qui arrive. Et donc je vous ai mis la vidéo donc de Boopsman sur le Facebook. Vous pouvez aller voir le mec qui plotte les meufs là. Et il y a Maxime qui dit il est polonais. Ah bon, bah écoute, c'était pas aux US tu m'as dit tout à l'heure, hein. C'est ce qu'il avait dit, mais bon, bah, peut-être qu'il est polonais aux US, on sait pas. Enfin, peu importe dans l'absolu, hein. Il est habillé avec une espèce de, enfin, bizarrement quoi. Allez voir facebook.com/mikaelofficiel et je vous ai également mis un post pour savoir quel est pour vous le titre d'un film X le plus drôle. Donc, on parle de titre de film X drôle, hein, pas de film en soi. Donc, balancez vos messages, on va lire tout ça en direct sur Fun. Vous allez sur le Facebook maintenant, facebook.com/mikaelofficiel, comme par exemple Blanche Fesse et les 7 mains. Allez, c'est au pays des pervers. Il y a Cédric qui dit un titre de porno. la Fion, à Fion la forme. Joséphine qui a envoyé aussi un message qui dit voici une liste de films pour une poignée de braquemars, Plus belle ma bite, Nick Bill également. Oh c'est bon ça. Il a des drôles. S'il y a des films qui n'existent pas, n'hésitez pas à en inventer hein, si vous avez de l'imagination là, pas de problème. T'as une idée toi Virginie, c'est quoi ton film porno préféré? Virginie, c'est quoi ton film porno préféré? J'écoute vos conneries, c'est tout. Ah oui, mais c'est quoi ton film? C'est quoi le titre de ton film préféré porno? Mais j'ai pas de film porno, moi. Arrête ton cinéma, Virginie, il a pas de centre nous. Hein. Virginie, y a pas de ouais. Arrête ton cinéma, là. Alors, c'est quoi ton film préféré, là? Mais j'ai pas de film porno, hein. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Bon alors, allez, fais pas ton cinéma là. Fais pas ton cinéma, dites alors. Fais pas ton cinéma. Allez, dis-nous. Allez. Alors, c'est Virginie. Quoi le, c'est quoi? Vas-y, dis-nous. On veut savoir. Nous. Qu'est-ce que t'as dit? Vous me dites de dire nous, je dis nous. Oh. Oh putain, je comprends rien. Oh là là là là. J'ai compris, faut que tu dises. Oh putain. Une porno que j'aime bien. Oh quelle est bête. Oh putain. Oh quelle est bête. Oh quelle est bête. Oh quelle est bête. Virginie, allez. Bon. Bon, elle veut pas, qu'est-ce que tu veux? Oh là, tu t'assumes pas Virginie, c'est dommage. Oh là là. Yannis, c'est quoi ton film porno préféré, en tout cas le titre? Le titre, j'ai pas forcément de titre, mais j'aime bien Katsuni. Ah, Marc Dorsel, ouais, c'est ça. Katsuni, ah bah bonne tu vois Virginie. Ça y est, on y arrive là, Virginie, elle commence à se lâcher, c'est bien. Bon, attends, oui. Il y a aussi Stéphane. Bonsoir Mickaël, bonsoir à toute l'équipe. Oh salut Stéphane. Ça va? Eh, hey, ça va et toi? Moi, 6 mois salope. Ah bah très bien. Fais-moi bondir, sortière. Très bien. Laisse-moi les couilles et après 6 mois le gland. Oui, c'est bien aussi, voilà. Stéphane. C'est oui. Bien aussi, Stéphane. Non, c'est pas aval, vrai. Calme-toi. Ouais, reste Nestlé. Calme, Stéphane. Tu vas nous faire l'infarctus. Suce-moi le tube Nestlé. Calme-toi. Suce-moi le tube Nestlé. Oh, bon, attends. Il y a Nicolas qui proposait Sperman, Analguédon, le gland bleu. Ah, c'est pas mal ça, le gland bleu. C'est pas mal le gland bleu. Bon, dites-nous si vous avez de l'imagination là. Vous balancez vos messages maintenant sur le Twitter, sur le Facebook. Vous tapez le hashtag Mickaël. Et puis je vous rappelle que tout à l'heure, dans une heure maintenant, on va faire, on va vérifier qui est le top tweetos, c'est-à-dire le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, en nous ajoutant évidemment, hein, vous tapez Mickaël officiel pour nous follower. Qu'est-ce qui se passe? Nini n'est plus première. Non. Alors, comme quoi tout arrive. Hein. Effectivement. Donc, je vous rappelle que c'est Let's Be Freaks qui était numéro 1 toute la semaine dernière et apparemment elle aurait lâché son trône ce soir. Eh oui. Contre toute attente, on verra qui sera le numéro 1 en tout cas. Donc continuez, balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël et puis on fait le top tweetos tout à l'heure, juste avant minuit sur Fun Radio. Bon, hey Stéphane. Ouais. T'as déjà vu le film, c'est Mathias qui propose ça, là, les 4 Fantasbites. Non, j'ai vu Emmanuel. Ah ouais, mais ça c'est vieux ça, Emmanuel. J'ai vu L'Empire des Sens. Ouais, il y a J'écoute aussi sur Twitter qui dit plus belle ma bite. Non, je vois pas. Tu vois pas? Bon, moi, je préfère en nature. Parce que si ça me bondait après, ça me masturbait. Bah, je comprends. Attends, Stéphane. Calme-toi, Stéphane. Stéphane. Sinon, il y a Cédric aussi sur Twitter qui dit boule et bite. Il y a Nathan qui dit New York, police du cul. Nicolas qui dit telle mère, telle fist. Ouais, mais Mickaël qui propose Alice au pays des lesbiennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme message? Putain, vous faites rigoler, je suis dans mon lit, je rigole tellement que je pleure. C'est Clara qui avait envoyé le message. Merci Clara, c'est gentil en tout cas à toi. Les trois petites cochonnes, c'est Florian, Marcel Pignol aussi, la chatte de ma mère. C'est Aleko qui avait envoyé le message. Kevin qui dit Phil X drôle, je dirais Fast and Fuck You. Ah ouais, c'est pas mal. Ou alors Cyrano de Vergerac. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Nico. Ouais, Steph. Moi voilà, je vais faire un jeu de mots. Ah vas-y. C'est bien de prévenir en fait. Ouais, c'est mieux que tu préviennes. Paris, Hilton, Perignon. Paris, Hilton, Suisse. Paris, Hilton. Il y a une Paris Hilton et une fille. Ouais. Oui, mais Paris, tu es à Paris. Ouais. Tu vas à l'hôtel Hilton. Ouais. Et tu défonces Paris Hilton. Oh là là là là. Ah ouais. La blonde dernière. Ah ouais. Les héritières, là. Ah ouais. Tu es à Paris, tu vas dans un hôtel. Tu défonces une blonde, c'est Paris Hilton. Ah ouais. Le spectacle, là. Ouais. Paris Hilton. Ouais. Ah ouais. Bien, Paris, c'est le temps de titre. Ah, ah ouais, ouais, Paris, ouais, ouais. Paris, on y va à l'hôtel. Ouais. L'hôtel Hilton, ton grand-père. Ouais. Après, hop. Oh là là, mets-toi à poil. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh. Ah ouais, ouais. Hé, hé, hé, Stéphane. Stéphane. Ouais. Je te présente Virginie. Ah, Virginie, salut, j'aime bien ces coups de gueule. Hop là, là, je pense qu'on est tranquille pour la soirée. Voilà. Alors, Virginie. Donc là, ils nous entendent plus, hein. Ouais, ouais, je suis là, ouais. Bonsoir, Virginie. Oh là là. Comment vas-tu? Ça va, Virginie? Au revoir, monsieur. Est-ce que tu suces? Est-ce que tu lèches? Est-ce que tu lèches? Ouais, c'est ça. Me faites pas devenir vulgaire. Est-ce que tu bois du champagne? Oh, pas, non, je consomme rien. Je te mets du champagne dans la chatte et je le bois. Bien sûr, c'est ça, ouais. Donc, t'es rêve, pervers. Vas-y, vas-y, oh, avec Virginie de Lille. Virginie, est-ce que tu es vierge? Mais je la vierge. Prout. J'aime bien une vierge qui me fait bonder. Oh là là, c'est ah mais ouais. C'est mais je pense que Virginie, ça peut être ta femme, Stéphane. Hein. Ah bah oui. Mais elle est coincée. Mais oui, parce que elle justement... Coincée, elle est coincée de la chatte. Parce qu'elle aime bien que tu lui mettes une petite claque. Comme ça. Je lui mets des fessées et des petites claques. Parfait. Tiens, tu le mets dans le cul. Bon, Stéphane, attends, reste calme. Stéphane, attends, bouge pas, Stéphane. Virginie. Ouais, je suis là. Est-ce que tu veux te marier avec Stéphane? Mais pas en rêve, je divorce sur le champ même. On est pas la fête. Mais pour divorcer, faut te marier. Bah oui. Bah mais pas en rêve, ouais, ça va pas, non. T'es sûr que tu veux pas te marier? C'est sûr et certain, non. Parce que Toff, il fera le prêtre. Ouais, je suis prêt. Je suis prêt à vous marier aussi, avec ouais, plaisir. Oh non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Oh là là. Bon, Virginie, c'est quoi ton film porno préféré? Oh là, elle vient de s'écrouler, là. Non. C'est quoi ton film préféré, là? Je réponds pas, je réponds plus à ça. Oh là là, oh, Virginie. Oh là là. Virginie, je vais finir par croire que Stéphane avait raison, hein. Hein? Bah ouais. Moi non. Ah si. Bon, on sait jamais, bon. Virginie. Ouais. Bon, Toff va encore appeler maintenant là des gens pour masser les seins là. Si jamais tu veux ton tour, n'hésite pas à prendre rendez-vous parce que ça cartonne. Hein. Ah ouais, là, il y a la file. C'est qui qui fait le massage? Toff. Les massages, c'est Toff. Oh merde. Ah bah oui, pourquoi tu préfères qui, Polo? Non, trop. Ah non, mais moi je peux pas, je suis pris là, Virginie là. On s'en fout. Bah non, mais c'est qu'un massage, Mickaël. Mais justement, ouais, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Et là, en plus, Virginie, là, je suis double, triplement pris là. J'ai froid, Mickaël, faudra que tu viennes me réchauffer. Là. Ouais, mais. Comment t'expliquer que. Mickaël, t'as un indice, comment j'en fais une, alors voilà quoi. Non, je peux pas. Je crois que Mickaël n'est pas bien. Non, je peux pas. J'ai des hauts de cœur là. J'ai hauts de cœur. Faut pas dire ça. Ah si, il faut. Je suis obligé là. T'es malade? Ouais, je suis malade. J'arrive. Je prends ma trousse et j'arrive. Ah, quoi, t'es infirmière? Non, peut-être pas. T'es peut-être pas. T'es infirmière ou pas? Non. Non, merde. Tu vois, j'ai besoin d'une infirmière moi. Ah ouais. Bah ouais. J'ai les capacités. Putain, je suis déçu là, je suis déçu. Bon Virginie, reste à deux secondes, on va appeler avec Toff là des gens pour le massage, d'accord? Allons-y. Voilà, donc je rappelle que tout à l'heure on a vu un article comme quoi apparemment masser les seins serait bon pour la santé. Donc on va évidemment directement téléphoner afin de prendre des rendez-vous et de proposer les services. Bah, allons-y, maçon. Allez, c'est parti. Il se prépare avant que ça sonne. C'est parti, on y va. Bouge pas Stéphane, hein. Allô? Oui, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je suis masseur pour seins et en fait j'aurais voulu vous proposer mes services. Mais vous êtes malade. Mais pas du tout. Merci. Mais non, c'est une technique américaine qui va... Bon, allez faire votre campagne chez quelqu'un d'autre, hein, bon. Ah, elle se raccroche au nez elle-même. Oui. Et ça c'est beau quand même. Je l'ai tellement saoulé. Ah ouais. Bon, on va la rappeler. Alors hein, on a dit que bonjour. Ah ben en plus, ouais, c'est ça, on lui a rien demandé encore en plus. On rappelle. Allez. Mais quoi, mais enfin? Oui, mais on a été coupé, on n'a pas eu le temps de prendre rendez-vous pour le massage. Oui, mais je m'en fous de ce massage, là-haut. Bah non, enfin, attendez. Mais vous ouvrez votre salon, vous faites ce que vous voulez, et ensuite vous aurez vos clients, mais vous commencez pas à m'appeler par téléphone comme ça, hein. Bon, faut se calmer, maintenant, allez vous faire foutre, au revoir. Ah, écoute, c'est terminé maintenant. Hein, t'as compris? Arrête un peu, s'il te plaît, tu me fais chier. Hein. Bon, elle était sympa, la petite là. C'est plutôt bien. Bon, Virginie, on va dire quelques petits messages encore là, encore qui sont arrivés là, notamment par rapport au film porno. Il y a Jules, puisque je vous avais demandé si vous connaissiez les titres de films assez drôles en l'occurrence, films porno bien sûr, ou des parodies de films. Il y a Jules qui dit pour le film porno, je dirais Le Camping des culottes bleues. Pas mal. Lisa aussi qui dit Le Seigneur des Anus. Il y a Angelo qui dit Very Bad Baise. Il y a Greg qui dit Il faut sauter le soldat Ryan. Oh, c'est bon. Maxime qui dit Blanche Fesse et les 7 mains. Ah, je l'avais déjà proposé. Ouais. Virginie, j'aime ta voix. Hey, Virginie, il y a un mec qui est chaud après toi là. Allez, sérieux ? Il s'appelle Maxime, apparemment. Il vient d'envoyer son message. Oh, bah c'est bien. Ah ouais, bon, on va peut-être te le présenter. On connaît Maxime, en plus on connaît. Hein. C'est ah ouais, c'est... Ah, ça, Maxime, ouais. Ça va peut-être faire des petits, ça, non ? Bon, ça va pas, non. On sait jamais, hein. Des petits, non, ça va pas, non. Bah ouais. Il arriverait ouais, comme ça, hop, une petite relation sexuelle. Bah, je vous stoppe là, attention à ce que vous dites. Hein. Non, mais c'est vrai. Petite relation comme ça. Et au fait, n'essayez pas de me faire dire des grosses fiertés. Hein. Mais c'est pas notre but. Non, on n'est pas comme ça, non. Mais non. Mais non. Mais on est des anges. Bien sûr, c'est marqué sur notre front, nous sommes des anges. Voilà. Il y a David aussi qui dit j'en ai un bien là. Change de trou, ça fume. Putain, la classe. Le seigneur des clitos aussi, c'est Gaspard qui vient de proposer ça. Ou encore David qui dit j'en ai une bien là. Ah oui, je viens de la lire, pardon. Dédé qui dit pour un autre film de cul, il y a aussi Rodéo et Juliette. Gino qui dit mille et une putes, Biroute des Caraïbes, Dragon Bullix, c'est pas mal aussi ça. Davinji Code, Alexandre BBS qui dit Robinson Sus Zoé. Alien Co aussi qui dit Harry Potter avec Toff. Et alors Dédé qui dit pour un film de cul non sympa, tu peux avoir Dédé, le fion de la rombière Kouaï. Ah, le fond de la rombière Kouaï, pas mal. Et Alexandre BBS encore qui dit chérie, j'ai agrandi les godes. DJ Boubru encore là qui arrive avec Anal Police d'État, m'habite à deux yeux. C'est Quentin Snix qui avait envoyé ça sur Twitter. Et puis après Sex in Black, c'est Antoine qui avait envoyé le message. Bon, mais allez-y, hein, soyez bons comme ça, vous êtes pas mal avec tes nouveaux titres de film X. Mais Virginie, tant que t'es là, tu restes avec nous ? Bah bien sûr. Et je sais pourquoi tu restes, Virginie. Pour ? Parce que tu es une coquine, parce que Stéphane est là, il dit l'intéresse. Pas bien, non. Un Stéphane. Oui, c'est bien. Un Stéphane. Oui, ça m'intéresse. Mais c'est pour ça qu'elle reste, c'est parce qu'elle est en kiff sur toi, Stéphane. Elle a une voix charmante et excitante. Elle est bondante. Une fille comme ça. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal, Stéphane. Tu la kiffes bien. Mais oui, t'as raison. Déjà, je bande. Ah, tu bandes déjà, donc tu es rapide, toi, Stéphane. Déjà, je vais lui essayer de boire le jus de ma carotte. Parfait. Bon, Stéphane, merci à toi. Bouge pas, on aura Virginie dans un instant de retour. Je vous rappelle également qu'il y a le top tweetos tout à l'heure avant minuit. Et attention, ne loupez pas le rencard également sur le Facebook. Là. Eh bien, balancez vos titres de film X sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter. Vous tapez Mickaël officiel. Et je vous ai mis également la vidéo de Boopsman, le mec aux États-Unis qui arrête pas de ploter les filles. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à cette place-là, justement? On en parle dans un instant. On va récupérer Yanis, qui est encore là, Yanis, avec son problème là, qui appelle de Frontena, donc qui est complexé par son sexe car il fait 19 cm. Du coup sa copine, ta copine a peur en fait, c'est ça? Ouais, elle a peur. Elle a peur d'avoir mal. Et donc du coup j'allais vous demander justement est-ce que vous étiez déjà tombé sur des mecs avec des tailles de sexe un peu démesurées, les filles? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu mal? Comment vous avez géré ça? On en parle ce soir en direct sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour prendre le contrôle de la radio. N'hésitez pas, on est là jusqu'à minuit, du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche soir de 20h à minuit sur Fun Radio. Restez bien là car dans un instant je vous cale le son de... Le son de Showtek sur Fun Radio. Showtek avec Booyah, c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun, son que vous avez découvert ici. Je vous rappelle qu'on est encore là jusqu'à minuit, encore une bonne heure là. Vous balancez tous vos messages en direct, hein. Vous mettez le hashtag Mickaël partout ou vous balancez un message sur le Twitter. Et puis si vous avez envie d'écouter un son là aussi, hashtag Mickaël. Et puis vous mettez le son que vous avez envie d'entendre, je vais y arriver. 23h08, en direct jusqu'à minuit, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Mickaël, appelez Mickaël, No Limit, 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Hello. Mickaël, No Limit, 20h minuit sur Fun Radio. Et oui, et si je parles, ça ira mieux. Hein. On est en direct sur Fun Radio 01 42 48 5000. Venez parler avec nous. Faites-nous également un petit follow là sur Twitter et je vous ferai un petit follow à mon tour. Pareil sur Instagram. Venez nous rejoindre. Vous tapez M-I-K-L officiel. Voilà. Tout à l'heure, il y aura plein de messages aussi. D'ailleurs, que je vais lire dans un instant. Joséphine, il y a Felipe, etc. qui balance plein de titres de films X, hein, des films X drôles. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager, bien sûr, ces genres de titres sur le Facebook notamment. Facebook.com/MIKL officiel. Yanis dans un instant qui est complexé par son sexe qui fait 19 cm et c'est surtout sa copine qui en a peur. Voilà, donc si vous êtes déjà sorti avec des filles, avec des sexes démesurés les filles, venez nous en parler, dites-nous comment ça s'est passé, ou inversement, s'il était vraiment super petit, venez aussi nous en parler. Je compte sur vous et je vous attends mesdemoiselles. 01 42 48 5000, vous nous appelez d'où que vous soyez en France. Et puis vous tomberez sur Kelly et sur Lilou au standard. 23h10, toujours en direct dans toute la France. C'est Mickaël No Limit tous les dimanches en direct sur Fun Radio entre 20h et minuit. On va se faire le son de Showtech maintenant. C'est Booyah. Ah, il est au top, le son de Showtech à l'instant là, vous avez découvert la semaine dernière. Non, c'était pas jeudi dernier, jeudi encore avant. Showtech avec Booyah sur Fun Radio. Et plein de messages qui arrivent aussi pour dire qu'ils ont bien kiffé. Bah tant mieux. Plein de messages aussi qui arrivent par rapport au film porno là. On va faire ça dans un instant sur Fun Radio. On va récupérer Virginie. J'ai besoin également de vous les filles là pour avoir un avis, pour donner un conseil plutôt par rapport à Yanis qui il a un sexe un peu trop grand a priori. Et le problème c'est que sa copine en a peur. Et donc du coup je voulais savoir les filles, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui avait un sexe démesuré? Voilà, venez nous en parler maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je compte sur vous pour balancer tous vos messages. Bon, avant ça, on va récupérer. Où est-ce qu'il est? Yannis, toujours là? Ouais, je suis toujours là. Bon, parfait. Faut juste que je vous fasse écouter un truc. Toi aussi, tu me diras peut-être. Hein. C'est un truc de fou que j'ai vu à la télé en fait. Je sais pas si t'as déjà été fan d'un groupe ou d'un artiste. Moi ? Ouais, est-ce qu'il y a un artiste, un groupe, je sais pas, un acteur dont t'es fan ? Bon, pas spécialement. Pas spécialement ? Bon, alors non. Venez me dire justement ce que vous avez déjà fait de plus dingue pour votre star favorite par exemple. Alors dites-moi aussi si vous auriez pu faire par exemple comme eux là. Écoutez bien, c'est un truc improbable, écoutez bien. C'est un village de tentes abritant une centaine de personnes. Il s'appelle Mickaël, Vassili ou Emmanuel. Et au matin, le réveil est un peu difficile. Ouais. La chanson auquel vous pensez le matin quand vous vous réveillez, c'est laquelle ? Désenchanté. Ce matin, c'est Désenchanté. Pour être devant Mylène Farmer et croiser son regard et être au plus près des émotions, de tout. On se reconnaît là-dedans, dans ses chansons, on reconnaît tout ce qu'elle dit, on est un peu comme elle en fait. Donc voilà. J'aime bien Mylène. Voilà, des fans de Mylène Farmer donc qui sont prêts à dépenser une blinde et puis en plus de ça à rester des jours à être avant le concert quoi pour la voir. C'est ils un sont mal 25 jours ils sont restés. 25 jours, c'est un truc de psycho, t'imagines ? Ils sont barjots. Non mais 25 jours pour la voir alors qu'elle s'en bat les couilles, hein. Elle va passer devant, elle va dire ok. S'ils ont du bol, elle va leur adresser un mot, mais 9 chances sur 10 que dalle quoi. Donc je voulais savoir si vous étiez fan d'un artiste, d'un groupe, d'un acteur, ou même d'un objet. Parce que là aussi j'ai vu ça, cette info, vous savez que mardi, enfin pour ceux qui suivent en tout cas, il y a la réunion, la keynote de chez Apple, et donc ils vont probablement lancer un nouvel iPhone. Et donc il y a déjà des gens devant l'Apple Store à New York qui sont déjà qui ont déjà planté leur tente. Alors que l'annonce ne sera faite que mardi et qu'après il faudra compter encore 10 jours de plus à peu près avant qu'ils sortent. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà là depuis ils savent qu'il y a au moins 15 jours d'attente où ils ont planté leur tente à New York et ils dorment là pour être sûr d'être les premiers à avoir le téléphone. Quoi. Ils le font souvent les Américains, même pour des paires de baskets. Tout, hein, quand ils sortent les nouvelles genre Air Force One avec des nouveaux logos dessus, c'est juste une tuerie, hein, les mecs ils font des fils et des fils pour ça. Donc dites-nous si vous avez déjà été fan au point de faire ça, genre des One Direction de l'époque, des Tokyo Hotel par exemple. Non mais c'est vrai, il y en a qui ont peut-être vieilli depuis, qui étaient fans de ce groupe là, même si aujourd'hui je ne sais plus qui ça s'est passé. La dernière nouvelle qu'on a eue des Tokyo Hotel, c'est le mec, le chanteur qui avait démonté sa BM avec un tramway je crois. Mais depuis c'est tout. Tu te souviens encore des Tokyo Hotel, Yanis? Ouais, j'ai entendu parler de ça, mais c'était pas trop mon truc. Non, bah c'est sûr, hein, c'est clair. Bon bah dites-nous, voilà, donc dites-nous si vous étiez fan à un point bien particulier. Et Lilou au standard, elle est fan de quelque chose? Oui, de toi. Oh, c'est gentil. Il y avait une chance sur deux, hein. C'est soit pour nous, soit moi, elle allait dire. Ouais, depuis qu'il a mis son espèce de truc léopard là sur ses épaules là. C'est mon foulard de grand-mère. Ah, classe. Mets-le toi sur la gueule qu'on voit. Ah, elle est belle, Lilou. Non mais sérieux, t'as déjà été fan d'un groupe, d'un artiste, de quelque chose? Oui, de Grégory Le Marchal. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, faut parler, faut pas me laisser toute seule. Lance-flamme, coupe-pelle, bazooka. Le tout de suite qu'on lui passe dessus au paquebot. Je crois qu'elle a tout mérité là. Ah là, ouais. Non, mais t'es sérieuse. Ouais, attends, genre j'avais trop de posters et tout dans ma chambre. Oh, j'allais deux fois au concert. Oh la honte. Oh là là. Ah, tu me dégoûtes, Lou. Moi qui t'aimais tant. Alors qu'on la connaît depuis qu'elle est toute petite. Ouais, on croyait que c'était une fille bien, nous. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, t'es encore fan? Enfin, bah, même s'il fait beaucoup moins de choses, mais. C'est compliqué parce qu'il a plus beaucoup d'actifs. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Tu peux toujours être fan. Oui, tu peux toujours être fan. Et il y a plein qui sont fans de Claude François encore, hein, les vieux. Oui, oui, non, c'est sûr. Non, c'est fini. C'est, ah, c'est terminé. T'as passé, t'es passé à autre chose. Et toi, Lionel, qui est avec nous, là, 28 ans, là. Salut, Lionel. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va, mais gaffe, je suis au boulot là. Ah merde, tu fais quoi? Je suis agent de sécu, je suis rondi. Oh, ça va, agent de sécu, c'est bien parce qu'en général, il se passe pas grand chose. Bah oui. Ça dépend où t'es. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà là, par exemple? Ah, c'est. J'ai fait un site une fois où je suis arrivé dedans en fait, pour une alarme. Et en rentrant dedans, je pensais qu'il y avait personne et j'ai été surpris. En fait, il y avait quelqu'un qui était en train de dévaliser le magasin. Mais tu vois, c'est ça le problème des alarmes. Hein. C'est-à-dire que t'as tellement l'habitude qu'elles sonnent pour rien que lui, il y a une alarme, ah oui, il y va et il dit j'ai été surpris de tomber sur des mecs. Bah non, si l'alarme sonne normalement, c'est qu'il se passe un truc. Bah ouais, mais on va faire sur 120 heures, on a un truc au pire où il y a quelque chose de réel. Quoi. Enfin, tu ah vois. Ouais, tout le reste, c'est des alarmes qui sonnent pour rien parce qu'il y a une mouche qui est passée devant, parce que je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou genre, ah, excusez-moi. J'avais oublié d'enlever le code. Ah merde, ouais, bah du coup on s'est déplacé pour rien quoi, hein, espèce de con. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas curé, donc ça va. Ouais, je me doute, mais enfin c'est relou quand même quoi. Bon bah écoute, bon courage, hein, t'en as jusqu'à quelle heure là ce soir? Ouais, jusqu'à demain matin à 8h. Ah ouais, mais c'est super long là, t'as commencé à quelle heure? Ah bah à 8h, je fais 12h. Ah putain, 12h non-stop, putain ouais. Ah bah ouais, courage c'est mec. La sécu, c'est 12. Ah ouais, 12, ouais, bah écoute, bah bon courage hein, Lionel, jusqu'à demain matin à 8h là. Bah ça va, quand vous êtes là jusqu'à minuit c'est cool, mais après il reste 8h quoi. Bah ouais, mais t'as de la chance, la semaine on l'a jusqu'à 2h. Ouais ouais, c'est vrai. C'est encore mieux hein, c'est... Bah hey, c'est ouais, ça c'est. Bah oui, bon, est-ce que t'es fan d'un groupe, toi en particulier, d'un acteur, quelque chose? Bah moi c'est un son assez spécial, donc vous allez pas sûrement pas connaître. C'est quoi? C'est Messouille, je sais pas si vous connaissez. Messouille? Mécouille, non c'est Mécouille. C'est quoi, c'est quoi Messouille? Il est hyper connu, c'est du son Artec un peu. Artec, ah non, je connais pas du tout. Et donc toi, t'es fan, t'es pas fan au point d'aller mettre ta tente là 15 jours avant son concert? Bah y a pas besoin, même l'artiste, si tu veux le voir, tu y vas, il te parle quoi. Bah j'ai son numéro, on va à 06, attends, je vais te le donner si tu veux, hein, tu peux l'appeler, y'a pas de problème. Non mais, parce que tu sais, c'est comme quand tu vois dans Confessions Intimes, c'est les mecs qui sont fans de Sardou, de Johnny Hallyday, etc. Ouais, les mecs, ils ont tout. Mon père est fan de Johnny. Ah mais ouais, mais au point de mettre des horloges, tu sais, avec la gueule de Johnny Hallyday, j'ai encore vu, hein, c'était sur NT1 ce week-end, c'était samedi je crois, samedi soir sur NT1, il y avait Confessions Intimes, l'Ardif, j'imagine, ouais. Enfin oui forcément, et donc il y avait une meuf qui était fan de Sardou, elle avait un coussin, son oreiller, en fait, il y avait Sardou dessus, et en fait c'était un couple, lui était fan de voiture de Formule 1 et l'autre de Sardou, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient un drap de lit, si tu veux, tu sais, les coussins, tout le bordel, les draps, d'un côté c'était Formule 1 avec les noms des coureurs, l'autre côté t'avais la vieille gueule de Sardou. Oh putain, mais c'était horrible. Mais pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'était il y a 15 jours, il y avait une fan d'Elvis. Ouais. La meuf, elle a un caleçon d'Elvis certifié porté. Oh, mais avec la trace de freinage ou pas? Ouais, enfin il est un peu jauni et tout, tu vois, il est encadré et tout dans sa chambre. La meuf, elle dort avec ça au-dessus de son lit, quoi. Mais quelle horreur, quelle horreur. Les vrais fans, ils sont dégueulasses. Ouais, mais t'en as, ils sont ouf. Il y a Elise aussi d'ailleurs sur le Twitter qui dit j'ai fait la queue plusieurs heures pour des places pour les One Direction, mais j'étais pas fan. Ah bah c'est encore pire alors. Il y a Mathias qui dit moi je suis fan du groupe Slipknot et j'ai plein de posters, tous les albums et encore plein de photos. Ah ouais, c'est vrai. Bah, Slipknot il faut aimer, j'aime bien une ou deux, mais après c'est un peu trop bruyant. Il y a Laurine qui dit je suis fan d'Emma Watson, de Britney Spears, de Miley Cyrus, d'Emmanuel Moir, mais pas au point de faire des trucs de ouf pour eux quand même. Qu'est-ce qu'il y a aussi, le Prince Nadia qui dit Mickaël, moi c'était les G-Squad, les 2B3, les 3T. Alias, j'étais à fond. Bon, j'avais 17 ans. Oui, bon. C'est pas une excuse. Allez, si, on va dire que c'est excusé parce que voilà. Et Jen qui dit fan de Tokyo Hotel et fidèle au poste et un peu grâce à toi. Bah ouais, mais bon, et si encore quelque chose aujourd'hui, il se passe encore quelque chose là. Bon, dites-nous hein, d'ailleurs, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, dis-moi Lionel, tu nous appelais pour quoi toi à la base? Bah moi je vous ai appelé pour deux choses en fait, pour parler au gars là qui a un problème avec sa copine, avec son sexe de 19 cm. Ouais bah il a pas vraiment un problème, c'est plutôt elle qui a un problème avec hein. Bah après moi c'est ce que, enfin je sais pas, j'ai 28 ans, j'ai peut-être un peu plus d'expérience que lui, mais si tu vas en douceur avec ta copine au départ et que tu prépares bien entre guillemets, ça se passe correctement. Ah ouais mais lui je pense qu'il en est convaincu, tu me dis si je me trompe Yanis hein. Mais c'est elle en fait qui est terrorisée. Ah bah c'est elle, ouais. Elle, elle m'a dit, elle avait eu deux copains avant, et en fait, ils avaient une petite bite, et du coup, bah, elle a peur, et on a essayé, mais non, elle a peur, elle bah. Peut pas. Et attends, il y a aussi Camilla aussi qui est là, salut Camilla. Salut. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bon écoute, tranquille hein, Camilla, là, pépère, hein, tout va bien, t'appelles de Lille toi? 59? Oui, oui. En pleine ouais, forme ouais. Est-ce que tu connais Virginie? Non. Ah. Vous devriez vous rencontrer, vous n'êtes ah, pas oui. loin. Ah Virginie. Ouais. Et en plus, Camilla, Virginie est prise hein, par Stéphane maintenant, ils sont en couple. Ça va pas la tête. Mais si, hein Stéphane. Où t'es Virginie, où t'es Virginie, où t'es Virginie, où t'es Virginie, où t'es Virginie, où t'es Virginie, où t'es où t'es Virginie, où t'es bon. Où t'es maman, où t'es viens si c'est mon lait. Oh Stéphane, je te mets avec Virginie au antenne là, bouge pas. Bon Camilla, dans un instant tu vas nous donner des petits conseils aussi, enfin pas des conseils mais ton vécu par rapport à Yanis, c'est ça, par rapport au fait que tu serais peut-être déjà sorti avec des mecs qui avaient des tailles de bite indémesurées, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, ah bah bouge pas de là, on va en parler dans un instant. Lionel, tu restes là, Yanis également, Camilla, bah pareil du coup. Et puis on va encore faire un petit appel, Tof, là. Allons-y. On va vérifier si tu es toujours le bienvenu pour aller faire un petit massage des seins des femmes. Mais je suis toujours le bienvenu. Évidemment, regarde, tout ça. J'ai été accueilli à bras ouverts. Je n'irai pas jusque-là, mais ah bon. Bon, on appelle, c'est parti, t'es prêt? Allez, allons-y. Allez, je rappelle que tout ça est médical, nous sommes tombés sur une enquête qui disait que c'était très très bien de faire un massage des seins afin de vérifier si tout était en ordre. Attention, il y a une technique. Et évidemment qu'il y a une technique, technique que tu connais. Que tu connais. Que j'ai été apprendre là-bas, of course. Bien entendu. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Voilà. Allez, puis on aura Vichy aussi tout à l'heure avec Wake Me Up. Et puis si vous voulez choisir un son, n'hésitez pas, hashtag GameMikael sur Twitter. Alors, y'a plus personne ou quoi? Il est tard. Hein. Ouais. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui? Oui, en fait, voilà, je vous appelais parce que je voudrais proposer mes services à votre femme. Service de quoi? Ben en fait de massage de ses seins. Pardon? Non, c'est pour lui masser les seins. D'accord, bah pas de problème. Ah, je vous la passe. Ah ben très bien, c'est gentil monsieur. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Non, je vous la passe et je raccroche. On va le rappeler, il a certainement fait une mauvaise manip puisqu'il oui. était ouvert à te la passer. Bah oui. Bon, allez, c'est parti, on rappelle. Allez. En plus il était d'accord, c'est quand même dommage. Bah oui. C'est vraiment con, quoi. Je vous la passe et plus rien. Bah, c'est ça. Ah bah, il décroche plus. Oh non. Ah bah, super. Oh non. Bah, si, ça, c'est l'air d'être, toi. Genre, ils sont plus là, tiens. Ah bah, non. Bienvenue sur la boîte vocale. Oh merde! Allez, putain, mais on trouvait oui, quelqu'un de bien on était, là! On était bien, on était. Putain, je suis déçu. Ah oh, oui, moi aussi. Bon, on fait encore un? Allez, on y va. On appelle chez quelqu'un d'autre. Merci pour vos numéros hein, que vous avez envoyés là tout au long de la semaine dernière, etc. On garde tout en stock ce soir également, bien sûr. Si vous avez des numéros de gens qui sont réveillés assez tard, hein, n'hésitez pas, bien sûr, à nous transmettre tout ça. Allez, c'est parti. On s'en fait encore un petit là. Et peut-être qu'on en fera encore un autre avant minuit, je sais pas, on verra. On verra comment ça va se passer maintenant. Si on se fait encore agrochonner, peut-être qu'on appellera, on verra. Bah là, il n'y a personne, de toute façon, comme ça c'est fait. Ah. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voudrais vous proposer mes services. C'est qui? C'est Tof. Hein? Je dis, je m'appelle Tof. Et je voudrais venir vous masser les seins. Je comprends pas. Je dis, je voudrais venir vous masser les seins. Ah. Je comprends pas du tout. Mais en fait, je voudrais venir vous palper les seins avec mes mains. Faire un massage. Ah. Voilà. Ok. Et je voulais savoir quand vous étiez disponible. Ok. D'accord. Et quand alors? Demain. Demain, bah très bien, je passe demain. Ok. Parfait. Et ben à demain alors. Ok, à demain. Merci beaucoup. Hein. Vous allez passer à quelle heure? Bah je sais pas, qu'est-ce qui vous arrange? 14h, 15h? Oui, ça va. Eh ben très bien, je viens alors. Okay. Merci beaucoup, hein. Okay. Je vais bien vous faire ça bien, je vais bien vous masser les seins. D'accord. Allez, une bonne soirée. Ok, bonne soirée. Eh ben, voilà. Ça y est, on a eu le client, là. Voilà, j'ai mon premier client. Parfait. Je pense qu'elle a pas bien compris le concept, mais... Ah, pourtant, j'ai dit masser les seins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, on verra, hein, tire à voir, hein, puis tu nous le diras. Bah oui. Bon, bah très bien. Allez, retour avec Stéphane dans un instant. Il y a Yann qui voulait réagir aussi. Camille, Lionel, Yanis et Virginie, tout ça c'est dans le standard et on va les reprendre dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis en attendant, on s'écoute le son d'Avicii maintenant. C'est Wake Me Up, on l'avait demandé tout à l'heure. Vous avez remarqué que je n'ai pas oublié, personne ne me l'a rappelé. Avicii, c'est maintenant sur Fun. Mickaël, No Limit jusqu'à minuit, bienvenue. Feeling my way through the darkness. C'est Fun Radio avec Avicii, Wake Me Up à l'instant là. Et si vous voulez voir, des auditeurs sont passés nous voir ce soir là, vous pouvez aller voir ça maintenant sur le Facebook de l'émission, je vais mettre la photo. facebook.com/Mickaël officiel. Plein de messages sont arrivés également là par rapport à ce que vous aviez déjà eu l'occasion de faire parce que vous étiez tellement fan d'un groupe, d'un artiste, d'un acteur, peu importe. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour ces gens-là? Il y a Mathias qui dit putain je vais me choper une tendinite à force de tweeter. Mais un coup de pelle sur mes doigts là pour me réveiller s'il te plaît, avec plaisir. Tiens, hop là, voilà Mathias. Il y a Létienne aussi qui dit moi je suis directionnaire à plein temps, fan des One Direction donc, et je suis en train de recouvrir les murs de ma chambre de poster 2. J'espère que vous pouvez comprendre la déception que j'ai quand j'ai su qu'il y avait un concert à 50 km de chez moi et que j'étais en vacances en Corse le jour même. Oh putain la poisse Étienne. Il y a Malika aussi qui dit j'avais fait la queue pendant plus de 10 heures pour être bien placé au dernier concert de Britney Spears à Bercy. Phénicia qui dit j'ai dépensé 1000 euros pour rencontrer mes idoles, c'est Vampire Diaries. Et Lucie aussi qui dit c'est clair. Lucie qui dit je peux te donner un coup de pelle aussi. Attends c'est quoi? Mickaël, peux-tu donner un coup de pelle ou un coup de lance-flamme écrasé avec le scooter de Toff minimum? Mon ex qui m'a cocu hier soir après un an. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Elle le mérite. Elle attends, le mérite. On va démarrer le scooter de Toff. Je vais le noyer. Oui, bah une seconde, je redémarre. Il veut pas, hein. Non, il mais propulse, parce que tu propulses pas au départ. Je vais essayer encore un coup. Il faut propulser. Ouais, mais il y a une ratée quand même. Ouais, hein. Ouais. Bah voilà, du coup, dans sa gueule. Et Let's Be Freaks qui dit aussi les deux choses les plus folles pour des stars, c'était une coloration de cheveux comme la star. Attends, c'est quoi? Comme la star et une venue sur Paris pour ton anniversaire, Mickaël. Ah oui, c'est gentil, Let's Be Freaks. Je m'en souviens, tu m'avais d'ailleurs offert deux Mustangs. Bah, pas les vrais, hein, des miniatures. Hein, que j'ai toujours d'ailleurs, deux rouges. Une vieille et une nouvelle. Merci à toi encore, Let's Be Freaks. D'ailleurs, Let's Be Freaks qui n'est plus numéro 1 là, dans le top Twitos là. Oh là, elle a été numéro 1. Mais ouais, elle a été numéro 1 toute la semaine dernière et puis là, c'est la chute. Troisième. Elle est passée troisième, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau numéro 1. Et un nouveau numéro 2. Et un nouveau numéro 2. Et mais un quand... nouveau numéro 4. Oh. Et un nouveau numéro 5. Non, mais un nouveau, c'est-à-dire un nouvel auditeur ou un nouveau... Enfin, que des gens qu'on n'a jamais vus dans le top 5. Eh ben très bien, bah, soyez les bienvenus. Donc vous tapez @emickaëlofficiel sur Twitter bon, là, pour nous follower. Si vous me faites un follow, je vous followerai également. Et vous tapez le hashtag Emickaël, on aura le résultat final du top Twitter. Ce sera dans moins d'une demi-heure. Restez sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, c'est jusqu'à minuit sur Fun. Il y a Nicolas aussi qui dit je suis tellement fan des catcheurs que j'ai fait leur prise sur des nounours, c'est grave ou pas? C'est très grave. Il y a Brandon qui dit je kiffe le scooter, mort de rire. Océane qui dit on est tous fans de toi, merci Océane. Et Brandon qui dit je kiffe le scooter aussi. Thibaut qui dit il y a peut-être plus d'huile dans le scooter. Ouais mais le moteur il aurait serré là ça va encore. Ça va encore. Revenons là deux secondes là, sur les films de boules. C'est quoi ton film de boules préféré, Lionel? En tout cas le titre. Tous. Non mais y a pas un titre comme ça qui t'a fait marrer plus qu'un autre? Bah tu sais moi je vais sur YouPorn donc je m'en fous. Ah ouais, ouais. C'est que des petits morceaux limités sur YouPorn. Ouais c'est que des petits morceaux. Ouais, ouais tu consommes short. Ouais mais on appelle ça des branlettes minutes, c'est pas grave. Oui branlettes minutes. Ouais. Et c'est quoi ton préféré sur YouPorn? Franchement je sais pas. C'est bah y a pas vraiment de titre. Si parce que moi j'aime les trucs la section Teen Asiat. Teen Asiat. Ah dégueulasse. Bon ouais, et donc du coup bah moi. Celui qui nous avait marqué un jour, on était tombé dessus avec Toff quand on cherchait des. En fait, on cherchait des sons de cul pour la radio et on était tombé sur un film qui s'appelait Ma blonde, ma brune, ma bite et mon couteau. Je trouvais ça tellement improbable. Il y a Joséphine qui dit Kiki Roux et la léchante sorcière. Harry Potter, la croupe en feu. Harry Potter et la braguette magique. Harry Tripotter également. Il y a Ingrid Bittencourt. Ça, c'est bon, ça. Le bon, la brute et le trou béant. Il y a des chibres et des lettres. C'est toujours Joséphine. James Bond 006. C'était Nicolas qui avait envoyé ça. Défloration finale. Pierre qui dit aussi alerte à mal aux boules. Alerte à Malibu, bien évidemment. Joséphine qui dit Dazizi Code. Bienvenue chez les Tubs, c'est Nicolas. Aurélien qui dit les Télétobites. Nicolas qui dit la planète des boules. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La Lorraine aussi qui dit la belle et la bite. Joséphine encore. Eh, dis donc, elle connaît, hein, Joséphine. Bah oui. Danse avec mes burnes. Alexandre aussi qui dit boule et bite. Ratatouille, il y a des grosses couilles. Sans rien d'almachienne. Fast and foufou. Ça d'almachienne, c'est bon ça. Code rectum. Ouais, la meuf là, moi je veux bien aller chez elle pour voir sa collection. Sa collection, ouais. Tu m'étonnes. Et Mathias qui dit comme film de queue, il y a aussi La Revanche des gros glands. Thibaut qui dit Alice, ça glisse au pays des merguez. Rémi qui dit Merlin en mancheur. Joséphine encore, Koutz Boob à Manhattan. C'est dingue. Et alors Tipeee aussi qui dit mon film X, c'est Robin des Bois bandés. Gaspard qui dit le god, la butte et le pénis. Mathias, Mickaël, Noli Beat. Ça c'est bon ça. à quand un producteur de film de X qui va faire Mickaël, Noli Beat? Avec Toff, exactement. Ah, ouais. Ah, il sera là, ça sera la star du film. Bon, Lionel, on va récupérer Camilia également là qu'on a plus, mais on va essayer de la récupérer. Camilia, tu voulais donner des conseils par rapport à Yanis. Bon, Lionel. Oui. Bon, toi, tu disais par rapport à Yanis, c'était d'y aller doucement parce que Yanis nous avait appelé parce qu'il a un sexe de 19 cm, il est toujours puceau, sa copine ne l'est plus, mais sa copine a peur. Qu'est-ce que tu fais, Yanis? T'es en train de te branler ou quoi? Non, je vous écoute, là, je rigole. Ah, d'accord. Comme j'entendais des... Je dis, qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais si tu te branles pas, alors tout va bien. Bon, donc toi, tu disais d'y aller doucement, mais tu lui as déjà dit, Yanis, t'as déjà essayé de la prendre, de la rassurer, tout ça? Ouais, mais bon, rien y faire. Ah, ça fait 6 mois qu'on est ensemble pourtant. Ouais, mais peut-être que c'est une excuse, hein. Peut-être qu'elle a pas envie en fait. Quand elle dort. Quand elle dort, c'est tu vois, si la meuf, elle a pas envie et le faire quand elle dort, je vais pas dire que c'est du viol, mais quand même pas loin. Tu vois, elle est pas d'accord au final. Non, mais je pense que tu devrais accentuer les préliminaires. Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Bah oui. Ça, tu peux faire aussi, ouais. Les préliminaires. Mais quand vous faites les préliminaires, vous allez jusqu'où? Hein? Bah, je mets les doigts, la langue, mais après, voilà, dès qu'on veut passer à l'acte, bah, non, elle a peur. Donc, jamais t'as sucé, quoi? Hein? Si, jamais elle t'a fait une pipe? Si. Bah, alors, elle doit se rendre compte que c'est pas si grand que ça, enfin, que c'est grand, mais ça va, c'est pas la folie 19. Non, je me doute bien, mais il faut peut-être lui parler, lui expliquer les choses. Enfin, tu vois, c'est pas dramatique. 19, ouais, et il y en a qui ont des bites, mais tellement plus grandes. Ou sinon, je vais aller voir la meuf. Ouais, ou après tu vas changer de meuf aussi, mais c'est peut-être pas non plus la solution, quoi. C'est dommage, on avait Camilia, c'est la vie de la fille, là, malheureusement, je sais pas si elle a plus de batterie ou quoi, mais dites-nous les filles, là, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Et Lilou, tiens, t'es déjà tombé sur combien, toi, maximum, en termes de taille? La moyenne. En fait, je prends jamais de mètre pour mesurer, mais... La moyenne. Ça, c'est les meufs, ou même les mecs, c'est je prends jamais un mètre pour mesurer, bien sûr, mais tu vois quand même si le mec, il a plutôt 12 ou plutôt 25, non, quoi. Ils sont bien collés, mes mecs, généralement, ça va. Ah ouais. Ouais, sauf le dernier en date, il paraît. Mais si, il est trop mignon. Je sais pas, c'est ce qu'elle nous a dit hors antenne, elle osait pas le dire, mais... Bah, mais pas du tout. Apparemment, hors antenne, tu nous as dit que le dernier en date, là, l'actuel, c'est il moyen. Est pas super bien gaulé, quoi. Absolument pas, il est encore mieux gaulé que David c'est Beckham. C'est ridicule, ouais, non, je pense pas, non. C'est genre à la jet avec David Beckham, tu sais. Bien sûr, mais ça m'est fait. Avec ton espèce de dessus en dégueulasse, là. C'est Beckham qui me l'a offert, justement. Tu sais même pas combien ça coûte, ça. Mais on s'en fout. C'est pas parce que ça vaut cher que c'est beau. Bah, mais ouais, mais c'est un cadeau de Beckham, donc à partir de ce moment-là, voilà, quoi. Et le pire, c'est qu'elle y croit. Mais non, mais c'est vrai. C'est ça le pire. Le pire, c'est pas parler de mon histoire avec Bradley Cooper aussi, non? On en parlera plus tard. Attention, parce que Bradley Cooper, on l'a déjà rencontré, ou alors on peut lui demander. On peut faire la maline, là. Pas de soucis, tu lui demandes. Fais aucun pas la problème. Maline. Ouais, on a ça. Le bras long. On a le bras très très long, contrairement à la bite de tes mecs. On a le bras très long. Il y a Dédé qui dit pour un dernier film de cul pour la route, je finis avec les trois mousquetaires, les trois mousquetards, pardon, ou bien encore Julie les chauds. Et alors DJ Bobru qui dit Star Gods, la revanche des bites, ou encore Alexandre qui dit boule et bites, ratatouille, il y a des grosses couilles. On l'avait déjà proposé, on les avait déjà proposé ces deux-là. Ouais. Bon, tant pis, on n'aura pas la fille, c'est pas grave. Bah, Lionel, merci en tout cas pour le conseil donné à Yanis. Juste te dire un truc, Mika. Bah vas-y Lionel, t'es chez toi, fais donc. Je suis passé chez vous déjà il y a un petit mois, tu m'avais promis un pack Sean et je l'attends toujours. Bah il arrive Lionel, dis donc, tu sais que c'est pas moi qui fais les packs, hein. C'est pas moi qui fais les envois. Hein. Bah, c'est Lilou. Non mais Lilou, bah exactement, bah tu sais quoi, tu peux gueuler chez Lilou, tiens. Tu la prends au téléphone, tu dis t'es mec, j'ai une petite bite. Voilà. Elle me dit ouais c'est pas grave, c'est en septembre, elle attend toujours. Ouais bah on est toujours en septembre, t'inquiète pas. Non écoute, on va regarder. On va voir Lionel là. Mais c'est vrai qu'en même temps, pour le coup, je vous avais dit à tout le monde, les packs Sean on les a reçus seulement début septembre. Donc si tu l'as gagné au mois d'août, bah faut le temps quoi. Donc, mais ça va arriver, Lionel. Juste faire un petit bisou juste à ma femme, tu vois, Babette. Babette. Eh ben pas de problème, ça marche. Salut Lionel. Voilà. Salut Babette. Merci. Allez, bisous à tous. À bientôt. Salut Lionel. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire. Hein, vous avez encore 20 minutes là maintenant. Vous appelez standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est Lilou qui va décrocher. Vous lui dites simplement que son mec a une petite bite et vous raccrochez. Et il faut qu'il arrête de respirer le derrière, c'est horrible là. Yannis, on dirait que tu te branles, c'est drôle. Ah bon? Bah ouais, mais c'est une horreur quoi. Bon, vous devez être parano, vous devez être parano. Ah non, on n'est pas parano, je t'assure. Il y a un petit bruit quoi. Mais ah ouais, j'ai le kit main libre. Ah ouais, mais c'est pas ça, hein, t'inquiète pas. Bon, Yannis, ouais. Bah écoute, tiens-nous au courant et puis parle-en un peu avec ta meuf. Et puis sinon, on essaie de l'appeler, nous, on peut lui expliquer, on peut essayer en tout cas. Ouais, mais là, elle est en Espagne, là, ça va être compliqué. Bah quand elle revient quand? Hein? J'en sais rien, dans une semaine. Ah, tu sais pas, Yonk. Bon, bah très bien, bah écoute, quand elle revient, tu nous appelles, d'accord? Hein, ouais, bah pas de soucis. Bon, ça marche. Salut Yannis et bonne bourre. Ouais, bonne soirée. Allez, ciao à toi. Bye bye. Donc allez-y. Et non, le stagiaire, c'est pas lui qui l'a décroché, c'est Lilou qui l'a décroché parce que les gens l'appellent pour lui dire que son mec a une petite bite. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. 01 42 48 5000 et ou 02 851 4x0. Vous appelez Lilou maintenant, elle va décrocher. Vous lui dites ton mec a une petite bite, tu raccroches. Voilà, voilà. Tout et simplement. Vous rappelez plusieurs fois, hein, toi. Ouais, vous pouvez appeler plusieurs fois, n'hésitez pas. Bon, on aura Nathalie dans un instant là qui voulait réagir. Ah bah Yannis reste encore là, gars. Nathalie qui voulait donner son avis. Là. Salut Nat. Oui, ouais. Bonsoir. Salut Nathalie, bouge pas, on va parler avec toi dans un instant de Perpignan, d'accord? Oui. Oui. T'aimes bien Robin Thicke, Nat? Oui, ça. Oui, bon, on va se l'écouter dans un instant, tu as une bonne chose. Bon, bah, vous bougez pas de là, Robin Thicke, ce sera dans un instant. Robin Thicke avec Blurred Line, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Et puis on aura aussi dans quelques instants là le top tweetos. Et apparemment les SBFreaks qui auraient perdu son leadership. Oh, oui, là, impossible qu'elle la chute aujourd'hui. Eh ouais, c'est la chute, effectivement, elle n'est plus numéro 1 du top tweetos. Je rappelle que le top tweetos, eh bien c'est on va élire en fait tout simplement le plus influent, l'auditeur le plus influent de la soirée sur Twitter avec le hashtag et Mickaël. Ça a été Let's Be Freaks toute la semaine dernière, depuis mardi, mercredi et jeudi, puisqu'on a commencé mardi avec le top tweetos. Et donc ce soir apparemment elle a commencé largement en tête et elle s'est fait rattraper. Bon ben on en parle dans un instant, on verra en tout cas dans à peu près un quart d'heure qui sera le top tweetos de la soirée. Si vous voulez continuer à participer, ben, vous mettez Mickaël officiel sur le Twitter, vous m'ajoutez, vous me faites un follow quoi. Moi aussi je vous ferai un follow, pareil sur Instagram. Et puis on verra tout qui sera le top tweetos. Ce sera tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Restez bien là, on est en direct jusqu'à minuit, il se passe enfin quelque chose de soir sur Fun Radio et à la radio tout court d'ailleurs. Hein. Vous balancez tous vos messages le dimanche de 20h à minuit et toute la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Et bien dans un instant, ce sera le son de Robin Thicke. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Mickaël nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, dans toute la France, avec toujours vos messages qui arrivent évidemment en direct, hein, n'hésitez pas. Et toujours cette vidéo qui cartonne, c'est la version de Boobs, de Martin Garrix, ouais. C'est-à-dire que c'est une meuf qui, donc, avec sa poitrine, avec ses seins, mais c'est pas dégueulasse, hein, elle a un très très beau décolleté, et donc elle arrive à faire bouger ses seins en fonction du rythme de la chanson de Martin Garrix avec Animals. Donc allez la voir, vous êtes quand même déjà plus de 130 000 pervers à avoir été la voir rien que ce soir, donc c'est quand même pas mal. Donc vous allez voir ça, facebook.com/Mickaël officiel, je compte sur vous évidemment, et puis je vous rappelle également qu'il y a Boobsman à aller voir et tous les titres originaux de films porno rigolos à aller mettre sur le Facebook, pareil, facebook.com/MIKL officiel. À vous d'aller jeter un oeil, n'hésitez pas. Il y aura Party Fun aussi à partir de minuit sur Fun Radio, ce sera avec notamment Nicky Romero tout à l'heure, avec Adrien évidemment, hein, et avec Rehab tout à l'heure, donc ce sera à partir de minuit. On aura l'occasion d'en reparler également d'ici dans quelques instants. Le top tweetos avec l'auditeur le plus influent ce soir sur Twitter, le temps d'écouter le son de Robin Thicke. Maintenant, c'est Blurred Lines sur Fun Radio. Bonne soirée. Robin Thicke à l'instant sur Fun Radio, Blurred Lines. Et avec plein de messages qui arrivent aussi, notamment les SBFreaks qui disent aidez-moi à dire à Mickaël que si j'ai perdu mon titre, c'est à cause du Twitter, car je suis bloqué, s'il vous plaît. Ah bah ouais, mais ça après. Twitter ne veut pas te laisser gagner aujourd'hui. Bah oui, mais tu sais, c'est comme les mecs qui sont en Formule 1, tu sais, qui perdent parce qu'il y a un problème mécanique, parce qu'ils ont fait un accident. Bah voilà. C'est la faute à pas de bol. Ça arrive. Mais en attendant, il se fait qu'effectivement, t'as été destitué, quoi. Ouais, c'est dommage. Faut dire la vérité. Bon, en tout cas, le résultat du top Twitter, ce sera dans 5 minutes sur Fun Radio. Plein de messages aussi qui arrivent. Il y a Mathieu qui dit Mickaël, j'en ai un nom là. Beat Radio, le son Sperm Floor, mort de rire. Oh, crade. Oh là, tout de suite, c'est beaucoup plus crade. Gangam Totor aussi qui dit Ali Bouboule et les 40 suceurs. Il y a Clara qui dit Harry Plotter et ses boules magiques. Et puis Joséphine encore, les 12 couilles de minuit. Donc, les 12 couilles de midi, évidemment, hein, puisque je vous avais demandé de trouver des noms de films de cul, soit existants, soit. De votre sortie tout droit de votre imagination et de nous les balancer sur le Facebook de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. Yanis, t'as bien fait de pas partir puisque nous avons Nathalie qui est venue là pour te parler, peut-être t'aider à trouver une solution. Yanis qui nous avait appelé parce qu'il est complexé, parce qu'il a une teub de 19 cm et c'est même pas vraiment complexé, c'est que ta copine en fait en a peur. C'est ça. Alors Nathalie de Perpignan, toi tu voulais réagir à Yanis, toi. Alors c'est quoi ton conseil? Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de tester avec une bite démesurée? Oui. Alors vas-y. Moi elle avait 20 cm. 20 cm? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et t'as eu peur ou pas, maman? Est-ce que le mec a dû te rassurer? Est-ce que ça a fait mal? Dis-nous. Non, ça m'a pas fait mal, hein. Putain, pourquoi elle a peur, moi? Bah je sais pas. Tu connais d'autres filles éventuellement, Nathalie, qui ont eu déjà ça? Non. D'accord. J'aurais bien posé la question à Toff, mais comme il n'en a pas une d'aussi grande. Non. Pour voir s'il y a des filles qui ont peut-être déjà eu peur, mais bon, là, on peut pas savoir. Non, moi, je suis à 18, donc. Oh, 18, là, comme il se la ramène. Polo, qui a déjà vu en vrai, parce qu'on a eu fait un moulage à un moment ou un autre de sa bite. Ouais. Quelle est la taille de celle de Toff? Grosso modo. Grosso merdo, à 14, 15. 14-15. C'est tout petit, c'était ridicule, parce que moi je m'attendais à un manche. Oui, mais c'est parce que j'ai été mal excité. Arrête, ils s'attendaient à un anaconda. Mais oui, parce qu'il nous l'a vendu. Et qu'est-ce qui est sorti? Un ver de terre. Il nous l'a vendu pendant des années. Et de quoi? Et la tienne, Mick. 50. Oh, elle fait 5-6 cm. 50 mètres. Ah ouais, mais c'est bien, une petite ça marche aussi bien. Et je rappelle qu'avec 6 cm, on peut faire jouer une femme. Oui, ouais. Donc au final, même si elle faisait que 12, la mienne, tout va très bien. Ah oui, mais on n'a pas les contraires, c'est toi qui te la ramène. J'ai une grande bite. Non, 18, c'est pas grand. Si, puisque regarde, Yanis, sa meuf, elle a peur de 19. Alors tu vois, hein, finalement. Ouais. Et celle du vieux, elle fait combien? Ah, de Polo? Non, le vieux, là, c'est celui qui est un peu bizarre, là. Ah, d'accord, comme c'est le plus vieux de l'équipe, c'est pour ça que je pensais que tu parlais de Polo. Ah, je sais pas, Stéphane? Ouais. Ah, combien de centimètres elle fait chez toi, Stéphane? Un feu. Non, mais c'est pas le sujet, Stéphane. Stéphane, combien de centimètres? Moi? Oui. Ça dépend des femmes. De toute façon, c'est pas la longueur, c'est l'utilisation qu'il faut. Non, mais bien sûr, mais en centimètres, ça fait combien? Avant, elle était à 22, et après, elle a rétréci. Ah, bah, tu l'as coupé, oui, bah, c'est normal. À 18. Bah, oui, c'est après, ça. Ah, merde, attends, parce que Virginie est déçue, là. Elle est devenue à 14. Elle a rétréci parce que j'utilise des plantes médicinales. Ah d'accord, mais Virginie, t'es pas trop déçue d'avoir perdu 7 cm? Les Asiatiques, elles aiment les petites bites. Mais non, mais pas du tout. Mais non, Stéphane, attends une seconde. Virginie! Ouais, je suis là! T'es pas trop déçue là d'avoir perdu 7 cm au passage? Mais je m'en fiche totalement, franchement. Bah attends, mais il paraît, j'ai vu ça sur Facebook, apparemment tu vas te taper Stéphane, Virginie. Ça vaut pas la tête. C'est vrai, c'est un message, c'est le buzz là, sur Facebook et sur Twitter. Et bah c'est bien. C'est vrai, hein, Toff? Mais oui, ouais, grave. Attends, mais ça passe de partout, tweet, là. Ça passe de partout, top tweet, tout le bordel. C'est bien. Ah bah très bien, on prendra de nouvelles, on viendra filmer, nous. Hein. Mais bien sûr, c'est ça, ouais. Évidemment, avec plaisir, c'est normal. Mais c'est normal, c'est normal. Mmh. Bon, donc, Nathalie, pour en terminer avec Yanis, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'il y aille, pour qu'il en parle à sa copine en essayant de, tu vois? Bah, faut qu'il aille tout doucement avec elle. Hein. Bah oui, mais c'est pas le problème, c'est pas lui qui veut y aller vite ou rapidement, c'est elle qui a peur. Si la meuf a peur, elle fera jamais ça. Hein. C'est la peur. Bon, moralité, Yanis, change de meuf. Change de meuf. Ouais, je me rappelle si la bite. Hein. Oui, après, tu peux la couper également. Mais tu sais quoi, si change de meuf. Demandez-le à choix. C'est pas mal. Je t'ai dit change de meuf. Hein. Voilà, change de meuf et nous on la récupère si tu veux. Voilà. Salut. Voilà. On va voir. Ça me paraît un bon plan, ça. Bah, merci pour le soutien, Yanis, hein, c'est gentil. Hein. Bon, merci Nathalie d'être passée, là. Gros bisous. Hein. À bientôt. Allez. Salut à toi. Et Yanis, écoute, bon courage chez nous au jus, hein, et puis bonne bourre. Ouais. Tu peux passer une petite dédicace ou pas? Allez, vas-y, y a une personne, vas-y. Dédicace tous mes collègues de Fronto et de boulot. Très bien. Et message passé, pas de problème. Salut Yanis. Bonne soirée, merci bien. Allez, salut à toi, ciao, bye bye Yanis. Bye. Bon, voilà. Stéphane, merci à toi d'être passé aussi. Hein. Salut, merci, ça fait plaisir. Je t'en prie, tu veux dire un petit au revoir à Virginie? C'est la chatte en feu, j'ai l'arrosoir là. Parfait. Merci Stéphane, c'était le mot de la fin. Allez, salut Stéphane. Merci, c'était beau. À bientôt, ciao. Bon, Virginie. Ouais. Bon, je pense qu'il est in love. Hein. Ah ouais, je crois qu'il est totalement in love là. Totalement in love. Bon, ben voilà, comme ça tu sais tout. Virginie, passe une bonne soirée. S'il vous plaît, c'est possible d'avoir un petit truc? Ah si, attends, j'ai un coup de pelle sur la gueule. Non, pas ça, petit cadeau. Un lance-flamme. Non, pour façon, non, ça allait arrêter. Attends, Toff, il peut te faire un cadeau là. Non. Ah oui, ça je peux. Voilà, tu veux faire un tour sur sa mobilette? Non, elle va la casser, elle va la casser. Tu veux faire un tour sur sa mobilette ou pas? Non merci, je veux pas faire ça. Allez, on démarre, un coup de kick là, attends. Un petit truc. Moi je veux bien t'offrir un truc uniquement. Connard. Voilà, si c'est du connard. Ah bah figure-toi que c'était même pas ça que je voulais. Tu m'as insulté, bah tu sais quoi, t'auras rien du tout. Salut Virginie. Merci beaucoup. Si. Moi je voulais simplement que tu me fasses une photo de toi avec ta meilleure amie Amandine. Ah, je pense qu'elle a pas aimé. Voilà, Virginie, si tu veux un cadeau, tu fais une photo de toi, tu nous l'envoies avec ta meilleure amie Amandine. Non, s'il vous plaît, allez. Si, alors, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On change pas les règles. Non. Si. Amandine, non, c'est comme non. ça. Non. Bonne nuit Amandine. Amandine, non. Bonne nuit Virginie. Elle va gueuler. Maman, c'est allez. Non, un petit cadeau, un petit truc. Au revoir Virginie. Non, pas au revoir. Je t'envoie le stagiaire, il va s'occuper de toi pendant tout un week-end. Non. Ah, si. Non, mais. si. Non, un petit truc, je sais pas moi, un iPad. Bien sûr. Bah, je vais t'en mettre 3, tiens, comme ça, hein, t'en as un pour chaque jour. Non. Je t'en mettrai même 7, un pour chaque jour, comme ça, voilà. Allez, au revoir, Virginie. Non, passe-moi le. Merde, ça coupe, je passe sous un tunnel, là. On passe sous un tunnel. La radio s'effondre. Ça coupe. Hop, ça a coupé. Ah ouais, mais ça, c'est dommage. Ça, c'est le problème avec les tunnels, c'est que tu vois, tu roules et. Paf, la conversation s'arrête et c'est le drame. Bon, avant de se quitter, tout à l'heure je rappelle qu'il y aura Party Fun aussi avec Nicky Romero notamment, hein, qui sera là pour mixer. Eh bien, on va parler des teubés de la télé. On le fait toute la semaine à minuit. Eh ben là, on en profite aussi à minuit. Hein. C'est dans le jeu Slam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est dans le jeu Slam sur France 3. Il essaye de faire de l'humour en fait et ça tombe en fait complètement à plat. Alors écoutez bien. Elle capote avec la pilule. Voilà, c'est la solitude, hein. C'est ce qu'on appelle une belle solitude justement. Alors toujours sur France 3, j'ai envie de dire la chaîne de la solitude. C'est dans Harry, ils ont eu un candidat en fait super heureux d'être là. Hein. C'est génial. Je suis sûr que vous adorez le suspense comme ça, Eric. Tu m'en passeras bien. Hein. On va voir ce qui va se passer. Ça va, Eric? Pour aller mieux. Ah putain, sur France 3 ils ont la patte, hein, ça fait plaisir. Et puis pour finir, dans les maternelles, on a eu un petit lapsus. Oh, un petit lapsus, rien de bien grave. Là aussi nous pouvons battre notre culpe. Culpe. Non, pas le cul. Voilà, nous pouvons battre notre cul sans problème. Oh, mais oui, c'est tellement agréable. Voilà, les teubés du jour sont passés, hein. Ils reviendront demain évidemment en pleine forme à partir de 23h évidemment. Bon, et avant de partir, le top tweetos. Allons-y. Alors, numéro 5. Juju 06530. C'est une nouvelle ça. Oui. Le nouveau, je sais pas. Bah, bienvenue à toi, le nouveau, là, alors. Bon, numéro 4. Donc, ça, c'est les personnes les plus influentes ce soir hein, sur Facebook, en fait. Ouais. Sur Twitter, pardon. Sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. Donc, Juju qui est numéro 4. Et c'est beaucoup plus serré que d'habitude. Hein. Ah ouais, ouais. Tant mieux. Merci, Nico Saligas. Alors, numéro 4. Mais malheureusement, Nini Virginie. Non, Let's Be Freak, c'est passé de la première à la quatrième place. Là, oh, la chute. Eh oui. Bon, alors, suivante. Ensuite, il y a Perferoni qui était premier pendant presque toute la soirée, mais malheureusement troisième. Ah, troisième, ouais, dommage, ouais. Ensuite, numéro 2. Echo 90. Ah, c'est à nouveau ça aussi, ouais, encore. Nouveau, bah, bienvenue à toi, encore une fois. Et Kevin LR17 qui était cinquième au début de l'émission, qui termine premier. Eh ben voilà, c'est parfait. Bravo Kevin d'être numéro 1. Là, on va te mettre ça sur le Twitter, hein, comme ça tout le monde pourra le voir, il n'y a pas de problème. Et puis, je vous rappelle également que demain, on se retrouve déjà à partir de 23h sur Fun Radio, toute la semaine, du lundi au jeudi. Je vous rappelle également que j'aurai à vous offrir eh bien, les iPod Nano, j'ai aussi des iPad Mini ou encore des casques de DJ que j'aurai l'occasion de vous offrir. Et puis en attendant, je vais passer ma soirée à follower tous ceux qui m'ont followé ce soir. Hein. Bienvenue à Jérémy, bienvenue à Neymar Junior également, c'est cool. Bienvenue à Noah, bienvenue à Jen, à Antoine, à Grégor, à Caroline. Voilà, ça c'est ceux que je viens déjà de follower, comme ça au moins j'aurai déjà fait ça. Bon, on se retrouve demain en pleine forme. Oui. Enfin j'espère en tout cas. Passez une excellente nuit et rencard donc demain à partir de 23h. en pleine forme. Salut Lilou. Salut. Ça, hey, demain plus avec ça, hein. Plus ça avec sera, ton léopard là. Sur ça la... sera en tigre. Ça sera un chat en tigre. Wow. J'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte d'être à demain. La bonne nuit Apollo. Bonne nuit à Atof. Merci. Mais bonne nuit. Voilà, Kelly ouais. également était au standard. Et puis merci aux deux auditeurs qui sont venus, Gaylord et Martial. Merci à vous les gars. Hein. Merci à toi pour l'invite. Eh bah avec plaisir, vous revenez quand vous voulez, y'a pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Allez, parfait. On se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Le dimanche soir, 20h minuit. Vous allez me casser les couilles longtemps là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio.